Ah, ma gueule. Ouais, ta gueule. Ouais. Tifoul. Je sais rien faire avec mes mains. Cédric. Je me suis mangé un mur. Ah, putain. Marie. Par ta gueule. Samy. À chaque fois, on prend des buts à la fin. Momo. Son port est trompeur. Et Karim. À ma chambre, j'ai un lit, j'ai mis un petit canapé, une place, en fait. Tifoul Radio Libre. Tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, les génies de l'équipe sont là. Oui, ceux qui inventent le canapé, une place, par exemple. Autrement dit, un fauteuil. Exactement. Ils sont là avec nous. Content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Comme le dit Morgane, salut les filles. Salut les filles. Salut Morgane. Salut les filles. Morgane, salut à toi. Ah bah tiens, il y en a qui sont fans d'Afro Trap. Moi aussi, je suis comme toi là. C'est Laxois qui nous a laissé un message qui dit j'adore MHD, c'est un son de fou. Salut Difool. Salut Laxois, Laxois 18 c'est ans. C'est vrai, je suis d'accord. Pareil, c'est pour ça qu'on l'a passé d'ailleurs. Parce que les sons qui nous plaisent dans l'émission. Soyez là jusqu'à minuit, parce qu'il va se passer plein de choses ce soir avec vous en direct. D'ailleurs, si nous on reste là, c'est parce que vous avez invité des surprises. Si vous avez un truc à nous dire, si vous voulez faire les cons avec nous, si vous avez un service à demander, c'est au 01 53 40 30 20. Romano, c'est en plus mercredi. Romano, il faut voter Romano, oui. Bah, l'autre, évidemment. J'allais annoncer le clash de la drague, c'était déjà dedans, toi. Hein. Romano, il faut voter Romano. C'est le show de la soirée. Il fait beau, il fait chaud, voter Romano. C'est bon, tu vas pas nous sortir tous tes slogans, non plus. Et donc, ce soir, oui, clash de la drague, après une première dans le clash. On a vécu ça lundi, un 50-50, et on a vraiment vérifié. C'est-à-dire qu'on a quand même chié sur Romain des réseaux sociaux. Bah oui, disant qu'il savait pas compter. Non, ben, j'ai rechié. Oui. Et ben, on a vérifié. Ça a été vérifié. Et il y a eu 50-50. Comme quoi, tous les votes comptent, ça peut jouer à un vote près. Donc, du 50-50 aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'ils sont chauds, ils sont beaux et ils sont là pour vous séduire. Ça vote Romano. Romano et Cédric. Il en profite. C'est pour ça que t'as envoyé Cédric acheter à boire, Romano, pour pouvoir balancer toutes les slogans sans qu'il dise rien. Ah non, mais je savais même pas qu'il serait qu'il y a un truc. Ah non, mais on le voit. Désolé si vous faites le ramadan, je dis ça pour Karim. Oui. Nous, mais c'est vrai qu'on a soif, ça c'est clair. Ah, il fait soif. Hein. Il fait soif, toi, c'est sûr. Il fait toujours soif. Bon, oui, pour Marie, évidemment. Oui. C'est clair. Je suis, mais complètement desséché. Merci, Cédric. C'est ça, exactement. Romano a annoncé le clash. Et moi, je vais me faire enculer, moi, donc en gros, c'est ça. Bah ouais, tu vas te faire enculer. T'es vraiment une grosse salope, toi. Mais pas d'argent, t'es sérieux. Eh oui, ils sont où, mais. T'es quoi? J'ai donné de l'argent pour Romano. Non, t'as pas donné de l'argent pour moi, tu m'as donné ça 1 euro. Non, non, je t'ai donné 1 euro, 50, je sais pas combien. Non, tu m'as donné 1 euro et Marie avait 1 euro en plus. Ouais. Mais j'ai rendu son euro. Ouais, voilà. Marie, bon. Rends ton euro, Marie. On gérera nos problèmes d'équipe. Non, mais moi je veux 1 euro, Marie. Du coup, voilà, non, ouais, mais c'est ça, ouais, t'as raison. Et il faut voter Romano avec 1 euro. Ah, non. Bon, on a parlé du clash, on va pas parler du top bug qu'on retrouvera aussi avant minuit. Votre classement du top bug, les bugs de Romano classés par tous vos votes. Vous pouvez encore voter là sur le difool.skyrock.com ou sur l'appli des bugs de Romano que vous pouvez télécharger. Yes. Vous votez, puis on aura le classement à découvrir tout à l'heure, à n'importe quel moment de l'émission. On peut découvrir ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ce soir? Alors, peut-être un petit double appel, on verra d'ici minuit. Ouais. Où est-ce qu'on va aller? Vous pouvez nous laisser les numéros pour le double appel sur le 41759 et sur l'appli Skyrock, bien sûr. Vous nous laissez les numéros des gens que vous voulez appeler. Hier, on a eu un super double appel avec deux bonnes femmes sympas comme tout. Qui parlaient des oiseaux. Oui, c'est ça. Ouais. Des mésanges qui chiaient sur leurs fenêtres Et après, qui parlaient avec Patrick. C'était magnifique. Elles ont réussi à tenir une conversation. Elle va mieux de branler, ouais. Voilà, c'est ça. Oui. Je suis en train de m'assurer. Oui, de branler. Donc, on aura le rendez-vous. J'ai mon euro. Ah, tu as ton euro, c'est rien. L'émission peut démarrer, donc allez-y, profitez-en. Ah non, pas encore, il faut que j'aille acheter à boire maintenant. Oui, c'est ça. Bon, et sinon, votre journée s'est bien passée, tout le monde? Ça va, super, merci. Génial, très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? PSG. Alors, ici c'est Paris. Oui, alors le championnat, est fini. Hein. On est dans l'euro, Karim. Ben Arfa. Signe au PSG. Allez. Ben Arfa est là. C'était pour ça la musique du PSG. Ouais, c'était pour ça, man. Karim, désolé de te casser le délire. Bon, déjà, le mec sera un remplaçant. Il va signer jeudi, man. Et de deux, c'est parfait. Et il va signer jeudi, man. T'inquiète. Contre-attaque ce soir du FC Séville, mon pote. Mais FC Barcelone. Allez, le PSG et le FC Séville se battent pour Ben Arfa, c'est ça? Ouais, et c'est Barcelone. La guerre, man. Donc, c'est pas fait. C'est pas fait. Tu verras, gros. Jeudi, il signe à Paris. Mais il a été approché, ouais. Je te l'annonce. Jeudi, c'est au PSG. Oui, je m'approche de toi. Contacté, quoi. Viens, mon petit. Ah, c'est pour ça. Excusez-nous si vous n'êtes pas fan du Paris Saint-Germain. Je vois qu'il y en a plein qui nous laissent des messages. Ah, il y en a qui sont contents, hein. Marc de Toulouse. Ici c'est Paris qui nous dit allez le PSG. Si c'est Ben Arfa, il vient chez nous. Ah, c'est vient pas Ben sûr, Arfa. Apparemment. Ah, moi je suis pour l'OM, je suis une cagole. Bien, Marie. Ouais. Problème. On t'accepte. Comme Chris d'ailleurs, enfin c'est un mec. Je suis la morue du vieux port. Non, je suis pas une morue. Il fait aller l'OM. Donc, Ben Arfa, ça y est, c'est la nouvelle du jour. Normalement, ouais, il devrait signer jeudi à Paris. Ouais, très bien. Normalement. Ouais. Je sens la sardine tant comme dans pas, le vieux port. C'est bien Marie. Donc Marie, vous l'avez entendu, soutient l'OM. Je suis allé l'OM. Bah, bon, Samy, il y a Batshuayi qui signe à Chelsea. Ouais, Chelsea, ça y est, 40 millions d'euros. 40 millions, record pour Marseille. Il va passer sa visite médicale, donc soit à Bordeaux parce qu'il y est avec la sélection belge, soit il va prendre un avion, un jet privé pour aller à Londres, passer sa visite médicale et revenir avec la sélection belge comme il joue l'Euro en ce moment. Ouais, c'est ça. Donc petite nouvelle footballistique, une arrivée à Paris et encore un départ à l'OM. Ouais, bon, on avait déjà dit hier. Mais nous, bon. Il y a un autre départ, il y a la Bruniscas aussi. Ouais, bon, ça c'est encore fait gros. Si, ils ont fait un communiqué, je crois, l'OM. Ah, vous changez de président alors. Non, c'est pas encore fait. Bon, voilà quelques petites nouvelles qu'on vous confirmera dans la soirée. Vous aurez votre journal des Bleus, j'ai pas dit, mais votre journal des Bleus de l'Euro. Un nouveau blessé aujourd'hui. Ouais. Bon, blessé à la main, donc ça va, c'est Patrice Evra. C'est la main. Bah, ouais, il joue avec la main. Ça va, oui, mais bien vu Marie, parce que Marie elle s'y connaît en football. Bon, allez, on en reparlera d'ici minuit. Votre journal des Bleus de l'Euro, bien sûr. Vous pouvez laisser vos messages là-dessus si vous avez une info qui vous a fait rigoler et que vous voulez la donner à l'équipe pour notre journal des Bleus de l'Euro de tout à l'heure. N'hésitez pas à nous laisser tout ça jusqu'à minuit. Allez, on prend tout et on profite de cette grosse soirée qui démarre avec Lilou en direct avec nous. Bonjour Lilou. Bonjour Lilou. Allô Lilou. Bonjour. Allô. Ça y est, on t'entend bien Lilou, ça y est. Bonjour. T'es dans le 39. Pourquoi tu fais une voix de Pékin? Bonjour. T'es dans le 39 et t'as 15 ans toi Lilou, c'est ça? C'est ça. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Et qu'est-ce qu'on dit? Toulalan a signé à Bordeaux. Ouais, c'est vrai, ça, la semaine dernière. Ah, bah voilà, laissez-nous des infos footballistiques. Je vois Piccolo, j'étais en train de regarder les messages en même temps que je te parlais. Encore lui. Mais c'était la semaine dernière, ça déjà. Non, mais tout le monde croit qu'il est plus vieux parce qu'il a les cheveux blancs. Ouais, il est vieux quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas non plus. Ouais, le mec, j'ai l'impression, ça fait 15 ans qu'il est là. Non, mais c'est ça, il a des cheveux blancs depuis, ça fait. Tu vois qui c'est, Toulalan, Lilou? Non. Non, c'est pas grave. C'est un ancien joueur de l'équipe de France. C'est pas grave, t'inquiète. Monaco de Lyon. Alors, Lilou, tu es accueilli par les auditeurs de Skyrock qui te laissent déjà des messages. Elle a une jolie voix, Lilou. Il y a Rick Ross qui nous dit qu'elle a une voix de. D'accord. En tout cas, des messages pour toi, c'est bien, c'est bien. Elle habite où, Lilou? Elle habite dans le 39. Le 39, c'est Franche-Comté. C'est le jeu, voilà. Je dis ça parce que Romano m'a appris à parler le franc-comtois et le bourguignon il y a pas très longtemps. Ah, mais c'est pas tout à fait pareil, hein. Ouais, bon, on fera dans les détails un petit peu plus tard. Je vous rassure, je ne suis pas de l'Oise. Tu n'es pas de l'Oise. Mais pourquoi? Ça tombe bien parce que t'es dans le Jura. Oui. Mais c'était quoi cette blague? Tu es d'où tu veux. Tu es d'où tu veux. Enfin pareil, je ne suis pas de la Lozère. Je t'ai expliqué tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi. Alors, Lilou, de quoi tu voulais nous parler? Voilà, moi je suis du Cantal. C'est bien, Cédric. Chantal le Cantal. Non, je suis pas du Cantal. Super, la blague. Alors, dis-nous pourquoi tu nous appelles, Lilou. Écoutez bien, Lilou, vous allez peut-être pouvoir l'aider. T'as une petite question que tu te poses en rapport à un mec, je crois que c'est ça. Hein. Ah, ouais, c'est ça. En fait, j'ai un pote à moi. Ouais. Ça fait un mois que je le connais et il veut sortir avec moi, sachant qu'en fait, il sort déjà avec quelqu'un. Mmh. Et je vais le voir demain et ça fait genre juste un mois que je le connais et tout, et je le connais pas bien du tout. Et comment tu le sens, toi? Parce que parfois, bah, tu sais, parfois tu sors avec une meuf, tu l'as jamais vue, tu la rencontres en boîte et puis ça peut devenir l'amour de ta vie. Regarde Romano et sa gothique. On sait jamais. C'est pas l'amour d'Anus, ouais, mais... je suis plus avec elle. Non, mais c'est ça l'histoire. En fait, tu la connaissais pas avant? Bah si, c'était. Si, un peu. Tu l'avais vue un peu? Bah ouais, je l'avais vu. Il l'avait repéré. Ouais, elle m'avait tapé dans l'œil. Ah bah ça m'étonne pas. Donc toi tu le connais, ça fait quoi un an que tu le connais? Tu l'as vu en tout cas? Ouais, je l'ai déjà vu de... Enfin, on se voyait comme la gothique, pareil. Non, mais on se voyait au collège. Mais rien à voir, moi j'étais pas copain avec elle. Hein. Si, t'étais copain. Si, mais non. T'es pas copine. Mais non. Et tu la pines à la fin. Ouais. Non, je l'ai bien pine. Donc c'est pour te dire, Lilou, ça arrive, ça peut arriver. Non, mais moi, il n'y a rien à voir. Hein. Non, mais on se connaissait vite fait de soirée, tu vois. Ah. On se disait bonjour, quoi, ça s'arrêtait là. Hein. Ouais. Tu connais la meuf du mec ou pas? Ouais, c'est une ancienne pote à moi. Ancienne, pourquoi ancienne? Bah, parce qu'en fait, au collège, j'ai été victime d'harcèlement. Par les filles du collège, par les gars du collège, par tout le monde? Par les filles et par les gars du collège. Et elle me disait que j'étais une cassasse, tout ça, donc je l'ai mal pris. Je l'ai pris son coup. Je n'ai pas très tolérant. Ah ouais, franchement, faudrait peut-être tourner un peu plus. J'ai ramassé le sol et ouverte au niveau de la joue. Comment? Ah merde, ah ouais, à ce point-là. Attends, là, parce que ça a coupé au moment de. Genre, elles t'ont poussé et t'as eu l'ouverte. L'a ouverte de la joue, mais à cause de quoi? C'est moi. T'entends ça coule, là. Oh merde. Ninou. Ah. Allons, Ninou. Lilou, allons. Du calme, Romano, calme-toi. Oui, allons. Je t'ai dit, calme-toi. Allons, Lilou. Du calme. Aïe. Ça le stresse. Lilou. Oui. Ah, c'est bien, reparle. Fini-nous. Ah, d'ailleurs, t'as pas dit je suis de l'Oise, t'as dit je suis d'Auloise, la ville de Dôle. Il y a Florine qui nous traduit ça, Zozo de Dôle qui nous traduit ça, merci pour la traduction. Ah bah là, tout de suite, je comprends la punchline, moi. Et bah voilà, ça change tout. Bon, et donc, ouais, donc si c'est... pour... En fait, je lui ai pris son coup, j'avais pas du tout aimé ce qu'elle a dit, donc je lui ai fait ramasser le sol. Elle était toute ouverte au niveau de la joue, donc voilà. Ah ouais, tu es pas allée de ma morte, oui. Oui. Ah ouais, t'étais à bout de nerfs, ouais. Ouais, et après... Ben après elle est sortie avec le gars qui veut sortir avec moi et ben c'est pas ma copine mais genre elle est balafrée comme Ribéry. Que quelque part tu t'en fous en fait de lui piquer son mec quoi. Oui c'est bien ça. Et puis au contraire. Ouais. Bah, mais oui. En fait. N'entends plus Lilou. Bon, on va faire quelque chose pour le téléphone. Ouais, on va essayer de régler ça. Lilou. Arrive à se l'occuper, histoire qu'on perde définitivement. Non, alors je pense que je vais la remettre à Karim. Tiens, Karim, occupe-toi de Lilou. Enfoiré. Non, mais je pense que c'est plus sûr. Alors, oui, bah, je crois aussi. Donc, on va revenir pour Lilou. Donc, vous avez à peu près entendu l'histoire. Moi, je pense que si le mec, il veut sortir avec elle. Après, on va demander à Lilou si. S'il l'intéresse et tout. Ouais, si le mec l'intéresse vraiment. Mais en tout cas. La meuf, à la limite, ce serait même une vengeance. Une petite vengeance. Vas-y, ce que nous dit d'ailleurs Kiss sur SMS. Salut Kiss, qui nous dit tu t'en fous et puis à la limite tu te venges comme ça. Oui, mais il faut quand même que l'autre soit un minimum excitant quand même. Oui, il faut savoir si le mec lui plaît. Ah mais bah, sinon, bah, écoutez, ouais, parce que bon, si t'as pas un veau pour se venger, bon. Oui, c'est vrai. Toi, tu te serais pas tapé par exemple pour revenir à un sujet que tu aimes bien, la copine de la gothique. Ah non. Pour te venger. Non, là c'est bon, je tapais déjà dans. Là c'est bas de gamme. Là c'est trop bas de gamme, c'est pas low cost, c'est pire. Ah là c'est limite, c'est pas loin des. Ouais, c'est gratuit quoi. Lilou, on te paye. Quoi. Bon, comment tu donc t'as pas à t'occuper de la meuf, tu t'en branles. Comment tu le trouves le mec, Lilou? Bah en fait le gars il est beau mais c'est pas mon genre en fait. Bon bah dans ce cas-là il y a plus de problème donc ouais, tu sors pas avec lui, il y a plus de problème avec la meuf et non mais le truc c'est que t'as dit que tu le connaissais pas très bien donc déjà essaie de le connaître un petit peu mieux si ça se trouve il va te plaire. Ouais, mais tu sais Marie quand c'est pas ton genre je sais pas toi tu bah, attends mais Cédric c'est genre pas différent. Ton genre est-ce que tu sortirais avec Cédric? Non mais encore c'est différent parce que Cédric je le connais. Ah ouais ça a rien à voir. Ouais mais non mais d'accord mais admettons c'est pas mon genre non, mais... complètement. Admettons tu le connais pas. Mais moi aussi. Est-ce que de prime abord tu irais discuter avec lui pour faire plus ample connaissance avec Romano? Je pense plus avec moi qu'avec toi. Ah non, regarde, elle a du nom. Ouais, parce que Romano, il aime bien qu'on tripote son trou du cul et Marie, elle aime bien ça. Ouais, Marie, je saurais sur quoi la lancer. Ouais, mais c'est pas écrit sur ta gueule quand on se rencontre. Ouais, mais je te le dirai rapidement. Est-ce que tu penses que tu. Je te dirais, toi, t'as une gueule à bouffer du trou de balle. La classe. Effectivement, oui. Donc, tu as peut-être des points communs avec ce mec. Est-ce que toi, t'as envie de sortir avec lui ou pas? Parce que lui, il veut sortir avec toi et t'as donné rendez-vous demain. Pourquoi? Pour avoir la réponse. Comment ça se passe? Bah, déjà, parce que je dois aller sortir en ville avec des potes et tout. Et il veut savoir la réponse et tout, mais moi j'attends qu'il y a pas longtemps, il y a mon mec qui est décédé, donc Ah merde. Ouais, t'es peut-être dans une période où t'as besoin de te retrouver toute seule, de penser à tout ça. D'être tranquille. Bah, tu peux lui dire, hein. Bah oui. Tu peux lui dire, je lui ai déjà dit, mais il comprend pas en fait, c'est ça le problème. Bah, et puis tu peux lui dire aussi, t'as une meuf, hein, donc. Ouais, c'est vrai. Et puis, de toute façon, c'est jamais désagréable d'être séduit. Il y a double argument. De plaire à quelqu'un, de toute façon. Oui, ça Non, mais de toute façon, si tu dis non, il va falloir qu'il comprenne à un moment donné. C'est-à-dire ouais, que, c'est sûr. Non, mais déjà, tu vas aller au vert, là, qui te propose, et puis tu vas bien voir. Ah oui, mais va au vert, hein, surtout. Hein. Ouais, prends-en peut-être même au deux. Café, trois, je sais pas quatre. Ce que vous allez prendre, mais. Ouais, prends une bouteille. Une bouteille de verre. Ton rendez-vous bouteille. Tu vois, c'est demain. Mais une bouteille de verre, bien sûr. Bien sûr. Non, mais vois, parce que c'est pas désagréable, tu verras bien. Oui, après, tu peux aller bouffer avec lui. Tu voulais savoir quoi, toi, Lilou? Ben, je voulais savoir si je pouvais ou pas, ou ce que je devais faire, si enfin, des conseils. Des conseils comment, si je pouvais sortir avec pas, si je pouvais sortir avec lui ou pas. Tel que nous l'a présenté, t'as pas trop envie de sortir avec lui, donc ouais, pense-toi pas. Hein. Mais c'est quoi, c'est par rapport à ton copain décédé que ça te pose un problème? Ouais, si tu te dis, ouais, c'est rapide. Et, après, c'est terrible ce qu'on dit, mais tu sais, la vie continue. Hein, il faut absolument, tu vois. Non, mais je comprends moi ta réaction parce que vis-à-vis, il y a une période de deuil que tu. Oui, il y a ça, et puis après il y a le regard des autres. C'est, tu sais, on dirait. Si ça fait pas longtemps, elle vous dirait comment ça se fait. Elle reste déjà avec quelqu'un d'autre. C'est qu'elle... Bah, sache que tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Oui, mais c'est vrai que c'est relou quand t'as plein de gens autour qui bavent sur ta gueule. D'accord. Ouais, surtout j'étais victime de harcèlement. Ouais, toi, c'est à total. Oui, t'as peur que ça recommence à cause de ça, ouais. C'est vrai que bon. Ouais. Mais après, ça fait combien de temps qu'il est décédé, Ça fait bientôt un mois. Ah oui, donc c'est vraiment tout frais, ouais. C'est vraiment tout récent. Comment il est décédé, ton copain? Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? On t'entend plus, merde. Oui. Ça y est. Ah, c'est Lilou, son prénom. Ouais, Lilou, pardon. C'est sympa. C'est sympa. Et donc t'es plus gêné par rapport à ton copain décédé que par rapport à la meuf, donc ça peut se comprendre. C'est et donc Lilou, on t'entend plus Lilou. Lilou. Comment? Je pense. Lilou. On entend que des mots. Allô. Hein. Oui, ça y est. Je crois que je devrais être Xi. Psy, pardon. C'est ça, Romain. Donc déjà apprends à dire le mot et après tu feras les études de Xi. Non mais n'empêche que ma question elle était pas bête. C'était quoi? Le truc par rapport au décès et tout ça. De quoi? Ben oui, non, mais c'est évident, elle nous l'avait dit elle-même. Non, elle n'avait pas dit. Si, elle l'avait dit. Bon, ok, vous me cassez. Il est décédé de quoi, ton copain, Lilou? Mon copain, il est décédé d'un accident de moto, il a fait 3 loopings, et son casque s'est fendu en deux, et il est mort d'une hémorragie interne. Non, mais après, écoute, donc ça, tu sais, c'était brutal, tu t'y attendais pas, enfin, c'est un truc horrible qui t'arrive, donc ouais. Je pense qu'il faut laisser passer le temps, tu te sens pas prête, en plus, le mec, il a pas l'air d'être prêt pour toi. Mais ne te force pas, ouais. Donc, voilà, ne te force pas là-dessus. De toute façon, le mec, il est au courant de tout ce qui t'est arrivé. Ouais, il est au courant. Après, le mec, il est sympa, il a envie de sortir avec toi, il t'invite à boire un verre. Va boire un verre avec lui. Non, mais c'est ça. Tu peux lui dire tout ça, et puis, tu vois. Le mec, tu serais super amoureuse de lui, ça serait le mec que tu classes au top des mecs avec lesquels t'as envie de sortir, ça serait un mois après. Je te dirais, bah, écoute, de toute façon, la vie continue, c'est bien triste. Faut se faire du bien, ouais. Bon. Et puis, voilà, fais-toi plaisir. Non, mais va au verre, et puis tu verras bien. Va au verre, hein, ouais. Ouais, Marie, elle n'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Ouais, bois, bois, bois. Va au verre, oui, bien sûr, Marie, oui. Ouais, franchement, je souhaite mon cœur que ça ne soit pas un café. T'es con. Sinon, quelle déception. Non, mais explique-lui, il a raison, il faut le tuer simplement, puis tu verras bien. Romaric qui rappelle à tout le monde, ça je vous le dis souvent, je suis même assez casse-couille avec vous, hein, notamment ceux qui font du deux roues. Soyez prudents, deux roues. Si, tiens, la moto, faut être. Donc, ah, Romaric, putain, la moto, attendez. Faut être vigilant, faut faire attention. Oui, d'ailleurs, je fais un gros bisou à mon pote Greg qui est sur la route, qui nous écoute, qui avait eu un grave accident de moto, comme ça aussi. Big up à toi, ouais, Greg. Fais attention la prochaine fois. Ouais. Bon, Lilou, fais comme ça, fais de bisous à ta maman derrière. Ouais. Et puis, puis c'est bien, tu vois, d'avoir quelqu'un qui te séduit, la raison, Marie, ça fait toujours du bien. Bah oui, bien sûr. Quelle est la dernière personne que tu as séduite, Cédric? Oui, maman. Oui, maman. Maman, elle a la radio, fais pas chier. Ah, maman, elle peut attendre 5 minutes, oui. La dernière. La dernière personne que tu as séduite. Bah, c'était une meuf. Oui, mais. Ah, vas-y, on est content. Un peu plus de détails quand même. Tu veux quoi comme détails? Je sais pas. C'est crédible, ça, tiens. Elle vient d'où? Bah oui, du con. C'est une oiseau. Oh là, elle vient du. Déjà, oh là, elle vient du. Non, de Paris, elle habite à Paris. Enfin, elle habite à Boulogne. Boulogne, Bois de Boulogne. D'accord, très bien joué, Cédric, elle habite au Bois de Boulogne. Non, du coup, la pute de Boulogne. Voilà, et elle s'appelle la pute de Boulogne, il nous l'a dit. Elle vient de la. C'est la pute de Boulogne. Parle bien, parce que. Laquelle? Parce qu'il y en a plein des putes à Boulogne. Non, mais c'est hallucinant, c'est Mario. C'est Mario. Tu sais, il y a une ville qui s'appelle Boulogne-Billancourt, tu y habitais, du con. T'habitais pas dans le bois. Ouais, mais ça, t'as dit Bois de Boulogne. Non, j'ai pas dit Bois de Boulogne. Si, t'as dit Bois de Boulogne. En plus, tu as dit une pute de Boulogne. Non, jamais de la vie. Elle s'appelle Mario, maintenant. Mais respect, toi, t'es un fou, toi, comment tu parles de mes ex. C'est Mario. Donc, c'est la dernière fille que tu as séduite. Ça fait toujours plaisir de séduire. Mais Cédric, c'est pas une ex, c'est une dame de joie. Non. T'as déjà expliqué quand tu montes dans une camionnette. Et qu'on te demande de l'argent. Bon, en tout cas, c'est gentil pour tous les messages que vous nous avez laissés, là. T'es soutenu par plein d'auditeurs et d'auditrices de Sky. Il y a le joint du cendrier qui te fait un bisou, qui te soutient. Il y a Timéo qui nous laisse un message aussi. Salut à toi, Timéo. Il y a X-Men qui vient souvent nous voir et qui nous dit bon courage à la fille qui vous écoute. Elle fait comme elle le sent, mais comme elle en a parlé, on sent qu'elle est pas trop attirée par le gars. Donc, next. Ah oui, next. Next. Bah après, ça t'empêche pas d'être sympa avec lui. Tu lui expliques tout ça et je pense qu'il comprendra très bien. Bah ouais, tu verras bien. Ok. Bon bah écoute, merci Lilou, bon courage à toi. Si t'as besoin de nous, tu nous passes un coup de fil, tu nous tiens au courant de cette histoire. Et puis profite des vacances et puis reviens vite. D'ailleurs Romano, et bisous à ta maman. Ah ouais, bisous maman. On t'embrasse ta maman qui criait derrière. Oui, gros bisous. Lilou. Ouais. Salut Lilou, on a un t-shirt Skyrock. Romano, je voulais te dire. Bah, ça m'intéresse pas. D'accord, on passe à la suite tout de suite. On va écouter Drake. Merci Cédric. Si, si, du coup, parce que quand t'as eu besoin d'elle, t'as bien su m'appeler pour me demander de l'appeler. Je n'ai absolument pas compris ce que tu as dit. Si, bah mon ex, c'est quand t'as eu besoin d'elle pour ta voiture de merde. Ah, c'était elle. Ah ouais, je l'ai vu. Ah, t'as déjà vu Mario? Eh bien Romano, je vous offre en exclu. Je vous offre en exclu la réaction de Romano quand il l'a vu. Thierry Olivier. Ah, Thierry Olivier. Non. Thierry Olivier. C'est quoi, à ce moment-là, j'ai pris la voix de Samy et j'ai dit Thierry Olivier. Ah, ça, c'est les best-of de que vous aurez cet été, ça. Ah, bah voilà, c'est bien. C'est un bout du best-of que vous aurez cet été. Très bien. En exclu. C'est écrit ça dans l'émission. Eh bah, écoutez, c'est super. Ça fait plaisir. Et donc, la réaction en exclu de Romano quand il a entendu ça. Eh bien. La voilà. Ah, bah direct. Bien sûr, ouais. Enchanté, monsieur, forcément. Madame. T'inquiète, quand t'auras besoin d'elle. Appelle-moi quand t'auras besoin. Elle était très sympa. Sauf qu'elle a vu de bite. Bon.

ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. I need a one dance, got a Hennessy in my head. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, on écoutait le son de Drake dans la Radio Libre sur Sky. Come on 21h minuit, la Radio Libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et oui, sur Skyrock, en direct, avec vous tous, vous toutes de toute la France. Merci d'être là, en direct sur Skyrock. Bonjour à Satine, bonjour à Otine. Vous faites des rimes avec vos pseudos sans le savoir. Oh, c'est mignon. Et attendez, vous allez halluciner. Un message pour Isaline. Je t'aime, Isaline. Message de l'inconnu, c'est beau. Satine, Otine, Isaline. On attend les Karines, les Capucines, les Turbines également. Turbine, c'est sympa comme prénom. Vladimir Poutine. Non. Parce voilà. Que je suis fan. Ah bah oh, voilà. Avec Marine, on l'adore. Voilà, là, c'est Marine. La famille. Ah non, c'est vraiment pas la famille. Alors dans les gars, on n'a pas Marine, on a Marie. Ouais, ouais, merci, ouais. La Romano. Elle va bien. Samy, Karime, pas Karine, mais Karime. Et toi, dis full. Oui, et puis Romain des réseaux sociaux. Ouais, Samy aussi, bien sûr. Samy, je ne l'avais pas dit. Jamais Samy. Samy, c'est le plus proche de moi dans l'équipe. Ouais, ouais. C'est mon chouchou. Tu peux peut-être. Je vais venir sur tes genoux, dis full. Oh, c'est chouchou. Ah oh, ouais, je peux me mettre aussi sur tes genoux. Non, toi, t'es le chouchou. Non, mais il va te casser les jambes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Plein de choses. C'est vrai qu'on est loin avec Cédric. Ouais. Vous êtes les plus éloignés, ouais. Vous êtes prêts pour le double appel? Bah, vas-y, ouais. Allez, on va y aller pour le double appel. T'es prêt, Cédric, pour le double appel? Je vais vous sélectionner des familles avec les numéros que vous nous avez laissés, vous tous, vous toutes, là, sur le 41759. Et sur l'appli Skyrock, eh bien les familles sont sélectionnées, on va les mettre en contact les unes avec les autres. J'espère que ça va bien se passer. C'est pas facile tout le temps, hein. Faut qu'elles décrochent en même temps, faut qu'elles se parlent, faut si possible ne pas qu'elles s'insultent parce que vraiment nous on aime la paix dans les familles. Vous nous connaissez, hein. Ah ouais, moi aussi. La paix. Merci Cédric pour Donc j'espère que ça va péter. Bah, d'ailleurs tiens, à propos de péter, on écoutera ça tout à l'heure. Ça c'est Boom. Le son de Major Lazer à retrouver avant minuit sur Sky. J'aime bien ce son, moi. Major Lazer, boum. Ah, sinon, un son qu'on n'a pas passé hier, ni avant-hier, je crois, là. Ah. On a passé du STH hier et avant-hier, mais on n'avait pas mis Allô Maman. Eh ben, tiens. Allô Maman, Allô Maman, Allô Maman. Il est gros, gros, l'album des STH, vraiment. Anarchie. On dit pas ça parce qu'on l'aime bien, mais vraiment SCH. Ouais, j'ai fait de la Ferrari avec lui. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as fait de la Ferrari avec lui. Et avec Cédric, il faut le préciser. Ah ouais, ouais, bah, ça c'est moins cool. Conduisé, ouais. Le pilote, quoi. C'est un gros album de SCH. Cool, ça va. Et parmi les gros albums Skyrock du moment, il y a évidemment l'album de Jul. connaissant la mort. Je vois partir sous se nager dans l'eau. Se nager dans l'eau. Pour pas qu'on me laisse. Je vois trop mano. Je suis parano. Certaines gens diront mano. Dis pas romano. Je trop mano. Ah ouais, bien sûr. Même changer de version là. Je vois trop mano. Je vois trop mano. Allez, du Joule aussi. Ne me laissez pas seul, parce que je suis trop grand berger. Gros son de Joule. Et on finira, tiens, on finira la soirée avec. C'est lui qui menace depuis tout à l'heure. Ah, arrête de te plaindre, Romano. Quel mytho, celui-là. Tu lui envoies ton chien, tu sais très bien. Tu ouais, sais bah, très bien. Putain. Tu es sauvegardé. On écoutera Too Good de Drake aussi. Vous nous l'avez demandé, on vous le passera avant minuit. Là. I'm too good to you. I'm way too good to you. On aura du Florida, qu'est-ce qu'on se mettra d'autre? Bah pour le reste, on verra. Pouvez-nous demander hein, si vous avez envie d'écouter. Tiens, il faut mettre du soprano, dit Morgane. Vous voulez un soprano? Ouais, ah, c'est bien ça, ouais. Ouais. Tiens, dis-lui qu'on va soprano en 23h, 22h55, 23h, Cédric. Je dis ça pour nos amis des ordinateurs de Skyrock. Préparez-nous un petit sopra, là. Bon, bah voilà, pour la prog de ce soir. Pour le reste, bah, c'est vous qui décidez tout ce qui se passe dans l'émission. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. Il n'y a pas de match de foot ce soir. Je dis ça pour Gros Minou. Bonjour, Gros Minou, qui vient nous de laisser un message. Bah, ce sera demain. Ah bah, tu vois, moi, demain si soir, ouais, du foot. Ouais. Si j'ai une critique à faire sur l'euro, c'est ça. C'est quoi ta critique? C'est pas des matchs tous les soirs? Non, mais c'est vrai, ouais. On s'y habitué. C'est pas possible. C'est un peu le Skyrock Football Club tous les soirs ici, là. Parce que là, plus t'avances, moins il reste deux matchs. Donc ça veut dire que les équipes joueraient tous les soirs. Ouais, non, mais ça, mon. Eh ben, ils ont qu'à faire comme les basketteurs. Ils jouent tous les soirs, les basketteurs. Ils ont qu'à courir. Merde. Voilà. On devient vite addict, hein. C'est clair que les deux premières semaines, t'as des matchs tous les jours. Dès qu'il y a deux jours de sevrage, ça y est. Je n'en peux plus. Je suis un manque de foot. Non, mais c'est vrai, l'autre fois, j'ai vu un article sur ça dans SoFoot. Non, moi, ça manque pas. C'était expliqué par les psychologues et qui expliquaient vachement bien. Ah, carrément. Ah, ils disaient que c'était vraiment une addiction. Moi, je suis pas du tout addict, moi. Ouais, mais parce que toi, à la base, ouais, tu t'en branlais. Moi, ça manque pas, moi. C'est quand le prochain match? Si t'as suivi le début, bah, il y a quoi qui est demain dans la vie? Qui joue le prochain match? Demain. C'est qui? Mais c'est toi, c'était belle. Ah non, c'est après-demain, c'est Portugal-Pologne demain. Ouais, demain, ouais, tu vois, les deux P, Portugal-Pologne. Ouais. Mais alors, par exemple. Bah, la Belgique. Il y a quoi qui t'intéresse dans la vie? La bouffe, les voitures, par exemple. Oui, mais d'accord, mais la bouffe, c'est la. Tu manges que de la merde. Non, je mange pas que de la malbouffe. Et la voiture, les voitures, tu les mets dans le mur. Tu les casses. Non, bah non, la Ferrari, je l'ai pas mis dans le mur. Ah bah ça, heureusement pour toi, parce que c'était qui avait payé la caution. Parce que t'étais à bord. Ah putain, j'ai fait gaffe. Ouais. Bah, en général, je suis à bord d'une voiture quand je la mets dans un. Non, je parlais de Romano. Voilà. Ah. Bon. Bah sinon, mais d'autres voitures, j'ai paniqué. Hein. Bon, très bien. Donc la bouffe, les voitures, si vous voulez en parler. Ah, d'accord, mais les voitures. Directement, Cédric. Les voitures, tu fais quoi? Tu vas dans des garages tous les jours? Non, j'aime bien essayer de temps en temps. Je sais pas, tu démontes voitures. Un pneu, tu le remontes. Non, non, tu ne joues pas ta main, ils ont des belles voitures. Je me mets le cric dans le cul. Non, mais t'essaies des belles voitures. Je me masturbe avec. Ta meuf, elle aime bien les belles voitures aussi. Tu vois, quand elle voit une belle voiture, elle me l'envoie en photo à chaque fois. Oui, mais d'accord, mais elle me parle pas de bagnole tous les jours. Elle a pas les mêmes pneus de cambouis, tu vois. C'est parce que t'aimes bien un truc, tous les jours. Elle est pas en train de monter un cric dans le salon. Eh bien, vous avez le droit. Vous avez le droit de nous parler de vos passions, vous aussi. Il y a une passion, on parle pas tout. Elle me rappelle pas des passions de bagnole. Bah non. Bah si, moi je suis passionné de radio, on en fait deux fois par jour. Ça a rien à voir. Bah si, ça a à voir, évidemment. Romano, t'es passionné d'argent, combien de fois par jour tu vas sur Bah deux fois par jour, je travaille pour gagner plus. Déjà à Skyrock, et après il va voir ses comptes. Fait deux journées en une. Ah ouais. C'est un gros radin. Mais il vide sa passion, on a la passion, c'est ça, Marie. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu passes une journée sans boire de la bière? Sa passion, c'est la bière. Je ne peux pas. Jamais. Karim, c'est quoi ta passion? Le foot, toi? Ouais, le foot, moi. Est-ce que tu passes une journée sans parler? Et le rap aussi, t'aimes bien? Le rap, j'aime bien, ouais, la musique, ouais. Tous les jours, il me fait écouter un truc. Bon, parfois c'est moche, parfois c'est bien. Mais souvent c'est bien. Ouais, souvent c'est bien. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais il kiffe le prince du hip hop. Donc la passion, c'est comme ça. À fond. Samir, c'est ça qui est moche. Il me fait chier que Samir de Marseille. Ah, moi je suis passionné de Marseille. Et voilà. Tous les jours j'en parle. Une passion, c'est tous les jours, Cédric. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. T'en parles toujours avec les gens au moins qui sont concernés. Moi, c'est ma passion, la radio libre. Ah, Mathias qui nous envoie un message. T'es super, Mathias. Voilà, je me masturbe aussi avec le levier de vitesse. Me faire sucer, c'est ma passion, nous dit Ben. Salut à toi, Ben. Tu as bien raison, Ben. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Et bon, pour le reste, on attend vos messages là. Alors, est-ce qu'on vous aurait la suite du feuilleton des voisins de Romano? Ah ouais. Ah bah, il y a eu un truc, si, il est allé voir ma gardienne. Ah, voici donc la suite du feuilleton des voisins de Romano après le double appel. Wow. C'est parti pour le double appel, on y va. Pourquoi? C'est vous qui téléphonez, je sais pas pourquoi. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Non mais, c'est des détraqués. Non, tu le. Le double appel de Default sur Skyrock. Dites donc, soyez un peu poli, monsieur. Oui, soyez poli, hein, monsieur. Hein. Attention, hein. Attention. Alors, où est-ce qu'on va aller ce soir? J'espère qu'ils seront aussi bien que. Ils ont compris la fin de ta phrase, mais. Aussi, ouais, mais bon. Bah, il faut tendre l'oreille, Romano, et se laver les oreilles, c'est comme le cul. Ah ouais? Eh oui, eh ben oui, c'est vrai. Faut se laver le cul. Eh oui. Ah ouais, tu sais. Qui c'est qu'on appelle? Jean-Marc dans le 76. Jean-Marc. Et Eric dans le 27. Et Eric dans le 27. C'est parti, ça sonne. Jean-Marc et Eric, merci pour les numéros que vous nous filez tous les soirs. Allô? Jean-Marc? Oui, ah. Allô? Oui, j'écoute. Attends, ça sonne derrière, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non. Allô? Ah.

Je comprends plus rien, mec. Je comprends. Allô? Il arrive là. Allô? Allô? Allô, oui. Ah. Oui, Halloween, oui. Halloween. Alors ça, c'est pas aujourd'hui, parce que là, non. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne soirée, monsieur. Exactement. Pas moi, non. Oh, t'es pas gentil, dis donc. Non, ouais, c'est pas gentil, non. Allez, bonne soirée. Ah, bah attends, c'est toi qui appelles en plus. Attends, non, moi j'appelle personne. Ah, ouais. Si, si, tu vois, mais je pense que t'as trop bu. Ouais, faut arrêter l'alcool. Faut arrêter la bière. J'ai trop bu, c'est parce que tu m'as payé. Hein. Franchement, ça s'entend, t'as trop bu. C'est ça, t'as raison. Ouais. Hein? Deux, à toi de jouer. Ah, je connais ce jeu, j'adore. Allez, allez, trois, allez, on continue. Trois, alors après trois. Il y a huit. Non, c'est quatre. Il y a huit, non, il n'y a pas huit. Merde, je me suis encore trompé. Hier, j'avais essayé sept. Ça n'avait pas marché. Ah, je crois que Romano, il se fout de ta gueule. Ta gueule. Il n'aime pas mon rire. Tiens, écoute. Tu l'as acheté combien ton rire? Pas cher, pas cher. Pas cher, grâce. C'est le spécialiste des conseils pas chers. Ouais. Et ça ouais. Et ça, là, t'en dis quoi? Bah, ça, l'on dit, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Et ça, t'en dis quoi? Salut terrible. Les filles! Bah, c'est un peu pédé, hein. Bah, attention, pas de discrimination, c'est pas bien. Salut les filles. Le caca, c'est bon. Voilà. Bon, eh bien, écoute, on te remercie. Eh ben, merci de ta participation. On t'embrasse. Tu parles. Oh, ouais, on te bise. Et surtout à ta femme, on lui fait un gros bisou. Hein. Oui, elle était sympa. Un gros bisou. Vous allez vous appeler comme ça tous les soirs? Non, d'arrête. Non. Sauf si t'as, sauf si ça te fait plaisir. Oh bah non, si vous rencontrez des conneries comme ça, c'est pas la peine. Oh, allez. On a bien rigolé. Eh, hey, t'es sympa toi, on t'aime bien. Ah bah il faut un petit peu rigoler. Ah oh, bah la vie est tellement. Ah, ouais. Ah heureusement qu'on est, on est là pour rigoler quand même. Hein. Bah j'espère bien. Ah bah attends Réo. Bon. Attends Réo. Réo. Ouais, on te fait une, oui. On te fait une bise. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tiens, écoute. Dis-moi quel est le rire le plus intelligent, celui-ci. Ou celui-ci. Ou celui-ci. Ou celui-ci. Celui-ci il est pas mal. Il y a beaucoup vos rires. Ah celui-ci ouais il est casse. Ah celui-là ouais c'est bien. Oh quelle intelligence. Bon allez on t'embrasse, on te fait une bonne soirée. Je me fous de ta gueule. Attends aussi tu en fais bien. Bien joué, bien joué. Bon salut. Ouais salut hein. Ouais salut. Ouais salut. Eh ben il était sympa celui-ci. Bah sympa comme tout ouais. Voilà c'est un. Ça a démarré il y a 10 minutes et ça se termine dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'intelligence. Ça, c'est un rire qui respire l'intelligence. C'est ça aussi, hein. Oui. Oh, on rigole, Romano. Mais t'as vu ton rire, toi? Non, je l'ai pas vu, je l'ai plus entendu. Oui, Cédric. Ouais, c'est marrant, ça. Bon, venez vous marrer avec nous, et puis les doubles appels, vous nous laissez vos numéros, hein, les numéros des gens que vous voulez qu'on appelle, des voisins, de la famille, des gens que vous aimez bien, des gens qui ont des voix qui font délirer. N'hésitez pas. Puis des vénères aussi, parce qu'on aime bien les vénères. Vous avez vu, parfois, on arrive à les calmer, comme on vous avez vu à la fin. Mais elle était sympa comme tout. Ah oui, au final, hein, quand même. Comment il s'appelait d'ailleurs, ce mec? Ah oui, Eric. Ah, Eric. Et qui nous a laissé le numéro de téléphone? Attends, je vais te dire son nom tout de suite. Et ouais, parce que vous nous laissez les numéros, qu'on vous remercie. Merci GG. GG, ah oui, un G et un autre G derrière. Alors, ça fait donc GG. Et ben merci à toi GG pour ce grand moment, ce gros double appel. Les doubles appels tous les soirs entre 21h et minuit en live sur ouais. Skyrock, parce qu'on est en direct. Allez-y, merci pour vos messages. Ah oui, ça vous a fait délirer. Hein. Vraiment, c'est le meilleur des doubles appels de toute l'histoire de toute la radio mondiale. Wow. Ouais, carrément. Et Luc, ça a excité ça. Mais écoute, Luc, merci pour ton message. Trop mort de rire. Les rires de Cédric, trop MDR, PTDR, Levaux nous dit poteau. Magnifique double appel pour Florian. Meilleur double appel de l'année pour Pote. Il devrait rentrer dans le Karim Comedy Club, celui-ci, pour Morgane. Top le bout de double appel sur Twitter. Hashtag Skyrock. Hashtag Radio Libre. C'est le message de Vassel Manon. Salut Vassel Manon. Débarre le double appel pour Bang Bang. Un double appel en or. Écoutez les messages qui défilent complètement. C'est la folie. Le mec, trop mort de rire. Eh bien, écoutez, nous aussi. Et le mec voulait quand même, comme le dit toi, Toine, qu'un furet nous bouffe la bite. Parce que le mec, ah ben, ça paraît que ça pue, un furet. Un furet bouffeur de bite, mais les gens s'en foutent. Mais c'est comme ça qu'on les aime. Toitouane. Merci pour ton message, Toitouane. Bon, alors, pour la suite, on a prévu le top bug tout à l'heure. Romano, on va le retrouver d'ici, d'ici pas longtemps. Ouais, ouais, bah, dès comme le livre, je le fais. Hein. Le top, on va, vous pouvez encore voter et d'ici un quart d'heure, on arrête les votes. Et Romano, tu récupéreras le classement tout frais du top bug de ce mercredi soir parce qu'on adore le top bug de ce mercredi soir. Ouais, ouais, on va s'en occuper, ouais. On va s'en occuper et en direct avant minuit, votre journal de l'euro a retrouvé le clash de la drague tout à l'heure. Et Henri, qu'on va retrouver maintenant. Alors, Henri nous appelle. Alors, il a des passions dans la vie, Henri. C'est bien parce qu'on parlait de passion tout à l'heure. C'est bien les passions que vous nous avez laissées. Moi, ma passion, c'est l'école. Mais non, je rigole. Ouais. Ah oui, Mehdi qui nous envoie un message. Non, mais je suis sûr qu'il y en a des passionnés. Il nous dit ma passion, c'est le sexe. Ah, ouais, bah ça, c'est vrai, ouais. Comme toi. Non, mais c'est vrai que c'est, par moments, ça peut être obsessionnel. Ouais, t'es un obsédé, ouais. Ah ben moi, je, putain, en plus l'été arrivant, ta passion, Cariole commence à s'inquiéter. Sa chatte. Parce que la chatte, elle risque de revenir en piteux état après l'été, parce que Romano est très excité. Ah, putain, moi l'été, j'ai tout le temps envie de baiser, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah, t'es à partir du jour où on est en vacances, mais je retrouve mon appétit sexuel tel une belle. Bait. Salut Henri, c'est Henri qu'on a au téléphone avec nous. Salut. Salut à toi, Henri. Salut à toi. Ben, c'est gentil d'appeler Henri. Tiens, Lobotomix nous dit ma passion, c'est le rap. Oh, Chanel, ma passion, c'est Difool. Mais je t'aime, Chanel. Et juste au-dessus, ma passion, c'est Ken Marie. Ouais. Ouais, juste en dessous, ma passion, c'est l'apéro. Hein. La passion, c'est l'apéro. Ouais. Moi, c'est le hand pour Ryan qui nous envoie un message. Passionné par le monde, par la défense. Ah, c'est le Nantais. Eh ben ouais, mais on a parfois des passions cheloues. Vous savez, bah, moi, quand je disais que j'étais passionné par la radio à mes potes, je trouvais ça chelou quand j'étais petit. Ouais. Ouais, ouais, si. C'est, bah, c'est vrai que tu peux trouver ça chelou. Tout le monde ne comprend pas. Bah ouais, il voyait me balader avec une radio partout. Il me disait. Ça va pas. Tout va bien. Non, mais c'est vrai, tout le monde me trouvait un petit peu bizarre, moi. Donc, donc ça arrive. C'est peut-être dû à ton nez, non? Ouais, peut-être. Oh, bâtard. Pourquoi tu dis ça? Non, si méchamment, Romano. Je vois pas le rapport. Aïe! Peux-tu expliquer ta blague? Non, il n'y a pas de blague. Je comprends pas. Il me fait pas rire. T'es pas drôle. C'est cool. Ce soir. Il est pas drôle, Romano. Pour qui est pas drôle. Oui, Henri. Cool. Oui. Remets-lui une bastos. Si tu veux. Pas de... Ah, une bastos, peut-être pas. Mais attends, Henri. J'ai pas envie d'aller en prison. Non, non, pas, il est pas chasseur. Je peux lui défoncer sa gueule. Aïe, tiens, prends ça, prends. Aïe, non, tiens. C'est un fan de jeu, c'est pour ça. Et moi, je vais le tuer avec mon cul. Non. Voilà. Chien Romano. Oh. Là t'es mort. Ah putain, je suis recouvert de merde. Ah, il est bien dégueu celui-là. Je te finis là. Voilà, t'es dead. Je t'ai tué, voilà. Dégueulasse. Terminé. Bien joué Cédric, t'as vu, à nous deux on fait une belle paire, hein, tu vois. J'avoue, moi je l'assomme et toi tu l'achèves après derrière. Pas mal, pas mal. Ma passion, c'est le fruit de la passion. Manu, Tropé. Et... Ah, de Saint-Tropé. Salut Manu de Saint-Tropé. 107.5 à Saint-Tropé pour écouter Skyrock. Ouais. Je connais toutes les fréquences de Skyrock de la France entière pour les vacances. Par cœur. Et sinon, c'est une passion. Et sinon, la fête. Voilà, c'est ta passion. Voilà, c'est ça, en fait. Non, mais j'adore la radio, c'est pour ça que je connais toutes les fréquences de Sky. Non, mais attends, moi, je me souviens, à l'été, on était en Sardaigne. Ouais. Difool, il voit des pylônes, c'est au loin, sur une montagne. Il s'arrête pour aller voir. Et il me dit, ouais, on va aller voir. Bah oui. Je fais, ah non, mais ça va aller, moi, j'irai pas. Je vais à la plage. Difool, il veut voir les antennes. Je vais à la plage, moi. Je fais, ouais, bien sûr, je vais faire autre chose. Mais tu sais qu'il n'y a pas qu'en France, même en Italie. Non, mais là, tu sais que la Sardaigne, c'est pas en France. Non, mais je sais. C'était pour en venir à ça, couillon, va. Mais tu sais que même en Italie, il connaît toutes les fréquences de toutes les radios. Gros. Non, mais ça, c'est pratique, parce que des fois, je lui envoie des messages sur la route, j'arrive pas à trouver. Direct. Et alors, je lui demande, je lui dis, ouais, je suis vers là, c'est quoi la fréquence? Je suis à Vaffanculo sul mare, est-ce que je pourrais avoir la fréquence? Pas de problème, Romano, 108.10. Ouais, ouais, non, mais le coup des pylônes, là, ouais, je dis, ouais, non, ah, c'est bon. Je me suis trompé de hashtag, c'est hashtag Radio Libre de Difool. Exactement. Et pourquoi il faut rajouter de Difool? Parce que c'est toi. Que c'est toi. Alors qu'il y a Romano aussi dedans, la Marie, Karim, Samy. Ouais, moi, j'ai le chef de l'équipe. Ouais. Mais j'exige mon nom dans le hashtag. Alors, vas-y, casse-toi, il y a trop de choses. On le veut tous, donc vous envoyez hashtag Radio Libre de Difool, c'est bien noté. Merci. Bon, oui, non, mais les passions, c'est vrai que c'est important, hein. Passion, bah, le clash de la drague. Bah, ça, c'est beau, ça. Ma passion, compter les bourrelettes, Cédric. Yavol, qui vient de nous laisser un message. Salut, Yavol. Yavol. Yavol, 19 ans. Passion, c'est la bière pour Flo du 88. Ah. Salut, 88. Salut, la, alors, 88, les départements aussi, je connais bien. 88, ouais, les Vosges. Bah, c'est ça, ouais. C'est Vosges. Ouais. Ouais. Ma passion, c'est la moto et la weed. Et oui, c'est un mauvais mélange. Ouais, mélange pas les deux, ça, c'est clair. Ouais, c'est pas bon. Évite, ouais. Passion, c'est de le banquier de Romano, qui nous envoie un message. Ma passion, c'est de garder les sous de Romano. Ah, tu dois pas te faire chier, parce qu'il en a un paquet. Ça, c'est ça. Clair qu'il en a, le salaud. Passion, c'est les tatouages. Je n'en ai pas. Jessica, Jessica Banana, du 77, 21 ans. Tatouage, j'en ai deux, j'en veux 10. On en a parlé la semaine dernière, ouais, des tatouages. Ouais. Passion, le foot. Ma passion, c'est vous. Vous êtes des tarés. Merci pour ton message. Passionné de Romano. Le fruit de la passion. Bon, c'est bon, j'ai eu la blague au moins 20 fois. Donc, si vous avez envie de l'envoyer, vous pouvez encore. Mais Jérémy Corbeil, la passion de Romano, c'est pas la coiffure, non. Merci, très bonne blague. Difool, si tu te baladais avec une radio de, sur ton bras, ah, une radio de ton bras, c'est normal que les gens te trouvent bizarre. Ah bah oui, parce que j'ai une tendinite. Bien vu, SB. Bien vu. Bien, bien vu. Bon, alors, toi, tu nous appelles de Paris et on a un autre Henri qui te salue, qui est de Béthune, lui. Salut, ouais. Henri de Béthune. Donc, Ben, Henri. Non, Henri. C'est Henri, oui. T'as 16 ans et t'es parisien. Et tu nous appelles pour un truc parce que toi, t'es, ouais, donc t'as une passion. C'est quoi ta passion? T'es addict à un truc, mais vraiment addict. C'est les jeux vidéo. Jeux vidéo. Ouais. Et tu nous appelais aussi parce que t'es renfermé sur toi-même à cause d'un problème. Alors moi je le sais, donc j'ai remarqué quand t'as bugué un petit peu. Ouais. À cause d'un petit problème que t'as. Ah moi je sais. Tu sais Romain, t'as remarqué? Je pense. Ouais, tu bégayes un peu. Ouais. Tu bégayes un peu. Ouais. Ouais, ça sentait un petit peu. Ouais. Ouais, c'est pas bon, c'est pas non. Bah, attends, plus, pas ouais. Tant que ça, Henri. Hein. Non mais c'est pas flagrant. Non, ça dépend en fait quand il stresse, parce que moi quand je l'ai eu au standard, il bégayait pas mal et quand je l'ai rappelé, je lui ai dit. C'est normal, jeune homme en face de toi stresse. Je lui ai dit de se masturber, ça allait beaucoup mieux après. Je l'ai très bien conseillé. Donc toi t'es bègue, Henri. Ouais. Mais en vrai c'est, je suis bègue parce que je joue trop aux jeux vidéo. T'es sûr que c'est ça? Ouais. Arrête. Alors, c'est quoi le rapport entre les deux? Bah c'est qu'en fait c'est je m'étais trop renfermé sur moi. Et genre, t'as perdu la parole? Un peu, ouais. C'est-à-dire que tu bégayais pas quand t'étais tout petit? Non. T'as commencé à bégayer à quel âge? Quand ça a commencé à s'aggraver, c'est-à-dire il y a un an et demi. Je crois pas que c'est, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent quand ton corps change. Ah bah, ça y est. Quand tu deviens ado. Quand tu deviens ado, t'as les poils qui poussent, la bite qui grandit. Ouais, tu peux être les filles, vous avez un castor entre les cuisses qui commence à pousser. Un bon, castor, après. Ah, c'est vrai, j'adorais, ouais. Je le caressais, je le peignais. Ça, ouais. Comme les cheveux d'une poupée. Ouais, c'est ça, ouais, les seins qui poussent, tout ça. Non, mais c'est vrai, quand t'as le corps qui change, parfois t'as des problèmes psychologiques ou des, désolé, hein, si ça va vous arriver ou si ça vous arrive, mais t'as ou des problèmes psychologiques, des trucs qui changent. Pas bien parce que t'as des boutons, tu grossis, tu changes. Bah tu sais que j'ai un ami qui a des boutons et qui grossit, mais ouais. À vue d'œil. C'est quoi, ça arrive malheureusement. Je le connais. Ouais, mais le problème c'est qu'il est quand même super loin de la puberté vu son âge avancé, c'est 49 ans. T'as 49 ans, Cédric. T'es pas un peu le plus vieux de l'équipe. Pas 49 ans. C'est le doyen, quoi, c'est le daron. Ouais, ok, d'accord, le chauve. Ouais, daron. Il ose parler. Tu dois le respect, Romano. Ouais, c'est bien ça qui est bien triste. Au vioc. Je suis pas le vioc, mais quand t'es foot ou quoi, je suis le plus jeune de l'équipe, pratiquement. Ouais, Romano. Ouais. Tu vois, tu l'as dit nickel. Ouais, c'est vrai, tu vois. Donc dites-nous si vous avez vous aussi, je sais pas, vous êtes renfermé sur vous-même en ayant une passion, jouant avec des trucs. Bon, on parle des jeux là, donc addict aux jeux. C'est quoi ton jeu préféré, toi, Henri? Il y en a plein. Bah, il y a, je sais pas. C'est une question à la con. Si tu partais sur une île déserte toute ta vie et que tu devais amener ta console et un seul jeu vidéo, lequel tu choisirais? Tiens, tu serais bien dans la merde s'il y aurait pas l'électricité. Donc, bien sûr, tu pédalerais, tu ferais de l'électricité avec tes petites jambes. Tu prendrais quoi? Arma 3. Qu'est-ce que c'est Arma 3? C'est quoi? Je connais pas Arma 3. c'est vraiment le jeu que il faut chercher pour le trouver. C'est le jeu, il faut chercher pour le trouver, mais il s'achète quand même. Oui. Arma 3. C'est un jeu où tu défonces des trucs avec une arme, sinon je comprends pas. C'est un peu plus compliqué. Ou alors c'est un jeu, tu balances des bras, et comme c'est anglais, arme. Tu balances des bras sur les gens pour tuer tes adversaires. Tiens, Romano, attrape mon bras. Bien joué. Eh bien, tu l'as pris en plein dans la gueule. Bien vu, j'ai marqué. Ah, c'est un jeu de tir. Points. C'est un jeu de tir tactique qui est sorti en 2013. Donc c'est Arma 3 que t'aimes bien. C'est la suite d'Arma 2. Ah, mais c'est logique. Tu dois en avoir plein parce que. Et je crois que c'est celui qui précédera Arma 4. Exactement. Et il y a eu même Arma tout court. Arma Guédon aussi, on nous dit sur SMS. Merci aux pilotes qui viennent nous laisser le message et qui est très très bon. Pas sur SMS, sur le skyrock.fm, sur le net. Merci. Ah oui, tu dois en avoir plein des jeux parce à que toi. En deux ans. Là, c'est. Bah. Quand je regarde ma bibliothèque, j'ai facile 30-40 jeux. Ouais. Ah ouais, quand même. 30-40 jeux. Et quand tu t'en as parlé à quelqu'un de ton bégaiement, tout ça, parce que c'est vrai que c'est relou pour toi. Bah, en fait, je m'y suis fait et. Ce qui est fait. En fait, c'est mes. Les psychologues, c'est un peu mes compagnons de jeu. T'as eu des psys depuis longtemps? Non. Non, t'es pas allé voir un psy. Tu veux dire qu'en fait, alors attention, je vais vous sortir l'homme génial que j'ai vu à la télé, l'ancien beg qui a monté ouais, son stage. J'ai vu aussi. Alors écoute bien. N'empêche que bon, c'est super efficace. des fois on en parle, c'est vrai que ce mec là en fait ce type c'est un ancien bègue. Et il a trouvé une méthode en fait il a travaillé sur qu'il a fait sur lui-même, donc lui il n'est plus du tout bègue, pour réussir à aider les bègues justement qui sont gravement atteints. Bon toi encore ça va, mais lui il a eu des cas de mecs mais qui n'arrivaient absolument pas à parler, ouais. Et c'est tout un système de respiration et d'exercice respiratoire et de rythme en tapant le rythme. Et le mec il fait des stages et franchement là, j'ai vu plusieurs reportages sur lui, ouais, moi pareil. Et les effets ils sont vraiment c'est vraiment super efficace. T'as pas envie d'y aller? Pourquoi faire? Bah faire des exercices pour parler tout ça. Bah non mais ça va, je parle bien. Je parle bien. Je te rappelle qu'il y a le top bug, donc si tu es crédible maintenant pour les nouveaux auditeurs qui ne te connaissent pas, Romano, ceux qui viennent de débarquer sur Skype, pour se dire oui ce gros con de Dufoul. Qu'est-ce que tu dis Henri? Je ne parlerai pas car même si Romano parle mal. Oui il parle mal ça. C'est vrai, il parle mal. Oui, on se comprend, moi. Il arrive à gagner des clashs. On verra ce soir. On verra ce soir. Là, je rappelle qu'on a eu une égalité, chose qui n'était jamais. Je pensais jamais que ça arriverait, l'égalité. Bah ouais. Parce que sur tous les messages qu'on a, pour arriver à une égalité. Et en fait, lundi, on a eu une égalité. Donc ce soir, un clash avec de la passion. Oui, je te demandais, avec de la passion et de l'enjeu au bout du compte. Oui. Et donc, oui, je te disais, donc tu veux pas aller voir le type là dont tu parlais qui apprend à parler, non? Bah non, mais moi ça va. Mais... On va faire des nouveautés pour la rentrée. Ça va, des nouveautés à la rentrée. Ça va de manière générale. Ouais, d'accord. Ou alors on en fait venir un dans l'émission et il me fait faire deux trois exercices, tu vois. Non, mais tu devrais aller peut-être voir le, tu vois, ou un type comme ça ou un orthophoniste, ça s'appelle comme ça. C'est quand même dingue, c'est que pour les mecs qui ont du mal à parler, ils ont quand même choisi un mot compliqué à dire. Orthophoniste, 5 syllabes. Pas ouais, fou. C'est vrai. Oui. Ils auraient pu dire un truc. C'est vrai. Voilà, c'est une syllabe. Je vais voir mon truc. Je vais voir mon truc. Mon truc. Voilà, t'es obligé de dire orthophoniste et pour quelqu'un qui a du mal à parler. Vas-y, dis-moi orthophoniste, Henri. Tu vois, c'est de la merde comme dans, tu vois. Orthophoniste. Voilà, et Romano Davis la pète. C'est vrai, il essaye de te montrer qu'il parle mieux que toi. Orthophoniste. Et mon cul, il est rose, ouais. Ah, ça, il est bien, ça. Oh là, moi, il est rose et boutonné. Non, ah, ouais. En fait, et il y a des traces marron dessus. Je vous le montre. C'est rose. Regarde, Henri. T'as vu? C'est mon cul, il est tout marron. Là, il est marron, ouais, en fait. Tu chies dessus, parle avec. Tiens, j'adore les gens en réseau. On nous dit, j'adore les jeux vidéo et je bug pas. Bug pas, on nous dit, mais toi t'es bègue, tu bègues pas, tu bugs. Non, tu bègues. Tu bégayes. Oui, voilà, tu bégayes, c'est ça qu'on dit. C'est plus ça en français. Oui, oui, oui, je trouve ça. Mais c'est t'aimes les jeux vidéo, là tu bégayes pas. Mais tu perds 2 ans de ta vie sur des jeux vidéo. Ouais. Toi, t'as pas l'impression. Bah, faut peut-être. C'est ça, parce qu'il a plus de potes et tout, donc du coup. Peut-être ralentir un peu, ouais. Ah ouais, mais en même temps, si t'es collé H24 sur tes jeux vidéo. Ouais. Je pense que du coup, tu perds un peu confiance en toi et que bah, tu becques, t'es pas à l'aise en société, quoi. Il y en a qui sont prêts à rentrer en contact avec toi pour discuter. Il y a, tiens, on nous dit aussi, c'est Bigun. Bonjour, c'est Bigun même. Qui nous dit, c'est un FPS de simulation, le jeu Arma. Très bien. Wow. Simulation militaire même, on nous dit juste en dessous. Ouais. Très bien. Il communique avec les gens sur tes jeux réseau. Tu leur parles à tes potes en réseau? Ouais. C'est des vrais gens ou c'est l'ordinateur? Non, c'est vrais gens. D'ailleurs, c'est aller regarder Eve Online et c'est massif car c'est vraiment c'est des groupes de plusieurs milliers de joueurs. D'accord, bah donc tu peux te faire des potes. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des potes en réel aussi. C'est quand même mieux d'avoir des gens que tu peux toucher. Ouais. C'est pas pour que tu touches tes potes. Absolument. Hein. Après, tu peux les tripoter. Oui, bah voilà, tu peux te faire des potes filles que tu peux toucher aussi avec ton zizi, c'est possible. Non, mais c'est bien d'avoir des potes en réel, des potes réels, parce que la vie virtuelle, bon, c'est sympa 2 minutes. C'est comme si vous êtes tombé amoureux, parce qu'on a notamment eu des filles et des gars qui sont déjà tombés amoureux ou amoureuses de gars qu'ils avaient sur Facebook, qui discutaient sur Facebook et ils se voyaient jamais, mais ils étaient amoureux. Donc c'est quand même bien de pouvoir voir les gens. Hein. Non, mais c'est surtout que si un jour t'as besoin d'un coup de main, le mec qui est à l'autre bout de la France, que t'as jamais vu, à qui t'as parlé sur les jeux vidéo, qui joue à Arma, il en a rien à foutre. Ouais, le mec il sera pas là pour toi, quoi. Ouais, c'est certain. Ça sert à ça aussi, des amis. Exactement. Ni, ni, ni, ni. L'amitié. L'amitié. C'est la base. C'est beau. Tiens, moi, je pleurais tout le temps quand on m'insultait. J'ai pas parlé à personne pendant plus d'un an, nous dit Alexis V4, qui a 13 ans aujourd'hui. Dites-nous si vous avez des témoignages pour Henri. Dites-nous, si vous avez aussi des gens dans votre entourage qui bégayent, ou si vous avez bégayé vous aussi, ou si vous avez des problèmes pour parler. D'ailleurs, on fera le top bug tout à l'heure. Tu bouges pas, Henri, reste avec nous, Ouais. Et tiens, on parlera des passions, la passion d'Antoine du 51. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah oui, il y a Tanguy, Tanguy, il a un problème physique, ça, c'est sûr. Eh ben écoute, ça tombe bien. C'est toi, Tanguy, qui t'es amoché, physiquement, tu te trouves un petit peu amoché?

va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. Ah, tu fais la vaisselle, bah c'est bien, tu es une bonne femme. Difool. Les branleurs, il y en a un paquet, hein, je vois. Il y en a pas mal. Hein. Cédric. Alors Cédric, tu voulais rajouter quelque chose? Bon, par contre, tu dois faire la salope, quoi. Faut chauffer un peu les mecs. Manger quoi? Des hamburgers. Marie. Et le matin, je fais caca. Samy. Samy, t'as prévu quoi? Je regarderai certainement pas le match de Paris demain. Momo. Non, oui. C'est Momo qui a un gros cul dans l'équipe. Ah putain, Momo, il a putain, il a des grosses fesses, mais c'est énorme. C'est barbecue. Hein. Et Karim. Moi, je regarde le match chez toi, Difool, demain. Ah bon. T'étais pas au courant? Non, je savais pas. Difool Radio Libre tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et c'est nous, ils sont en direct tous les soirs, 21h minuit, comme c'est dit dans le jingle. Bien ouais, ce jingle, c'est ouais, ouais. Et oui, toute l'équipe est là, vous tous en direct, évidemment. Et oui, vous faites partie de l'équipe des Fers de la Radio avec nous. Merci pour vos passions que vous nous laissez, passion du basket. Ah ouais, j'en ai vu plein des basketteurs là, qui nous laissaient des messages. Oreo qui est passionné par le basket. Moi aussi, j'aime, vous savez que j'ai fait du basket. Le basket, c'est la base. Ça m'étonne pas, t'as le problème le basket. Mais vous vous foutiez de ma gueule, mais j'ai fait du basket. Non, mais moi aussi. J'ai fait basket, judo, MMA, taekwondo, jujitsu. Alors, ça, j'en ai fait un peu, mais. Avec des copines. Ah ouais, avec ton bras. Avec des filles uniquement. Non mais voilà, j'ai fait du sport. Non, mais moi aussi j'ai te fait tout ça. Ah voilà. Non mais Difool il était en club gros. Bah, oui. Non mais moi j'étais au bahut. Club de basket. Difool était en club de basket. J'ai joué avec lui un été contre les Espagnols. Ils nous ont niqué gros. Ah bah. Ils nous ont niqué. Tu te rappelles ou pas des Espagnols? Je les ai laissés gagner. Je savais qu'ils allaient se faire sortir de l'Euro. Je me suis dit je vais être sympa avec eux les Espagnols. Je vais les laisser gagner sinon c'est trop dur. Évidemment. Pour, Ça va être soi. C'est pour ça, ouais. Oui, alors, mais ça, moi, je ne serais même pas le faire, moi. De quoi, de jouer contre des Espagnols? Non, mec, jouer contre n'importe qui. Pourquoi? Au bah, basket, Romano, t'as la carrure. Je suis ridicule. Ah, putain, non, mais tranquille, pareil. Justement, c'est ça qui tu est. Tu passes entre leurs cuisses. Non, moi, tu sais, moi, je fais pas de sport, moi. Moi, l'été, tu lèves le coude, quoi. Non, l'été, franchement, ça se résume à ça. Bah, si, tu nages. Ouais, là, ouais, je nage, ouais. Ah bah je vais nager une nuit. Mais genre sur. J'adore me mettre à poil. C'est ma nouvelle passion. Tu fais pas de foot sur la plage, genre. Ah, non, non, non. Pourquoi? Pourquoi bah, tu veux jouer avec qui? Avec Cariole? Bah oui, et le chien. Vous non, mais le chien, laisse tomber, il va choper une insolation quand il fait. Le chien va choper une insolation. Non, mais bien sûr, mais attends, il est déjà. Non, mais en plus, c'est déjà arrivé l'année dernière avec la canicule, il avait pris un méchant coup de chaud. Comment vas-tu que j'ai tant qu'une? Non, mais Difool, il rigole, mais l'année dernière, Cariole, elle promenait le chien. Il est tombé raide. Non, mais il est tombé. Non, mais elle a flippé sa race. Le chien, on a cru qu'il. En fait, il était déshydraté parce qu'il faisait trop chaud. Tiens, la maison, il était complètement carpette, il bougeait plus. Et ouais, et Romano et Cariole comprenaient pas pourquoi ils buvaient pas sa gamelle de bière. Moi, j'ai expliqué que les animaux n'aiment pas forcément l'alcool. Ah, ben si. Ah non, mais. Même si chez les Romano, l'été, on ne boit que de la bière et du vin. Non, mais en tout cas, non, l'été, moi, je nage. Voilà, c'est mon seul sport. Je lève le coude. Bah, les basketteurs étaient là, je vous le disais. Je vais parler d'immunité. Mais sur la plage, je jouais sur basket, mais il y a un panier de basket. Ouais, dans le sable, ça rebondit vachement. Non, pas sur la plage, non, mais il y avait un terrain de basket, tu sais. Ah, le long. Ouais, le long. Ouais, juste à côté de la plage. Ouais, exactement. Sur la Passaggiata, quoi. C'est ça, bah, peut-être un italien, toi. Wow. Je sais pas, tu connaissais des mots si longs, sinon. Non, mais tu me prends pour un teubé ou quoi? Bah, tu m'as pris pour Cédric. Apparemment, ouais. Pas mal. Bon, moi alors. Si, le soir, je vais faire la Passaggiata del Porto. Une petite promenade sur le port, ça veut dire. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Bah là, oui, les promenades qui. Genre, par exemple, la promenade des Anglais à Nice. Voilà, ouais, merci pour l'explication. Et oui, sur Skyrock, on apprend des mots nouveaux. Et je sais pas, si tu as un autre mot nouveau à nous apprendre, Romano, tu n'hésites pas à intervenir quand tu veux dans l'émission. Voilà. Eh ben apprenez celui-là, il est pas facile. Je vous laisse réfléchir dessus. Voilà les mots nouveaux. Hein. Tu vois, toi t'es bègue, Henri. Eh ben il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes dans la life. Bah ouais. Beuillant. Eh mais je sais d'où ça vient ta béguitude là. Je sais pourquoi t'es bègue. Hein. Ton bégaiement, ça vient de ça. T'écoutes trop Romano. Sky. T'es trop sur Skyrock tous les soirs. Eh mais tu dois être bon toi pour trouver les bugs. Bah ouais. Beuillant. Mais oui Romano. Bon, attends, j'ai Ali qui nous appelle. Alors, toi, tu nous as expliqué, mais je suis pas sûr que ce soit vrai, en fait. T'es jamais allé voir personne, un vrai psy, jamais, non? Bah non. Bah tu devrais y aller parce que ouais. Tu vois, t'as fait ton auto-diagnostic toi-même. Non, tu t'es auto-diagnostiqué. Et tu t'es dit, ouais, c'est de ma gueule, c'est pas ce que t'es. Bah écoute, on va y aller ensemble chez l'orthophoniste, on aura un tarif de groupe. Tu t'es dit, je suis bègue parce que je suis addict au jeu. C'est pas, sûr, c'est pas sûr que ce soit ça, Henri. Hein. Bah, en fait, il a parlé à personne pratiquement pendant. Oui, non, mais d'accord, mais et tiens, je me posais cette question. Admettons, tu sais, on te met dans un bois. Mais à l'autre bois. Oh là, le bois de Boulogne. Oh, boubou. J'adore le bois de Boulogne. Il travaille. Ouais. On te met au plein milieu de l'Amazonie et tu sais, t'as aucun contact avec aucun humain. Est-ce qu'au bout d'un moment, tu perds la parole? Non, je pense pas. Bah, non, si tu passes genre 10 ans à un endroit où tu parles avec personne, bah, est-ce qu'au bout d'un moment, tu sais genre parler? Mais il y avait un truc, il y avait un petit qui était né, qui avait été élevé, c'est une histoire vraie. Par des loups, là. Qui avait été élevé par des loups. Et de la jungle, s'appelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il s'appelait Mowgli. Et le petit, il faisait grrr, grrr. Il avait un copain, il s'appelait Balou. Ouais. C'était un ours. Non, mais c'est une histoire vraie, hein, je crois. Non, mais ouais. Si, y a tu eu l'as vu ça, Romano, il y a eu un cas comme ça, ouais. Et le gosse, a priori, il communiquait. Avec des bruits. Il se comportait comme un animal. Ouais, comme. Ah, ben ça, c'est sûr qu'il savait pas parler. Normal, j'ai jamais appris. Mais Cédric. N'as-tu pas été élevé par des porcs, par des facochères? Salut les filles. Ah ben oui, j'ai vécu. Ça m'étonnerait. Avec les sangliers. Avec les sangliers, Cédric. Les facochères. Bonjour. Non mais par contre, bonjour, Cédric, c'est un cas, il pourrait aller chez l'orthophoniste. Si c'est pas normal de confondre les U et les OU. Wallou. Wallou. Wallou. Il confond les A aussi, les U aussi, ouais. Les U. Ah mais ça. Tu vois, par exemple, de dire, par exemple, au lieu de dire abruti, il dit abruti. Ouais. Bah c'est pas poilu, poilu. Au lieu de dire couscous, il dit couscous. Une doudoune pour lui, c'est dudune. Non mais tu vas voir un orthophoniste, le mec il te garde. Hein. Il non dit, mais lui il nous dit vous que allez que revenir. Il nous dit que c'est l'accent. Non mais bah attends, des Belges, on en appelle des milliers chaque année. Non mais disent pas dudune. Ouais, il y a jamais eu un Belge qui parlait comme ça. Non, une doudoune. Bah ouais, qu'on a des doudounes, mais que vous êtes con parce que là on en était de qu'on a enlevé les doudounes. Oui, c'est vrai, c'est pas très utile. Pas très utile. Alors, on a pour toi Henri. Moi j'avais rencontré un Belge russe. Un bègue russe, bah déjà que tu parlais en russe. Déjà que tu comprends bien le russe, en plus il bègue. Gay, pas facile. Non, mais c'était un pote en soirée. Non, mais en plus, au début, ce con, je croyais qu'il me faisait une blague. Il me fait, ouais, je vais te présenter à un mec. Il me fait, ouais, tu t'inquiètes pas, il est russe, mais il parle français, mais il est bègue. Ouais. Tu sais, dans ma tête, je me dis, on était allumés. Je lui dis, ouais, ok. Et le mec, en fait, ouais, il était réellement bègue. Mais tu sais, ça me faisait chelou parce que j'étais un peu bourré, j'avais envie de rigoler, c'est pas bien, mais. Bah oui. Et tes potes, comment ils réagissent quand tu. Moi aussi. Tu vois, Henri, faut pas t'inquiéter, ton bégayage, bégaiement. On est en avant de plein de mots nouveaux. Henri, je t'ai vexé. On te rappelle, Henri, t'inquiète. Non, je voulais savoir comment il réagissait à les potes. Est-ce qu'il se moquait de lui? Est-ce que. Parce que bon, quand t'es petit au bahut, bon, il a 15 ans, il est pas petit, mais quand t'es, quand t'es en primaire, je pense que. Ouais, tu peux te faire traquer, oui. Les traquages est facile, Les petits doivent traquer, peut-être au début du collège aussi, ça doit traquer un petit peu. Après, quand tu te retrouves au lycée, je pense que ça va mieux. Puis si t'as des vrais potes, c'est pour ça qu'il faut avoir des vrais potes. Si t'as des vrais potes, ils disent rien. Alors, Henri, tes potes, ils se moquent pas de toi, t'as des, comment ça se passe au bahut? Bah, c'est que je vais plus au bahut. Tu vas plus au bahut? Ouais, ouais. Plus, ouais. Non. Donc t'es vraiment enfermé, mais t'as des amis, des vrais? Non. Mais il faut avoir des amis, Henri. Bah oui. Mais là, ça fait combien de temps que t'as quitté l'école? Et pourquoi tu vas plus au BU, ouais? J'ai quitté l'école. Comme Maître Gims, oui. Péter les pattes. Bah, ça fait combien de temps que que tu vas plus? C'est genre de cette année ou ça fait déjà 2-3 ans? Ou... Non, de cette année parce que j'ai passé le brevet et puis après, je me suis mis en scolarisation à domicile. À la maison, voilà. Ouais. Excuse-moi si je finis tes phrases, Henri, je sais que vous détestez ça, les bègues. Ouais. Ah, quand ça t'as. C'est vrai, hein. Non, mais je sais. Il se vénère. Non, mais c'est pour montrer que je suis bien la conversation, Henri, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'en général, il faut laisser finir, oui. Oui, oui. Mais bon, on peut aider aussi. Alors, tu devrais vraiment aller voir quelqu'un. Ta mère, tes parents, ils t'ont jamais dit. Grand nez, dit fou, ton très grand nez. Oui, mais ne te moque pas quand je dis quelque chose d'important, parce que je te parlais de la famille. Ils t'ont jamais demandé d'aller voir un psy, pas forcément un psy d'ailleurs, mais d'aller voir au moins un orthophoniste. Eh bien, c'est que. T'as pas envie? Ah. Bah non. Bah il faut y aller. Ouais, mais il faut que tu y ailles. Bah c'est ouais, parce que tu peux pas rester comme ça. Ça t'emmerde et. Bah et oui. Puis bon, c'est bien d'avoir quand même des contacts humains, quoi. Bah au moins des potes quoi, tu vois, des potes qui ont la même passion que toi, je sais pas, un pote qui aime les jeux vidéo et comme ça tu vas t'éclater. Ouais, ouais, non, mais ça va, bon, ça oui, en plus il y en a quand même un paquet de gens qui aiment. T'as pas une passion que personne n'a quoi. Oui. Ouais, ouais, clairement. Ouais. On peut t'en trouver des centaines de milliers qui nous écoutent ce soir et qui peuvent témoigner pour la passion. Et t'as des frères et sœurs ? Hein ? Tu as des frères et sœurs ? Non. Ah ouais, t'es tout seul quoi. Ouais. Et cousin, cousine, tu t'entends bien avec eux, tu les vois ou t'es vraiment tout seul? Bah c'est vrai, c'est avec eux, ils sont hyper vieux, genre 30 ans, 20 ans. Oh putain, les vieux. Oh les vieux, ans, t'as 16 ans quoi. Je comprends. C'est sûr que c'est pas pareil. Bon alors attends, bouge pas, il y a Ali qui nous appelait, No Life Ali, Ali du 93. Salut. Bonjour à tous. Salut Ali. Ouais, Ali. Eh, vous êtes sympa les No Life. M'a traité de No Life du full quand même. T'abuses. Ah bah t'abuses, c'est full. C'est ce que m'a dit Samy, le Marseillais. Attends, juste avant, t'es vieux parce que t'as 27 ans donc. Ouais, c'est mais ça. Non, mais en plus, je suis vieux. T'as 27 ans. Putain, j'ai 27 ans, je suis grave vieux. Bon, Henri, excuse-moi, je suis vieux. Eh, là, je voulais réagir. Déjà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Ali. Vous avez bercé mon enfance, les gars. Merci. Ça fait mal ce que je dis. Ça fait mal ce que je vous dis, mais c'est vrai. J'espère qu'on ne t'a pas bercé trop près du mur. Non. Moi, je suis tombé du berceau. Ah, c'est vrai, il n'avait pas de mur, il s'est pris le mur. Je suis devenu non-life à cause de vous, c'est pour ça. Et donc, t'es un vrai passionné des jeux. Enfin, t'es un vrai passionné des jeux vidéo. Un vrai passionné de jeux vidéo. Et quand j'ai entendu les propos d'Henri, quand même, ça m'a fait mal. J'ai eu mal parce qu'il a dit que c'est à cause des jeux vidéo. Oui. Qu'il est devenu bègue. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais en tout cas, oui, c'est ce que tu nous as dit, Henri. Ouais. Oui, c'est sûr et certain, c'est pas le cas. Et tu peux pas être addict non plus aux jeux vidéo. Si, on a eu des auditeurs. Non, si, on a eu des auditeurs qui partaient. Si, bah. Ils partaient pas en vacances et ils passaient leur journée du matin au soir sur les jeux vidéo. Parce qu'ils avaient des problèmes en dehors du jeu vidéo. Ah, tu veux dire que le jeu vidéo, c'est un révélateur. Oui, voilà, ça, je serais plutôt d'accord avec toi là-dessus. C'est pas une cause. Le jeu vidéo, c'est pas une cause, c'est une solution. Quand il y a des problèmes, on se réfugie dans le jeu vidéo. Ouais, et puis il y a des gens qui tombent là-dedans. C'est souvent l'amalgame. Donc moi c'est pareil. Moi, j'étais au chômage. J'étais dans le shit, tout ça. Donc je faisais quoi de mes journées? Jeux vidéo. Oh, tu devais aller voir les matchs de l'OM. Ah ouais, tu étais bien dans le shit. Ah, les belles branlées qu'on s'est pris toute l'année. Trop bon. C'est nos attaquants qui buguaient un peu. Ouais. Ça c'était à l'époque, donc je me réfugiais dans le jeu vidéo, tu vois, j'ai pas dit c'est le jeu vidéo qui m'a enfermé chez moi, ouais. C'est moi qui voulais pas sortir, donc je m'occupais avec le jeu vidéo. Donc t'es d'accord donc, avec Henri, Audrey là qui nous dit trop génial les jeux vidéo, mais il faut savoir décrocher pour vivre aussi. Bah y a les deux, c'est une passion, comme une autre. Non mais y en a qui partent en couille avec les jeux vidéo, parce qu'avant, c'est que des gens qui sont fragiles psychologiquement. Oui, mais si t'es fragile psychologiquement, faut pas te mettre devant des jeux qui peuvent... Ouais, mais bon, il y en a plein qui le font et voilà. Ouais, tu sais pas comment ça va tourner. Non mais c'est vrai ce que tu dis. S'il est fou, c'est pas un jeu vidéo qui va déclencher sa folie, c'est qu'il est fou quand même. Oui, ça on est d'accord. Oui, c'est quand tu le dis. Moi j'ai joué à des jeux de guerre, aujourd'hui je suis pacifiste quoi. Moi aussi, tu vois, c'est peut-être... J'ai joué à Mario, je suis pas plombier aujourd'hui. Moi non plus. Oui. Avec c'est vrai, c'est drôle. Donc. Elle est pas mal, cet exemple. c'est dans le même sens, en fait. Oui, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai, souvent, on accuse... oui, c'est vrai, on accuse les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ils sont pour rien. Ouais, mais c'est un tout, quoi. C'est trop facile. C'est un défouloir, c'est un exutoire, mais... Et là, maintenant, tu t'es un peu... Mais t'étais dans une période aussi, comme t'étais... Enfin, où t'étais comme Henri, où t'avais plus d'amis, t'avais plus rien. Bah j'avais des amis en ligne, je voyais pas trop mes potes en ligne, mais tu vois Henri par exemple, il parle à ses potes, oui. Donc tu peux pas être ça t'a pas rendu muet. Non. Hein? Non. Non, il est pas muet, la preuve. Avec si tu parles tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Oui. Non mais moi je pense que c'est surtout que t'as perdu un peu confiance en toi à force de pas côtoyer de gens et de parler. Non mais puis il y a peut-être un truc, nous après on connaît pas toute ta vie, il y a peut-être eu un truc qui t'a déclenché ça aussi quoi. Oui c'est possible bien sûr. Donc, les jeux vidéo c'est des fois c'est un rapport avec un événement, tu crois que c'est anodin mais en fait au plus profond de toi il y a un truc et ça te déclenche bègue ou autre chose quoi. Ouais tout à fait. Là il est quasiment déscolarisé donc forcément il y a ça c'est pas non plus. Je pense pas quoi. À cause du jeu vidéo. C'est vrai que je pense pas que ce soit une bonne idée en fait que tu fais pas de sport, tu fais rien, Henri. Il faudrait trouver un truc social avec les autres. Ouais. Bah non, mais en fait là j'ai décroché il y a un mois et franchement je suis d'accord, on n'est jamais addict. Tu sais, il y a des cliniques pour les gens qui sont addicts aux jeux vidéo, donc tu peux. Oh, dis donc. Non, mais même au jeu en général. Tu peux le devenir addict au jeu. Après, c'est vrai que ça, c'est souvent un autre problème qui. Oui, il y a un truc plus profond. C'est pas. C'était dans ma chatte, un truc plus profond. Ouais, oui, si tu veux, Marie. Aujourd'hui, maintenant, je fais du sport tous les jours. J'ai mon taf, tout ça. Mais quand même, je trouve quand même du temps pour jouer parce que j'aime ça. Tu vois, moi, Henri, je continuerai les jeux vidéo parce que c'est ta passion, t'aimes ça. Par contre, je me forcerai à aller faire, je sais pas, du foot. Ouais, c'est ça. T'as quoi comme sport qui t'intéresse? Un sport co, un sport collectif? C'est. Un sport collectif, je dirais le foot. Bah voilà, bah tu fais du foot. Non, mais en ligne. Ah, je pense que FIFA, je joue. Non, mais pas FIFA. Hein. Non. En ligne. Ah, du vrai sport. Ah, c'est collectif. Du vrai sport sur le terrain. Sur un terrain. Non, mais ce qu'il faut déjà que tu fasses, c'est qu'à la rentrée, tu retournes au bahut. Déjà, c'est la base du truc. Déjà, à partir de là, t'auras une vie sociale. Logiquement. Mais aussi, c'est le vrai truc. Parce que là, j'ai 16 ans, donc, voilà, quoi. C'est maintenant, j'ai mes hormones qui me travaillent. C'est Ça, c'est une bonne nouvelle, les hormones qui travaillent. Ça va te forcer à sortir. Mais... Ça veut dire que tu vas avoir. T'as la bite en baiser, baiser, baiser, c'est bon. Ça. Et rebaiser, quoi. Non, tu crois au pas. Au Japon, tu peux faire ça, t'inquiète. Il y a des jeux de drague assez hardcore. Ouais, donne-lui pas des jeux. Ouais, pour baiser. Donne pas de trucs. On veut baiser Henri. Non, mais tu vois, si par exemple. Ouais, c'est vrai, j'allais te poser en plus la question sur les meufs, parce qu'il y a plein d'auditrices, plein d'auditeurs qui nous l'ont posé tout à l'heure. Il a pas une copine, c'était le message de Hackers. Salut Hackers. Bienvenue à toi, qui voulait savoir si t'avais une meuf. Il y a Joe également qui nous posait exactement la même question. Redouane, du 63, qui nous disait, qui se trouve une meuf, ça ira mieux. Et il a pas une meuf, ça c'est le message de B-Boy. J'en avais. Et ben, faut en retrouver. Parce que ça fait du bien une meuf, hein. Regarde Romano, il s'est trouvé la gothique. Ça lui a embelli sa vie. Ah putain, ne te moque pas. Ça lui a embelli sa vie pendant 3 ans et demi. Quel embellissement, ouais. T'as la tristesse de la vie à la base. Alors. Mais non, Romano, la gothique. Non, mais voilà. Rappelle-toi que tu pleurais pour elle, que t'as voulu lui faire un enfant, qu'elle est tombée enceinte. T'as les remix de Diffoul. Et que tu voulais l'enculer, mais qu'elle voulait pas. Rappelle-toi tout ça. Elle est tombée enceinte et moi j'étais traumatisé. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. De bonheur. Oui, on a habité ensemble, oui. J'allais de bonheur. Sam, elle a 22 ans, elle dit, il faut absolument qu'il aille voir un orthophoniste. Tu vois, regarde. Lui, il bégaye, mais il bégaye pas trop. Sauf quand il est stressé. Sinon, au début, j'avais même pas remarqué. Tu vois, ça, c'est le message Brian qui nous a dit. Ouais, c'est vrai que ça dépend des moments, ouais. Non, c'est vrai quand t'es stressé, tout ça. Mais écoute. En plus, il y a des filles qui trouvent ça, oh, c'est mignon. Oh, bah écoute, c'est mignon. C'est Sophie qui nous envoie un message. Non, mais après, pour ça, un orthophoniste, ce serait bien aussi, hein. Si tu dis Ali. Ouais, ce qu'il devrait faire, vraiment, c'est important pour lui, il devrait faire du sport, comme ça il regagne, il aurait confiance en lui. C'est vrai que ça changerait tout pour lui. La compétition, marquer un but, moi j'en ai marqué des millions. Ah bah c'est vrai que ça m'a donné une confiance en moi, mais indestructible. Ah bah ouais, c'est ça. Il faut l'appeler la tête d'or. Ouais, faut qu'il sorte de moi, chez lui. Moi c'est tête de con, au choix. Toi, je vais te montrer tête de con, c'est qui la tête de con. Il est vénère. Agressif. C'est vrai, le bel. Mais tu sais, au lieu de faire. Pète un coup, quoi. Ouais, au lieu de faire. Ouais, pète un coup. Il suffisait de demander. Non, mais au lieu de faire le kéké. Moi, je dis tête de con. Une. Dis fou juste avant, il dit tête de nœud. Pourquoi t'ouvres pas ta grande gueule? Parce que t'es plus petit que moi. Parce que t'as peur de lui. Parce que c'est l'arbitre du clash. Non, c'est juste parce que c'est l'arbitre du clash. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, l'arbitre du clash? Bah, on sait jamais. Pourquoi il te met à l'amende, l'arbitre du clash? Bah, c'est l'arbitre, faut respecter les arbitres. C'est bien, Cédric, c'est une grosse victime. Mais toi, je vais te niquer, tu vas fermer ta grande gueule, tu vois. Vas-y, Cédric, je t'autorise à sévir contre Romano. Tiens, Romano, prends ça. Oh! Voilà. C'est putain, moi, je. Oh, mais t'inquiète, toi, je vais me venger d'ici la fin de la semaine. Je sais pas ce que je vais te faire, mais je vais te faire une crasse. Dans la gueule. Oh, bah. Bon, en tout cas, Ali, on est OK avec toi. Merci du témoignage, c'est bien, Ali, en tout cas. Et là, tu bosses, tu fais quoi? Là, je bosse. Maintenant, je taffe à la RATP. D'ailleurs, un bisou à tous les chauffeurs qui galèrent. Salut les chauffeurs qui galèrent. Et salut aux ceux qui roulent dedans et qui galèrent clients, aussi. Écoutez-moi. Les clients qui disent pas bonjour. Ah. Eh bah, allez vous faire. Enculé. Ouais, mais vous aussi, vous cassez les couilles, les chauffeurs de bus, gros. Tout simplement. Sachez-le, on vous insulte. Dites-moi, y a pas moyen de gratter un truc là? Y'a quoi à gratter? Dites-moi. Bah, y'a mon cul. Y'a le mien. Je gratte aussi. Vas-y. Tiens, gratte, ça me gratte très fort. Ah, ouais. C'est un gratouille. Attends, y a le t-shirt Skyrock à la maison. Et Henri, tiens, ne bouge pas juste 30 secondes parce qu'on a Enzo de 7 qui voulait te parler aussi. Parce qu'on a eu plein de messages pour toi, tu sais, Henri, depuis tout à l'heure. Ah, ça continue de défiler, ouais. Salut Enzo. Ouais, salut l'équipe. Tu voulais rajouter. Tu voulais. Quitte pas, Ali, reste là. Ouais, je suis là. Enzo, donc t'as 21 ans et t'es à 7. Ouais, moi je suis à 7. Oui, alors 7, c'est juste à côté du 8. Ouais. Pas loin de 6, c'est ça. C'est loin de 3. Voilà, c'est ça. T'es con. Marie. Oui. Marie. Et 8, c'est comme toi, il y a deux trous. Ah bah c'est vachement sympa, je te remercie. C'est vrai, dans un 8, il y a deux ça trous. C'est bien vu. Bien vu. Hé, hey, tu vois, Henri, il faut absolument que tu aies des potes parce qu'ils vont se marrer. Le rigolo de c'est la vrai. Bande. Alors, Enzo, qu'est-ce que tu voulais dire, Henri, toi? Ouais, non, moi, je voulais juste lui dire par rapport à comment ça s'appelle. Moi, j'ai joué pendant 4 ans à la console. Et au bout de 4 ans, ben, t'arrives plus à parler aux gens, en fait. Ah ouais, donc toi, ça t'avait fait un peu comme lui. T'étais mal par rapport aux autres, t'es pas à l'aise après. Ben moi, en fait, je vous avais appelé par rapport à ISO. Je sais pas si vous vous rappelez. Vas-y, redis, redis. Son truc de nez, là. Enfin, il voulait devenir... Enfin, nez pour les parfums. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on avait un auditeur qui voulait faire nez pour les parfums. J'ai détesté ce sujet personnellement. On a parlé de nez pendant une demi-heure, j'ai pas trouvé l'intérêt. Il bon, a été contacté, vous savez, en privé. Oui, oui. Donc, par les plus grandes marques. ah ouais, d'accord, Enzo. Et donc, et pendant 4 ans, quand tu dis que t'étais accro aux jeux vidéo, ouais, je me suis renfermé complètement. J'arrivais même plus à parler aux gens. C'était. Mais pas de meuf, rien. Non, rien du tout. Ah. En fait, je voyais mes potes, mais le seul sujet, c'était la play, quoi. Au bout d'un moment, c'est limité, mais au moins c'est déjà une passion en commun que tu peux avoir avec quelqu'un qui peut. Ouais, mais non, moi c'était pas une passion, c'était comme vous avez dit tout à l'heure, c'était je m'étais replié dans la console, quoi. Ouais, c'était ta vie, quoi. Ta vie, elle se résumait à ça. Non, mais en gros, moi ça m'a fait pareil avec le porno. Ah, c'est vrai, t'as eu ça ou pas? T'as une addiction au porno, mais ça existe aussi. Hein. Non, mais moi j'ai commencé, j'ai su m'arrêter à temps. Ah. Mais je tombais là-dedans, tu vois. Dans l'addiction à la pornographie. T'en regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah c'était, non mais en fait c'était devenu un rituel, c'était quotidien. Quand je rentrais le matin, je suis sûr que parmi les auditeurs là, qui j'allais nous écouter, je suis sûr qu'il y en a au moins une fois par jour. Je me sentais vrillé, tu vois. Alors que tu passais beaucoup de temps dessus. Non mais je me disais. Genre t'arrivais chez. Excuse-moi Cédric. Excuse-moi éloigner. Excuse-moi éloigner ton anus. Cédric, mais tu. Excusez-moi, ça se sent. Marrant ça. Non mais c'est-à-dire que tu rentrais chez toi et tu pouvais pas faire autre chose, fallait que tu fasses ça d'abord. Ouais, c'est ça. En général, le truc que tu faisais, ouais. Pour ne rien cacher, en général, quand je rentre chez moi, je chie. Tu faisais caca, donc un petit caca. Très bien. Et après, j'allais me. Le caca, c'est bon. Je m'installais sur ma chaise. Mais en même temps, tu chiais. Un vrai branleur. Non, je ne chiais pas sur ma chaise. Ah, non, je pensais que tu t'installais aux toilettes, tu chiais et tu te branlais en même temps. Non, non, non. Mais il existe une vraie maladie comme ça de personnes qui doivent jouer comme ça plusieurs fois par jour. Oui. Vous n'avez pas vu ce truc-là? Si. Je sais plus dans quel pays d'ailleurs, ils avaient autorisé une nana au bureau à se branler. Ouais. Exactement. Bon, ça, ouais, non, mais j'en étais pas là, je suis pas non plus un timbré fini. Parce que là, c'est. Tu savais ce que fait Romano à toutes les pubs le soir? Eh bah, ben, tu savais pas ça, hein, Enzo? Ah bah, il se branle. D'ailleurs, ça va pas tarder là. Donc, ouais, lui, il était porno addict, toi, t'étais game addict. Et comment t'as fait pour en sortir? Tu t'es dit, ouais, c'est pas ça la vie. Ben non, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis inscrit à une salle de sport et j'ai commencé à. Ah, mais le sport, c'est vraiment une super idée, c'est vrai. Ouais, ouais, franchement, ouais, c'est. Ben... Pour ceux et celles qui n'aiment pas le sport. Faut avoir la motivation aussi après, parce qu'il y en a qui. Oui, toi, de jouer au foot. Toi, tu nous as dit en plus, Henri, que le foot, ça t'intéressait. Ouais. Donc mets-toi dans un club de foot, va voir des gars, tu vois, des potes. T'auras des potes, après ils t'inviteront à des soirées, vous éclaterez lors de soirées, tu trouveras une meuf et puis après la vie. Ah, putain, moi le sport, rouler, hein. Ça me gave. Alors dis full déjà le grand sportif. Tu fais quoi que tu fais rien du tout comme sport. Fais du ski en ce moment. Si dis-lui t'as marché combien de kilomètres aujourd'hui. Ah. Voilà, tu vois. Je vais regarder sur mon iPhone. Tous les jours gros. Combien j'ai marché aujourd'hui. J'ai marché. Moi je dis attends vas-y. Je vais non parce qu'attends il marche quand il est au téléphone souvent. En 5 kilomètres. Aujourd'hui j'ai fait 7 km 19. Et chez lui je crois. 7 km 19 aujourd'hui. Dont 7 km au téléphone. Non mais c'est ça. En tournant en rond. En fait il fait ses pas parce qu'il tourne en. Putain, 7 km 19. Et au maximum, un jour, j'ai fait, je sais plus, je vais. Pas 12 km. Non, 17. Ah, plus que ça. J'ai fait 17, t'en bouges pas, un jour, j'ai fait. Je vais faire 20, même. J'ai dû faire, ouais, entre 17 et 20, j'ai fait. Magnifique. 20, c'est une bonne journée de marche, déjà. Non, mais bon, voilà, faire du sport, c'est bien, c'est ce que tu nous conseilles aussi, Enzo. Parfait. Ouais. Et aujourd'hui, tu continues de jouer au jeu, quand même, tu t'es pas privé complètement des jeux vidéo. À moi? Ouais. À moi? Ouais, j'y joue toujours, en tout cas. Oui, mais tu t'es fixé des limites, quoi. Non, mais après, tu peux jouer tous les jours. Ouais, mais... je joue deux heures. Non, mais après, il faut pas que ta vie, elle ne soit que ça, quoi. Aujourd'hui, personne se pose la question de regarder, les Français regardent la télé 3h30 par jour. Personne se pose la question de savoir si tous les Français, ça veut dire qu'il y en a qui regardent beaucoup plus longtemps et d'autres qui regardent pas du tout, hein. Mais personne se pose la question de savoir s'ils sont téléaddicts. Alors que quand tu regardes un truc, un écran pendant 3h30, comme ça, tu pourrais dire t'es addict. Ouais, non, c'est vrai. Fois, moi, je fais des trucs, moi. Fais des trucs. Pendant que je regarde la télé. Il se branle pas. Ouais, encore. Décidément, Romano, tu n'arrêtes pas de te branler, hein. Ça, non, mais je fais des trucs. Non, mais pas me branler. Non, des fois, je plie du linge. tu plies du linge. C'est passionnant, ça tient. Oui, des fois, je roule des cigarettes. Ah, mais c'est ça, de drogue, bien sûr. Ou je bois, ou je bois des verres de vin. Ou tu tries des trucs. Bon, sympa en tout cas d'avoir appelé Enzo. On te remercie. Ali, on te remercie aussi. Ah, bah, Ali, il est au téléphone avec Samy déjà, viens. Ah, bah, ça y est. Et bah, Ali, cool. On te remercie. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Enzo? Je voulais vous demander, vous voyez, pour la finale de l'Euro. Ouais. Moi, je vais venir à Paris et bah, je vous écoute depuis 5-6 ans, ça fait un petit moment. C'est bien, Enzo. Et je suis fan de vous. Je pourrais venir vous voir ou pas? Alors, la finale de l'Euro, c'est un dimanche. Alors, si c'est les Bleus qui sont en finale. Ah ouais. Peut-être qu'on vous fera un petit truc spécial, on verra, on repoussera peut-être un peu la grille de Skyrock dans tous les sens. Et sinon, bah, si t'es là le vendredi, viens nous voir. Ah mais on va être en finale, c'est sûr. Tu sais que je pense aussi qu'on peut être en finale. On va voir, on va voir. La Belgique, comme Cédric. Ça serait bon, ça. Bon, on va rigoler là, tiens. Franchement, ouais. Et la Belgique qui gagne, et bim. Non mais t'es là le vendredi, avant la finale, viens nous voir, on sera là. Ouais, je serai là vendredi aussi. Ah bah vas-y, bah viens vendredi. Eh ben, tu viendras nous voir, Enzo. Ramène un petit truc, hein. Si ça nous dérange, mais comme on est à l'antenne, on te dit oui, mais hors antenne, on va te dire non. Non mais. Non, tu viens. Une bouteille pour Marie. Ah non mais ramène autre chose. Ramène deux bouteilles. Deux bouteilles, oui. Non, mais ramène rien. Ramène non, mais rien, si, bah si, ramène un petit truc. Si, je ramènerai un petit truc quand même. Ramène un petit truc de 7. Ouais, non, ramène des photos du Cap d'Agde, t'es à côté. Ah, du Cap d'Agde, c'est bon. Ramène-nous une bonne vieille cochonne du Cap d'Agde. Ouais, une vieille granny, mais bien, bien sale. Tu sais, une vieille en cuir et tout. Ouais. Bien dégueu, quoi. Bon, Enzo, bah, viens nous voir, on te retrouvera bientôt dans l'émission. Et vous serez là l'année prochaine? Ah, malheureusement, je dois vous annoncer la très mauvaise nouvelle. Ah non, la très très mauvaise nouvelle. A priori, si, non, mais si, logiquement, si tout se passe bien, Enzo, nous serons là, mais oui, comment pourrait-on se passer de vous? Ouais, c'est vrai. Ah oui, non, moi, je peux pas me passer de vous. Eh ben, nous, c'est un peu pareil, hein. Bon, on fait une bise, Enzo, mais oui, on sera l'année prochaine. C'est bon, merci, hein. C'est gentil. Évidemment. Enzo. Et bon courage à vous. Eh ben, merci à toi, puis on te revoit bientôt. Ouais. Ah, et on t'envoie le t-shirt Skyrock, Ali, même chose, on t'envoie cadeau à la maison, tu quittes pas Ali. Et puis, Henri, t'as bien. Qu'est-ce qu'il y a, Ali? Je peux faire un petit message, j'en profite d'être en direct sur toute la France. Vas-y. Pour dire à tout le monde paix et tolérance. C'est tout ce que j'allais dire. C'est tout le monde avait la paix et la tolérance en soi, tout irait mieux. Ouais, une grosse pensée à nos amis turcs qui vivent Ceux qui sont sur terre. Franchement, soyez tolérants. Mais oui, on est dans un monde de fous. Bisous à ma petite femme, ma petite Cassandre qui m'attend là-dessus. Voilà. Bon, ben bisous Ali, on t'embrasse. Salut Ali. Salut Ali, il est super Ali. Mais oui, paix, peace. Rigolons plutôt que. Pissez-moi dessus. Non, Marie, ça va pas, non plus, t'es malade. Henri, bon, t'as entendu, plein d'auditeurs pour toi, c'est gentil comme tout. Des filles, des garçons, des messages de toute la France. Un peu le cul, va faire du foot. Et Marie qui te bouge le cul et va faire du foot. Et Henri, fais un truc, si tu veux nous faire plaisir, va voir un orthophoniste, vraiment. Ça te ferait du bien. Ça te ferait du bien, tu reprendras confiance en toi, va faire du foot. Fais tout ce qu'on t'a dit, ça nous ferait plaisir. Au moins, on a l'impression de servir à quelque chose. Bouge. Ouais. Et aussi, j'ai réussi, grâce à mes jeux, à amasser la masse de thunes, c'est-à-dire que c'est que je crée des personnages que je mettais sur des niveaux très hauts. Ah, et tu les vendais, ouais. Et voilà. Eh bien, Henri, ça tombe bien, je vais te passer Romano qui est très très intéressé, ses sourcils se sont levés jusqu'au haut de son crâne. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un bon business, on en avait déjà parlé, il y a plein de gens qui se sont fait de la thune. Bah ouais, on va te passer Romano. Mais prends-toi en main, Henri, tu vois, que tu nous as pas appelé pour rien. Et on va prendre des nouvelles et on en veut des bonnes. Voilà. Bon, on t'embrasse, Henri. Ouais, de préférence. Bisous, Henri. Bisous, Henri. Et c'était mignon le bisou. Tout est mieux, Romano. Ouais, bah, évidemment, tout est mieux par le bisou. Non, je n'en peux plus là. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? On a Tanguy, qu'on doit prendre en ligne avec nous. Alors Tanguy, il trouve qu'il y a un truc qui cloche sur lui. Ça va plus, ouais. Physiquement, on va s'occuper de toi, Tanguy. Bah, juste après, qu'est-ce qu'on écoute là? Un petit Florida. Allez, juste après Florida, My House. On te retrouve donc Tanguy, 20 ans, dans le 95. Il y a Antoine aussi qu'on retrouvera tout à l'heure, juste après Henri. Et le clash de la drague, les méthodes du clash, ça arrive tout de suite aussi. C'est sur Skyrock. De la radio libre en direct. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les quatre stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. Are you guys ready? Rihanna, l'anti-world tour, avec Big Sean en première partie, c'est 400 places.

Soprano qui était venu nous présenter ce morceau dans la radio libre. Soprano et Jul. Et Jul qui nous avait gardé l'exclu de ce morceau dans la radio libre aussi. C'est cool en fait. Hein. Je veux trop Mano. Merci Jul, merci Soprano. Sans pas les Marseillais. Hein. Je veux trop de Mano. C'est grave. Hein. Je veux trop de Mano. Jul avant minuit sur Skyrock, allez, tout ça pour il vous. Il menace Cédric depuis tout à l'heure. Mais normal, le clash arrive. Non, mais il menace physiquement. Je menace pas, c'est pas vrai. Tu menaces physiquement. Mais tu m'as vu le menacer, toi. Mais qu'est-ce que t'as? J'ai un star qui pousse, vas-y, c'est ah bon. Ah ouais, en vrai. Il y en a trois. Ah ouais, il les a comptés. T'en as trois qui poussent. Non, mais celui-là, il est déjà poussé, j'ai éclaté. T'en as un énorme là dans le cul. Comme vous l'entendez, plus séduisant que jamais. Tiens, Romano, ça doit être propre ta literie. Je te donne le classement. C'est pour ça. Ta gueule, toi. Oh là, il y a des bêtes dedans. S'il y a des animaux, ça veut dire que c'est naturel. Pas tout le week-end, il parle avec moi. Mais alors, j'ai le top bug, le classement. Bah, moi, j'ai pas la vérole sur la gueule, en tout cas. Quoi. Classement du top bug qu'on retrouve avant minuit. Clash of the Drags dans quelques secondes. Parle-moi pas, le véroleux. C'est quoi vos méthodes? Moi, c'est la méthode de la vérole. T'as la vérole sur la gueule. C'est la méthode de la grève, là. Tu sais, il y a plein de grèves tout le temps, là. Je sais pas, ils font. J'ai été bloqué cet après-midi par la CGT. Eh ben voilà. Eh ben, moi, ma meuf. C'était hier les manifs et c'est aujourd'hui que je suis bloqué. Ouais, c'est bizarre. Eh ben, ma meuf a fait la grève et elle veut pas baiser. D'accord, la grève de la baisse. Pas bête, Cédric. Pas mal, la méthode. Et toi, Romano, quelle est ta méthode? Je suis chauve. Je ne sais pas encore. Une perruque. Je ne sais pas encore ma méthode. Ah, il a pas de méthode. Il a pas de méthode, le man. Je crois que c'est la hasse. Non, ça va. Non, il y a donc qu'à la gueule, il envoie une méthode. Proposer une méthode comme il a proposé, je préfère me retenir un peu. Tu vois. Bah, dépêche-toi parce que là, on prend juste. Et Tanguy, on l'a perdu, Tanguy? C'est jaloux. Ah, il est là, Tanguy. Ah, il est là, Tanguy. Ah. On prend juste Tanguy et puis après, on aura. Je vois qu'il y a Antoine qui arrive. On aura Antoine. Et puis vous, en direct, bien sûr, au 01 53 40 30 20, si vous voulez nous appeler. On est en direct. Hein. T'as la question, vous nous la posez 10 fois par soir. Vous avez raison, en direct. 39 et 40 secondes. Bah oui. L'heure vous était offerte par les montres. Clunk. Clunk. Pour ça sur les radios comme Ouais, c'est vrai. Fais la speakerine. Mais vas-y, fais la visite ou quoi? Ouais, fais la bise. Ça fait 2-3 jours, dis vu, il a. C'est bizarre. Alors, il est très exactement 22h40 tout pile sur, eh bien oui, sur bien, RTL. Bien, ah oui, hier on a fait Europa, aujourd'hui on va faire RTL. Sur RTL. RTL, il est 22h40. Tout de suite, la rubrique jardinage de Joseph Gougnard en direct de son jardin en Lozère. Bonjour, je suis Joseph Gougnard. Alors, mon cher Joseph, quel est le menu du jour? Le menu du jour, nous allons apprendre à cultiver de la beuh. Chers auditeurs de RTL, comment faire la cultivation de la beuh? Très, très intéressant. Nous avons eu des milliers de fax. Parce que c'est un peu à l'ancienne. Nous avons eu des millions de fax pour nous poser la question: comment cultiver de la beuhère, comme disent les jeunes? Oh là, les jeunes, ils fument de la beuhère. Eh bien, moi, je la cultive. C'est très simple. Il suffit d'acheter quelques petites lampes, de lampes que vous branchez sur l'électricité. Oui. Et que les lampes s'allument et que vous mettez la graine de la beuhère qui pousse. Bzzz. Et ça fait des et ensuite, monseigneur Joseph, nous fumons l'herbe. Oui, excusez-moi de vous déranger, ma chère Josiane et Joseph, mais nous avons la rubrique littéraire qui arrive dans un instant avec les livres Mon cul. Présenté par notre Marise nationale. Ouais, magnifique. Bonsoir. Ce soir, Yolande de la Bougne. Toujours au top des ventes, puisque aujourd'hui elle en a vendu un. Oui, c'est moi qui l'ai acheté. Allez, au max. Avec son magnifique livre, j'ai mis des claquettes. Parce que je pue des pieds. Le livre est génial, génial. Une référence. Oui, oui. Voilà. C'est bien. On arrête RTL, on revient sur Skyrock. Je crois que notre ami Cédric voulait nous faire une petite rubrique. Voilà, non, je voulais parler des travestis du bois de Boulogne. Ah, c'était pas possible sur RTL. Je laisse ça pour Mano, il kiffe ça, lui. Bon, alors, Tanguy, avant le clash, on va te prendre en direct avec nous. Tanguy, problème physique. Ouais, et ça nous connaît, les problèmes physiques. Ouais, Tanguy. Alors, bienvenue Tanguy. Je t'ai bien présenté, ouais. 20 ans, 95, t'es où dans le 95? Marly-la-Ville. D'accord, très bien. C'est paumé, très bien. Déprime pas quand même. Oui, tu vis là-bas? Oui, bah oui. Non, mais il y a plein de gens qui vivent dans les coins paumés, Romano, t'as vécu dans un coin paumé? Mm-hmm. C'est paumé, toi? Non, c'est pas pire que Roche-la-Molière. Roche-la-Molière, je t'ai dit, c'est collé à Saint-Étienne. Non, mais ouais, mais d'accord, mais quand t'habites là-bas, tu vas pas tous les jours à Saint-Étienne. Si, j'allais tous les donc jours. Donc ça, c'est une fausse excuse. Bah ouais, j'y allais tous les jours. Bah, t'y allais tous les jours pour quoi faire? Faire de la radio. Bah ouais, non, mais d'accord, mais la majorité des gens, ils vont pas forcément tous les jours. J'étais baisé, là. Tu sais, c'est comme quand t'habites en banlieue parisienne, tu viens pas forcément tous les jours à Paris. Paris. C'est bah, j'habite en banlieue, je viens à Paris. Bah parce que tu taffes à Paris. Bah voilà, donc un autre exemple, ça marche. Bah pas. Par exemple, quelqu'un qui habite à Boulogne-Billancourt. Ouais. Et qui travaille à Boulogne-Billancourt. Oui. Bah a pas tous les jours venir à Paris. Pourquoi faire? Bah si, Romano. Bah, bah non, bah, bah, non j'ai fait des statistiques, j'ai surveillé des gens. Donc toi, Tanguy, t'es peut-être un peu. À Marly, le truc là. Dans le 95. Ouais, Marly-la-Ville, ouais. Marly-la-Ville. Avant, je voulais dire voter Romano. Ah, merci, mon pote. Il n'y a pas eu de clash. Oui, bah écoute, c'est eux qui votent avant. Pour Cédric, vu qu'il est puceau, il peut faire la méthode des pucelages. Non, je suis pas puceau, mon pote. Petite méthode. Non, ah, ouais, elle était pas mal ta blague. Non, je suis pas puceau, je vais la sortir un autre jour. Je vais au pute. Bah ouais, tant qu'à faire. Alors, toi, Tanguy, tu nous appelles parce que il y a un truc, t'es pas fier, il y a un truc de ton corps, ça va plus aujourd'hui, je sais pas, dis-nous ce que c'est parce que moi je suis pas au courant. Ouais, en fait, aujourd'hui je suis allé au coiffeur. Ah, t'as dit. En fait, déjà la coupe m'a pas cuit, m'a pas cuit. T'as pas plu, mais souvent quand on sort chez le coiffeur, c'est t'aimes pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait le coiffeur? Il t'a amoché la gueule? Bah, m'a fait une coupe de merde. Et du coup, en fait, quand je suis rentré chez moi, j'ai pété un câble et j'ai voulu essayer de me tondre les cheveux moi-même. Ah, c'est, mais c'est quoi la coupe de merde qu'il avait fait le coiffeur? Tu voulais, tu lui as demandé quoi et il t'est arrivé à quoi? J'avais demandé une coupe normale et je sais pas, m'a fait une sorte de trou au milieu, mais elle a pas grillé. Mais qu'est-ce que t'entends comme coupe normale? Parce que coupe normale. Bah, court sur les côtés, long dessus. Un petit dégradé, ouais. Mec, t'as fait un trou? Voilà, bon, c'est un peu ce que je demande aussi. Si elle t'a fait un trou sur le dessus, elle s'est plantée. Vous avez vu, on parle de cheveux et de coiffeur depuis deux minutes et je n'ai pas fait du tout allusion à toi, Romano. Ouais. Je voudrais quand même me féliciter pour Ah bah, de toute façon, moi, qu'est-ce que je te dis? Ce non-harcèlement. Si le coiffeur coupe ce qui est un peu trop long, moi, ce qui reste, hein. Bah, si t'es, si je vais pas demander une coupe de ouf, faites-moi une crête, la coupe à la Griezmann. Tu peux pas. Faites-moi un truc. Si Pogba, à la limite, je pourrais sur les côtés. Oui, c'est vrai. Mais, ouais, tu vois, moi, je peux rien demander comme coupe, quoi. J'ai dit, faites court. Bah, court, voilà. Voilà, ouais. Et t'as fait quoi? Tu t'es fini tout seul? Bah, en fait, du coup, comme ça m'a pas plu, je me suis dit, bah, fais une coupe militaire à boule à Z. À zéro, ça va revenir avec le temps. Oui, et donc, ouais, j'ai fait, et au final, j'ai fait du 0,06 mm. Ah, c'est tout petit. Ah, c'est court, ça. C'est tout petit. C'est la taille de ma barbe, tu vois. Combien t'as fait? 0,06. C'est tout petit, c'est. Ah ouais? Ah ouais, c'est une coupe militaire. Ouais, donc t'es chauve, quoi. Ouais, voilà. Et t'as la boule à zéro, quoi. Ah, t'es bien rasé, quoi. Non, ça fait bizarre parce que je me rends compte quand on a des cheveux, en fait. Tiens, on va faire un truc. On s'en rend pas vraiment compte. Parce que moi, je me rends pas compte. Bah ouais, mais c'est exactement ce que je voulais demander. Je me rends pas compte. J'aimerais bien. Envoyez-nous des photos de. Tiens, on va vous mettre des photos de l'équipe. Romain, sur les réseaux sociaux, mets à dispo une photo de chacun des membres de l'équipe. Prends une de mes plus belles. Ouais, elles sont toutes belles. C'est vrai. Bah, évidemment. Quel suce. Et donc, et vous nous faites. Vous nous faites. Je vais être plus dur pour Cédric. La boule à Z, quoi. Vous nous faites chauve pour voir la gueule qu'on a quand on est chauve. Bah moi, il n'y a pas besoin de le faire. Bah pour Romano, ne le faites pas, c'est vrai. C'est déjà fait, donc. Non, mais moi, je suis persuadé que t'as une gueule de con. Ça m'irait très bien. Non, t'auras une gueule, ah non, t'auras une gueule de con. T'as un peu genre extraterrestre. Pourquoi j'ai une gueule d'extraterrestre? Parce que t'as une grosse tête un peu quand même. Mais je t'ai ta gueule, toi. Non, mais si. Non, mais vu. Non, mais non, quoi, c'est plutôt le gros nez. Tu as un gros nez, mais ta gueule aussi, toi. Non, mais sérieux. Aïe. Non, mais ça te fait une gueule disproportionnée, je te dis, on dirait un extraterrestre. Une gueule disproportionnée? Ouais, je serais chaud, c'est à peu près comme ça. Ou alors, je dirais, peut-être, t'aurais une tête de vautour. Ouais, moi, j'ai une tête de veau. Non, non. Tout court. Non, non. Non, mais c'est vrai, une tête de vautour. Tiens, faites Marie chauve et vous pouvez nous faire une photo de vous chauve aussi, si vous voulez. Vous nous envoyez ça. Faites Romano chauve. Avec l'appli Skyrock. L'appli. Ouais, c'est bon, on a déjà fait la blague. Ça va aller. Vous la téléchargez et vous nous envoyez les photos. Ça arrive directement dans le studio. Salut Jojo Ben qui nous envoie une très belle photo de lui. Salut à toi. Avec plein de cheveux. Jojo Ben, t'es vrai que t'as plein de cheveux. Et t'as des gros sourcils comme Romano aussi. Ah ouais, putain. Mais t'as plus de cheveux que Romano, ça c'est sûr. Et ouais, la coupe. Enfin, j'ai trouvé un vautour chauve, on dirait des Ah oh non, t'es dégueulasse. Alors, foiré. J'entends rire, hein, Tanguy. Tu te vois la tête à gauche, hein. Je t'entends rigoler. Non, à gauche. Ah oui, quoi ça? À gauche, c'est la famille. Non, mais ouais, attends, non, mais il faut que je te prenne en photo, je vais le mettre sur. Non, mais tu vas rien mettre sur les réseaux sociaux. Non, mais si, je te prends de profil. Non, mais ça te ressemble pas, je te rassure. Prends plutôt des photos. Non, mais Marie, les bourrées, elles se rendent plus compte. Prends plutôt des photos de Cédric. Non, moi, ça va. Tu peux jouer avec sur les réseaux sociaux. Avec un pélican, toi. Cédric, ça va être un pélican. C'est vrai. Toi, une tête de con. Bon, qu'est-ce que tu viens faire? Non, mais tranquille, parle au micro. Parle au micro, vas-y. Vite à vie, man. Vite à vie. Vite à vie, me regarde pas, vas-y. Non, mais je ne te regarde pas, je préfère regarder la Marie qui est beaucoup plus belle. Bon, Tanguy, donc la boule à zéro, toi, ça te va pas du tout, c'est bien noté. Ah, ça, ouais, c'est ça cool. Ça me va pas, et en fait, lundi, je commence mon nouveau travail. Et c'est quoi ton nouveau boulot? Mécanicien avion. Mécano avion. Bah ouais. C'est bien ça. Eh ben te trompe pas dans les boulons. Une perruque. Ouais, je vais essayer de bien faire ça. Non, mais tu te dis je vais arriver avec cette gueule, mais ça te va vrai. Tu peux nous envoyer une photo toi aussi, Tanguy, qu'on voit la tête que toi. Ouais, je te repasse. Je te repasse Karim. Et, ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec toi? Mais j'attends de te prendre en photo, mais t'as la tête baissée. Non, mais vas-y, mais pose. Bouge pas. Non, mais mets-toi sur le côté. Voilà. Mais quoi, vous faites une photo de moi pour m'afficher là? Ça y est. Ouais, c'est bien. Ouais. Allez, on fait le comparatif avec. Avec le vautour. Ouais. Bon, allez, on attend vos photos. Ah, ça arrive déjà. Ah non, mais là, c'est Iti. Ah ouais, il y en a qui ça va pas. Hein. C'est Matuidi en Iti. C'est fait Matuidi en Iti, c'est pas. Bon, vous nous envoyez vos photos, on voit ça, et puis vous nous transformez. Donc Marie ouais. Chauve, Cédric Chauve, Samy Chauve. Karim chauve. Moi je suis déjà chauve. Moi chauve et Romano. Ouais, c'est vrai. Romano non, t'es pas chauve, t'as les cheveux un peu. Ouais, mais quand je me rase, je fais 0,5. Je fais comme lui, donc au final. Et ça met combien de temps pour pousser les cheveux? Ça prend 1 cm par mois, je crois. Non, mais puis ça va bien, vite avec la chaleur. Ça dépend des gens. Bon, ouais, ça dépend des gens. Peut-être que t'auras des beaux cheveux dans un mois. Ouais, une belle tête dans un mois, tu as des beaux cheveux. Et puis racontez-nous si vous avez déjà été amoché par un coiffeur, une coiffeuse, si vous avez déjà demandé une coupe et que ça n'a pas marché. Ah, c'est moi, c'est la vie qui m'a amoché. C'est vrai. si vous avez déjà, je sais pas, vous jouiez à la coiffeuse avec votre meilleur ami quand vous aviez 17 ans dans la salle de bain tout nu, comme certains membres de l'équipe qui sont pas en jaune. Eh, on n'était pas à poil là, t'es un ouf toi. Non, mais on n'était pas à poil là. Parce que m'a dit la gothique. Mais bon. Bah, j'étais même pas, je crois que je sais même pas si j'étais avec elle à l'époque. Et si, c'était pour elle que tu te faisais cette belle coupe. Poussin. Trop beau. Attends, t'inquiète, je suis en train de t'arranger la gueule, moi, sur mon Instagram. Il y a Vince qui nous demande est-ce qu'on pourrait mettre Romano avec des cheveux? Est-ce qu'on peut envoyer Romano avec des cheveux? Oui, ça serait pas mal. Pour envoyer un Romano avec des cheveux. Donc, vous enlevez les cheveux de tout le monde et vous envoyez un Romano avec des cheveux sur l'appli Skyrock. Et profitez-en, c'est gratuit. Il se fout de ta gueule, je crois. Et Romano, tu sais qu'il y a un clash? Ah, non, et je te rappelle qu'en plus t'as même pas de méthode. Et voilà. Non mais attends, là déjà pour commencer. Déjà, Cédric lui il a une méthode, la méthode de la vérole. Ouais. Non, la méthode de la vérole. T'as pas la vérole? Non, c'est la grève. Ah, la méthode, c'est très bien ça, c'est vrai. C'est la grève. Méthode de la grève. Pas belle méthode. On va y aller tout de suite pour le clash. Allez, vas-y. Et bien Romano, pour te sauver quand je suis gentil malgré tout. Et il est là. Callaghan est avec nous ce soir. Ah, salut Callaghan. Ah, le relou de service. Callaghan qui est dans un état pas possible. Salut les filles. Le mec a pris des coups de soleil. Je suis sur Badou. Non, mais on a vu une photo de Callaghan, mais laisse tomber quoi. Pourquoi elle est tout rouge? Je t'ai branlé sur moi. Un touriste allemand quoi. Non, c'est Karim qui m'a montré ça, mais laisse tomber la gueule que t'as, mon pote. T'as vu la tienne, gros lait? Ah ouais, putain. Un gros lait. Ah, quand je vois ta gueule, ça me rassure. Hein. Ah non, mais il a la gueule plus normale que la tienne. Non, il a une gueule de lait. Alors pour expliquer un petit peu. Si c'est moi. Explique un petit peu la tension qui règne entre Cédric et Callaghan. Cédric et Callaghan, ça marche pas très fort parce que tu es un des membres fondateurs et éternels de la team Romano, Callaghan. Et parce que je suis plus beau que lui aussi. Ah non, mais c'est très beau. Super. Ah non, mais t'es plus. Elle est marrante ta blague. Bah, attends, Marie. Ah non, mais c'est clair. Marie qui est neutre. Ah non, mais c'est. Oui. Callaghan ou Cédric? Ah bah, Callaghan direct. Oh là là. C'est bon, Callaghan, on va baiser bientôt. Et Cédric, je te soutiens parce que Romano, il m'énerve avec l'histoire du nez. C'est gentil, merci monsieur. Callaghan, tu arrives merci malgré tout. Monsieur l'autre. Pour sauver. Il me respecte, c'est bien ça. Il habite, tant que tiens. Cécile du 42 s'est fait couper un bout d'oreille chez le coiffeur. Oh. Allez-y pour vos témoignages, j'en vois plein. Ah, mais ça m'est arrivé, gamin, j'avais chialé ma mère. Tu nous raconteras. Chialé ta rhum, c'est insulte. Callaghan, viens sauver Romano qui n'a pas de méthode. Ah, ça, c'est vrai qu'il n'a pas de méthode, ce con. Quelle est la méthode que tu lui proposes? Vas-y, sauve-moi, mon amour. Tu peux, c'est calme-toi quand même. Hein. Tu peux faire la méthode du camping sauvage. Tu dis que t'es dans le coin, t'es pas trop loin, tu te sens un peu solo et du coup t'aimerais bien que la femme ou l'homme te rejoigne pour te pomper le dard. Ah ouais, ça c'est bien. Ils se sentent solo et sauvage. Tu vas leur faire. Ouais, c'est très bien. Vas-y, t'as Callaghan toujours au top quoi. Ouais, toujours. Ouais. Tu viens de sauver Romano. Ah salut, tu seras en galère. Hein. Eh ben tiens, reste là, Callaghan. On passe au clash de la drague. Allez, on y va. C'est parti. Oui. Attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Mais oui. Ils sont là, ils sont sur Skyrock, on exclut tous les soirs, tous les mercredis. Ça y est, le Belge est à bout de nerfs. Il est en train de me dire, mais pourquoi tu l'as appelé Callaghan? Ah ouais, putain, mais elle est relou. Pourquoi t'aimes pas Callaghan? Bah, je sais pas, on appelle pas les gens de la team le Belge. Bah, il y en a peut-être pas, ouais. Si, il y en a, t'inquiète. Et Callaghan, il y en a pas. T'inquiète, il y en a 2-3 qui t'insultent sur Twitter, mon pote. Non, mais regarde, Romano était en galère, c'est pour ça. Ah, ben, laisse-le en galère. Et voilà. Bah, moi, quand je suis en galère, tu vas me trouver quelqu'un, Marie. Bah, oui. Personne n'appelle Cédric pour toi, malheureusement. Oh. Bon, la team le Belge. Okay. La team Romano, attention, n'oubliez pas, lundi, il y a eu égalité. 50-50. Une vraie égalité, c'est qu'on a halluciné, mais on a raconté. Vraiment égalité. 50-50. Aujourd'hui, il va falloir vous déchiner comme des oufs. Ça veut dire que votre voix peut faire la différence. D'abord, démonstration. Et c'est parti pour toi, Cédric. Allez, on y va. File quelque part en France. Numéro pris au hasard. Samy, fais le numéro de téléphone de qui? De Franck. Franck. Non mais allez, tu vois, la Soblo va avec le vautour, franchement. Non mais c'est énervé, soir. C'est assez flagrant, hein, mais tout le monde le dit. Hein. Ouais, il va m'enculer. Non mais il y a Iba, t'es sûr que c'est pas. Allô Franck. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Eh ben c'est Michel au téléphone, je t'appelle là par rapport, tu sais, aux grèves. Tout courant que c'était la grève là? Non, du tout. Bah, il y avait la manifestation et ma femme elle s'est mise à faire la grève et puis du coup elle veut plus baiser. Donc, je me retrouve un petit peu en galère, mon bon Franck. La grève du sexe. Donc du coup, ce soir je voulais venir à la maison pour te faire l'amour. Oui. Parce que moi je fais pas du tout la grève. Tu fais pas la grève toi non plus? Du tout, non. Eh ben écoute, on va faire l'amour ensemble alors. Voilà, tout à fait. Eh ben nickel, prépare tes petites fesses, je vais venir avec mon gros sexe et je vais te faire l'amour dans tes fesses. Bravo, bravo. Ok? Bon, je suis le seul à applaudir. Bravo. Merci, mon bon Franck, merci. Bravo, Cédric, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bon, Franck, j'arrive. À tout de suite, merci. La tristesse. Voilà. Un serrage, mon pote. Bravo, Franck. Easy, comme ça. Bravo, c'est qui, Franck? Franck, tu as été séduit, t'as été excité, Franck. Ah bah là il prépare son anus, là il est parti se préparer là. Ah, il est parti se préparer. Ouais, c'est bon, tu peux raccrocher. Ouais, c'est bon. Il est parti résilier ça. Eh voilà, mon pote. Téléphonique. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, avec son opérateur, oui, allô. Oui, c'est bien. Résilier, il y a un débile qui m'appelle. Bravo, Cédric. Serrage, Romain, t'as entendu? Il a la critique facile, je pense que c'est parce que t'as été méchant avec moi, donc Dieu te punit. Mais c'est un rageux de toute façon. Quoi qu'il se passe, c'est un rageux. Non, mais c'est toi qui dis ça, gros. Mais t'es un de ces rageux. Rien que là, t'es en train de beugler alors que j'ai. Non, moi, ça va, tout va bien. Moi, je suis détendu. Moi, j'ai fait un serrage. Tu me fatigues les oreilles. Eh ben, on va chez. J'ai l'impression que je suis pas le seul. Qui c'est que t'as tiré, Samy? C'est Nicolas. Nicolas. Romano, c'est Nicolas pour toi. Ah, bah, je suis pas débile, merci, j'ai compris. Si, des fois t'es débile. Mais des fois j'entends mal. Nicolas. Très bien, merci. Je crois que Nicolas, il est. De toute façon, vas-y, laisse tomber. Il n'entend pas le téléphone. Attends. Ah, tu vois, il est là. Bonjour, vous êtes bien chez Valérie Nicolas. Laissez votre message après le bus sonore. Ok. Ah, prends ça de la graine, ils sont heureux dans la vie. Salut, Valérie Nicolas. On rappellera plus tard. C'était pour éventuellement faire la bourre. Oui, on rappelle plus tard. Bon, alors c'est qui là? Kevin. Allez, c'est parti. Kevin. Oh, Manon. Merci. Dis fort. J'ai l'impression qu'il y a du sabotage de mon côté. Mais non, il répond, voilà. Écoute. Allô? Kevin. Que ça se passe. Ben voilà. Tiens, attends. Non mais t'es sûr, je parle, le sens, je allô. Le sens, j'ai le nez. Kevin. Ta gueule, toi. Allô, Kevin. Tu fermes ta gueule, enculé. Va. Allô, Kevin. Ferme ta gueule. Non, il a pas dit allô, repasse un coup de fil. Pourquoi t'as raccroché? Fallait pas raccrocher. Bah si, parce que. Ah, allô. Mec, on va pas attendre trois plombes. Bah, attends, non, mais de toute façon, je te dis, il y a de la magouille. La magouille. Putain, mais t'es complètement parano. Bah attends, c'est bizarre. Chut, c'est qui? Mec, il décroche direct, moi je galère. Gilles. Allô, Gilou. Attends, Gilles. Et après tu vas dire que c'est normal. Ah, il y a de la magouille. Il y a de la magouille. Pourquoi il décroche tout ça? Il parle pas. C'est ouf. Comme dirait l'autre con, il y a de la magouille. Ah Gilles, t'es là? On t'entend faire. Bon Gilles, si t'es un homme, tu parles. Bah, il a pas de. Il a pas de zizi. Il a pas de couilles. Bon allez, vas-y. Je suis absent pour le moment. Oui, veuillez laisser un message après le Merci. Oui. Ouais, c'est ça. Oh, putain, le répondeur. Bonjour, je vous laisse un message sur votre répondeur. Bon, alors. À bientôt. Au revoir. Est-ce que l'arbitre pourrait mettre de l'ordre un peu dans tout ça là? Est-ce que. Sabine, je peux pas dire, mais ça part totalement en couille. On essaye Laurent. C'est parti. Moi, je laisse. Non, mais Callaghan, il entend, lui. Il entend tout ce qui se passe. Ouais, j'entends. Non, mais t'as vu un peu, c'est quand même chelou. Ouais, sabotage, comme toujours. Bah, tu sais, quand on n'arrive pas à gagner à la loyale, on triche. C'est vrai. Ah, mais on sait bien. En quoi je triche, là, tu m'expliques? Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Non, et puis là, après, je sais comment ça va se passer. Je vais me taper que des familles de merde. Mais vous non. Allez voir, je serais presque ma main à couper. Non, je vais quand même la garder. Mais tu vas voir, celui qui va décrocher, le mec, ça va être un dépressif. Merci de nous laisser votre message. C'est un message. Nous vous rappellerons dès que possible. À bientôt. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez. Allô? Oui. Attends. Ah bah tiens, c'est qui? Damien? Oui, vous êtes qui? Oui, je fais du camping sauvage là, pas loin de chez toi, Damien. Là, c'est Jean-Louis à l'appareil. Oui, vous devez faire erreur. Ah non, j'avais besoin de toi là, parce que je me sens un peu seul dans ma toile de tente. Et j'aimerais. D'accord, c'est très gentil. Bah oui, je voulais. Au revoir, bonne soirée. Non, reste, je t'en supplie. Non, regarde-moi ça, putain, mais le mec il arrive comme. Allô?

dieu depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en pada. Toi, tu me suces la bite après que je t'ai enculé. Ouais, bah, pas de problème, ouais. Comme ça, elle aura du goût. Oui, bah, bien sûr. Difool. Donc, tu rentres le gland d'abord. Ouais, voilà. Cédric. Je suis beau gosse comme un saumon. Marie. Du cul. Samy. On verra le jour où on est racheté par les Qataris, on aura une chance. Momo. Oula, t'as vu ? Et Karim. Salam alaikum. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et hop là, et on va faire le deuxième tour du clash de la drague, les deuxièmes coups de fil. Ouais, limite, moi je mériterais deux coups de fil quoi. Et comment ? Pourquoi ? Bah parce que un coup de fil chacun, il y aura deux coups de fil, mais un pour Cédric, un pour Romano. Dans un instant, on aura Antoine aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça tombe bien, vous n'êtes pas sourd dans ma team Romano, vous voyez le scandale se profiler. Préparez les votes ce soir. Le scandale. Bah c'est clair, on a Bruno qui vient soutenir Cédric d'ailleurs parce qu'il a entendu Callaghan qui soutenait Romano en direct. Callaghan, t'es toujours là ? Je suis toujours là. Et ben, je te présente Bruno, supporter officiel de la team Cédric. T'es là, Bruno ? Ah, ouais. Bruno. Vous en avez trouvé un, bravo. Allô, bonjour, tout le monde. Bonjour, salut Bruno. Comment ça va, mon pote ? Salut, Bruno. Salut, Bruno. Ça va ? Ça va, tranquille. Bon, bonjour, parce que je suis poli, mais bon. Bon, Romano, arrête de baragouiner, là. Hein. Commence pas, là. Oui, baragouine. Non, mais t'as bien non, vu. Non, mais attends. Non, arrête. Quand c'est Cédric, il faut de la fermer. Mais bizarrement, ça n'arrive jamais. Parce que moi, là, ce que je constate juste, c'est que sur l'appel de Cédric, ça a décroché du premier coup. C'est vrai, les familles avaient envie de parler à Cédric. Et moi, au bout de 15 fois, à la 15e famille, je tombe sur un mec qu'on me balance comme ça à la gueule. 15e famille. T'es pas Marseillais, je crois que c'était Samy, le Marseillais de l'équipe. Non, déjà, on en a appelé 4. Il y en a plus de 4. Bon, allez, c'est parti. On y va vite. Je ne jette pas la pierre, Samy. Non, mais je te jure, c'est le. Mais bon, on verra. De toute façon, la sanction est prévue. Donc, Callaghan et Bruno, faites-vous un bisou. Donc, le supporter de Romano, le supporter de Cédric. Ouais, Bruno, non, pote. Non, pas du tout, je ne fais pas de bisous. Il n'y a pas de bisous ? Non. Non, ah, il s'aime pas. On serre la main, c'est mieux. Non, même pas. C'est déjà même ça, pas. Se faire plaisir. Même pas. Ah, va te faire enculer, même pas. Rien ouais. du tout, quoi. Il y a juste moyen que je passe vite fait un truc de. Parce que je joue en ligne, sorti pas sur Xbox One. Vas-y, dis. C'est juste Brudu, B-R-U-D-U 92. Brudu 92. Tu vas avoir des adversaires. Sur FIFA 16. C'est Brudu. Bon, dans un instant. Salut Brudu. Non, Brudu, c'est. J'arrive pas à le dire, c'est Brudu. Non, c'est Brudu. Bon, quitte pas Brudu. Bruno. Et puis, bon, il y a Antoine qui arrive avec nous qu'on va prendre en direct. Et puis, si vous voulez passer dans l'émission, n'hésitez pas. 01 53 40 30 20. Vous appelez le 41 759 et l'appli Skyrock, votre top bug avant minuit. Vos places pour Rihanna aussi à gagner dans l'émission. Et le son de Drake pour terminer tout à l'heure. On aura du Jul dans moins d'une heure. Et le nouveau Major Lazer avant 11h30. Bon, il est 11h05. Allez-y, les beaux gosses. Cédric 1. Allez, vas-y, on va chez qui ? Eh ben, Samy, Jean-Luc. Samy, prépare un annuaire pour moi, parce qu'il va bien falloir ça pour avoir que j'ai une famille. C'est bon, toi, il y a 10 numéros derrière. C'est bon, allez, merci. Ça répond tout de suite. Allô, bonsoir Jean-Luc. C'est fou. Oui, bonsoir. Ça va, tu vas bien ? Oui. Ouais, bah nickel. Dis-moi, je t'appelais parce que tu sais, là, il y avait la grève, là, hier. Pardon ? Il y avait les grèves, là, hier. Oui. Ouais, ben ma femme, elle a fait la grève. Donc, du coup, j'ai pas pu baiser depuis hier, et du coup, je suis un petit peu en galère. Oui. Je voulais savoir, je peux pas venir à la maison histoire de m'occuper un petit peu de tes fesses. Non, mais vous êtes qui ? Bah, je me présente, je m'appelle Michel, 1m78, beau gosse, cheveux bruns. Oui, t'es pas fatigué ce soir ? Ah bah non, justement, j'aimerais bien te faire l'amour, tu vois. Oui. Histoire de me fatiguer un petit peu, quoi. Oui. Je peux venir dans 5 minutes, si tu veux, mon chéri. Oui. Ah, je peux te dire que j'ai un... Bah, appelle le 17 avant. Ah non, le 17, je les appellerai plus tard, tiens. Oui. J'aimerais bien d'abord m'occuper un petit peu de toi. Je peux les appeler, moi. Bah, appelle-les, si tu veux qu'ils viennent à la maison, on pourra faire la fête ensemble. Oui. Plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on T'es dit. T'es complètement taré, mon pauvre. Hein. Ouais, je suis amoureux de toi, ouais, je suis complètement taré, ouais. Allez, va te coucher. Ben, je vais venir me coucher avec toi, tiens. C'est bon ? Non, malheureusement. Jean-Luc. Et donc, Jean-Luc. Il est parti. Un petit bisou. Un petit câlin ? Non. Bisous. Dans ton cul, enculé. Pas de câlin, pas de bisous. Bon, c'est pas grave. C'est sympathique ce Jean-Luc. Moi, j'essaierai Franck au premier tour, c'est pas grave. Il n'est pas parti. Non, il pose le téléphone. Voilà, donc il en avait ras-le-bol de temps, malheureusement, mais bon, écoute, t'as serré tout à l'heure. Il en avait plein de cuisses, ça tombe bien, nous aussi. Mais à toi, Romain. T'as pas demandé ton avis à bah toi. Bah moi, je te le donne, c'est gratuit, donc c'est servi à point. Marc, comme restaurant. C'est Marc qu'on appelle. Mais Marc. Oui, exactement, Romano, c'est Marc. Faudrait peut-être appeler, non? Ben ça sonne une fois. Non mais appuie sur le bouton rouge. Oui, foutez pas la gueule du monde. Excusez-moi, j'ai fait tomber de la bière sur le standard, c'est moi. Putain, mais c'est quoi? Allô. J'ai fait tomber de la bière. Allô. Vos gueules, putain, j'en peux plus là. Vous me foutez à bout. Allô, Marc. Moi, je suis plus en condition, je préfère qu'on annule ce clash. Non, on va aller au bout. Non, mais lui parle pas, le mec. Non, mais on en prend un autre. Marie, évite de faire ton. Oui, je sais que c'est toi. Ah oui. C'est con, c'était la meilleure famille. Je suis désolé, je m'y suis mise en plus. Attention. Ça veut dire quoi, c'était la meilleure famille? C'était un bon numéro. Je vais me taper les raclures, les fans tiroirs là. Allez. Ah, bizarre, déjà, ça met un peu plus de temps que Cédric a décroché. Ah, c'est un truc de ouf. Là, je vais hurler au scandale. Du calme, attends, ça peut encore décrocher. Moi, je vous préviens, je fais débarquer la CGT. Tant qu'il y a une sonnerie, il y a de l'espoir. Bonjour. Ah non, il n'y a plus d'espoir. Ah bah, désolé. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah, tiens, non. Ah, allô? C'est qui lui? Le mec arrive. Eric? Kevin. Kevin? Oui? Oui, bonsoir, comment vas-tu? Bien. Bien. Dis-moi, je t'explique, là, c'est Jean-Louis à l'appareil. Je fais du camping sauvage, pas loin de chez vous, là. Tu m'entends? Oui? Oui. Et j'ai repéré ta petite femme, là. Parce que je me sens un peu seul ce soir. Et j'aimerais bien qu'elle vienne me rejoindre dans ma petite tente, dans mon petit igloo, là. Glou-glou. Donc, est-ce que je peux venir la récupérer? Pas de problème. Voilà. Donc, je passe dans 5 minutes. Je viens, je l'embarque, je la culbute dans le igloo. Et puis, je te la ramène. Voilà. Je pense qu'elle marchera un peu de travers, vu ce que je vais lui mettre. Mais t'inquiète, elle arrivera à trouver le chemin, je pense. Y a pas de souci. Et puis, je pense que pour te remercier, en arrivant, je te mettrai une pétée. Voilà. Voilà. Bah, c'est parfait, je suis là dans 5 minutes, ma poule. Voilà. À tout de suite, mon Kevin, bisous. Et ben bah voilà. Bisous, bisous. Bisous. Et ben ce soir, tout le monde a serré. Voilà. Là, je suis content. Il y a quand même une différence de niveau, je trouve. Bravo, bah ça, c'est à vous de décider maintenant. Bam, boum. On aura attendu, hein, quand même. Allez, 41-759. On attend toujours, d'ailleurs. Non, moi, premier tour, serrage direct, d'entrée de jeu. Il est où le serrage? Et toi, Romano, serrage au deuxième tour. Tu vois, il fallait attendre jusqu'au bout. Ah ouais, bah putain, on en a chié, quoi. Qui va gagner? Alors attention. Oubliez pas, lundi, il y a eu égalité. 50-50. Jamais c'est arrivé dans l'émission. Eh bien, faites attention, ça veut dire que tous les votes comptent. Et jeudi, à 23h10 précise, top! Allez, top pour voter, Cédric. Moi, j'ai serré dès le premier tour, tranquille. Moi, mon adversaire, depuis tout à l'heure, il se plaint, il gueule, il râle, il fait mal à la tête. Pas quand même. Pour ça, punissez-le et votez Cédric. C'est EDRIC. Je compte sur vous toutes et vous toutes. Moi, j'ai serré Franck, vous toutes. Donc, si vous êtes un homme, vous n'avez pas le droit de voter Cédric. Si, vous tous et vous toutes. Ce soir, je vais prendre les mecs des votes. Va voter tout le monde, Cédric. Va falloir voter Romano. Vous avez entendu, on a tenté de me déstabiliser en me passant des répondeurs. Mais. Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Heureusement, j'ai rompu la malédiction en serrant. Magnifiquement Kevin là, à l'instant. Putain. Magnifique serrage. Votez Romano, R-O-M-A-N-O, oh Team là. Romano, je compte sur vous ce soir. Correction pour le cul de Cédric. Bruno, est-ce que tu penses que Cédric mérite de gagner? Ouais, Cédric mérite de gagner, mais avec le blabla de Romano, blabla. Moi aussi, je fais du blabla. Il parasite la tête, il parasite Cédric. Merci mon pote. Callaghan, est-ce que tu penses que Romano mérite de gagner? Bien évidemment, serrage parfait, votez pour le roi du clash. Merci Callaghan. Votez Romano. Qui c'est qui a roté? Non, j'ai pas roté. T'es dégueulasse. Mais j'ai pas roté. Il a roté. J'ai fait. Si j'avais un truc dans la gorge. Ah, dégueulasse. Votez Cédric. Mais toi, c'est ta gueule qui me dégoûte et j'arrive à te supporter. À l'heure de soirée, me casse pas les couilles. Allez, votez Romano. Votez Romano qu'on le finisse là, qui ferme sa gueule. Ah, venons le punir, soir, on vote Cédric là. On lui ferme sa gueule ou on lui ouvre le cul. Votez Romano. Allez. Ok, ouais. 4 minutes pour voter, puisqu'il est 23h11. Attention, les 4 dernières minutes. Préparez-vous. On vous attend en direct. Et il y avait une question de Nina là, qui nous posait une petite question. On va l'appeler. Elle veut savoir, elle veut faire un sondage auprès de vous tous et de vous toutes qui nous écoutez. Ça concerne l'amour, ça concerne la maternité. Ah, les gosses. Oui. Nina, on l'appelait ou pas? Non. Bah, faut l'appeler. On va l'appeler. Oui, ça concerne les gosses. Bah, votez Romano en attendant. Elle vous demande quel est l'âge idéal pour avoir un bébé. Quel est l'âge idéal pour avoir un bébé? Elle en a 21, elle, pour l'instant, Nina. Donc, on va essayer de la joindre. C'est la question qu'elle vous pose. je sais pas, quand t'as trouvé le bon mec et que tu te sens prête à te faire avoir une portée. Voilà, à te faire engrosser. Non, mais quand tu te sens prête à devenir mère. Ou quand tu te sens prêt à devenir père. À quel âge c'est l'âge idéal? Bah, pour vous, on pourrait répondre pour chacun pour soi. Quel âge l'âge idéal? Moi, pour moi, 21 ans, c'est trop tôt, par exemple, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, t'étais avec ta gothique, elle était enceinte? Non, c'était avant. À 20 ans, t'es tombée enceinte? Mais je me demande si elle n'est pas 19 ans, elle. T'es tombée enceinte à 19 ans, toi? Non, pas moi. Mais c'est pas moi qui suis tombée enceinte, mais voter Romano. On sonte. Mais je dis, il y a des messages de propagande dans les. J'ai des remontées de Bourgogne. Non, moi je pense aller, je dirais 30 ans. Oups. Écoutez, on vit de plus en plus longtemps, donc on peut les. Ouais, mais à un moment donné, les meufs, oui, mais les meufs, elles peuvent plus. Non, mais moi j'essaie de me rassurer. Pour toi, Nina, oui, c'est avant la ménopause, ça c'est sûr. L'âge idéal pour faire un gosse. Allez, vos messages 41 759 skyrock.fm et 01 53 40 30 20 si vous voulez témoigner. Si ça vous est déjà arrivé de faire un enfant très tôt, on avait eu déjà des auditeurs qui étaient tombés, enfin des auditrices qui étaient tombées enceintes, oui, à 15-16 ans, des auditeurs qui avaient mis leur meuf enceinte. Même avant d'ailleurs, je crois on a déjà eu des gars de 14 ans qui avaient mis leur meuf enceinte. Ouais, ça c'est un peu le stress. Ah bah voter Romano. Bah c'est peut-être tôt. Vous votez Cédric, bah, c'est Romano. Ouais. Oui. Nina, tiens, elle est avec nous. Allô Nina. Oui. Oui. Alors, on veut faire un bébé? Non, c'est vraiment, en fait, c'est que j'ai une sœur. Oui. Qui a juste 13 ans et elle est enceinte. Ah merde. Ah, elle a 13 ans. Ah ouais, tu nous avais pas dit dans ton message, dis donc. Effectivement, c'est très très jeune. Alors, quel est l'âge pour faire un bébé? Bon, 13 ans. Pas 13 ans. Chacun le fait quand il veut, mais c'est tôt. Hein. T'as 13 ans, c'est hyper tôt. Ah oui, 13 ans, c'est putain, t'as 13 ans. Bah, t'es même pas encore une femme, quoi. Elle veut. C'est qui? Bon, c'est, j'imagine que c'est un mec qui l'a mis enceinte, mais tu le connais, le gars? Tu sais qui c'est, non? Oui, c'est un mec, enfin. Attends, je le connais. Elle t'en a parlé qu'à toi, ou elle en a parlé à toute la famille, ou comment ça passe? Non, juste à moi. Ouais, le mec, il a quel âge, lui? 23. Ah oui? Hein? Le mec, c'est un pédo. C'est un pédophile, lui, oui. Ah oui, c'est un pédophile. Ah non, mais oui, Cédric, tiens. C'est dégueulasse. Ouais. Attends, 13 ans. T'as un témoignage encore? Tu veux dire un truc? Non, mais c'est vrai que. Expérience, peut-être. Mais et ce mec, tu le connais? Je l'ai vu 2-3 fois. Mais il sait qu'elle a 13 ans? Oui. C'est ça le problème. Monsieur l'arbitre, là, excusez-moi, je vais être obligé de protester très fort dans quelques minutes. Très bien, merci. Non, mais c'est vrai, Nina? Oui, oui. Bah oui, c'est vrai. Non, mais bon, tiens. Non, parce que c'est vrai que le mec, il a 23 ans. C'est tapé le mec 13 ans. J'espère que ça arrive pas tous les jours. Non, mais le mec, c'est un tordu. Ouais, ouais. Mais c'est son mec depuis longtemps? Depuis 3 ans. Enfin bon, on dit ça, c'est ce qui est arrivé à Céline Dion. Céline Dion, elle avait 13 ans quand elle est sortie et crenée. C'est son mec depuis 3 ans. Il a serré, elle avait 10 ans, mais il est parti devant la maternelle. Non, mais c'est vrai, cette histoire. Tu vois, dis fou, je suis pas seul à avoir un doute. Non, parce que dans ce cas-là, c'est la police qu'il faut appeler. Ça veut dire qu'il avait 20 ans et il sortait avec une meuf de 10. Donc le mec, faut qu'il se fasse soigner. Ou alors c'est ta sœur qui t'a menti. Non, non, en fait, pour repartir tout au début de l'histoire, en fait, c'est un ami. Enfin, les parents, c'est des amis à mes parents. Ouais, oui, non, mais peu importe. Le mec, ça reste un pédo. Oui, à partir du moment où le mec a 20 piges et sort avec une meuf de 10 ans, ça s'appelle la pédophilie. Bah, il sort, oui. Oui, quoi, je sais pas ce qu'il fait avec. Bah, j'espère pas grand chose pour elle. Bah, a priori, si elle est tombée enceinte, c'est. Ouais, non, mais ils ont peut-être pas commencé à 10 ans. Oui, j'espère aussi. Même à 13 ans. Après, Oui, oui, non, mais. Ouais, ouais. Non, non, mais bon, il faut en parler à tes parents, cette histoire. Enfin, j'en sais rien. Si t'as dit à ta sœur que t'en parlais pas à tes parents, c'est que t'es capable de gérer, t'es majeur. Donc, si t'es capable de gérer cette histoire pour ta sœur, sinon c'est vrai, c'est chaud. Hein. Non, mais de toute façon, tes parents, ils vont être mis au courant. À 13 ans, tu peux pas avorter sans les parents. Hein. Oui, et puis il faut qu'ils soient. Tu peux avoir un représentant légal, non? Non, mais bon, les parents. La sœur ou. Oui, non, mais bon, je pense que c'est assez le bordel. Il vaut peut-être rester dans un truc classique. Oui, tu as raison. Hein. Oui. Mais quand elle t'a raconté ça, ça t'a pas énervé? Ça t'a pas. Je sais pas, on me raconte ça sur une petite sœur. Je la croyais pas. Ouais, t'es. C'est comme nous, en fait, à réagir. Tu m'étonnes. Mais t'es sûr que c'est vrai, cette histoire? À moins qu'elle ait fait pisser, on va dire, une pote sur le truc. Non, mais qu'elle soit tombée enceinte, ok, mais qu'elle sortait avec un gars qui a 10 ans, enfin, qui avait 20 ans quand elle en avait 10, bah, pour qu'un mec de 20 ans sorte avec une fille de 10. Quoi, en même temps, 23-13, c'est pas mieux maintenant, hein. Oui. Ouais, enfin, oui. Pas mieux non plus, oui. Ah bah de toute façon au niveau au point de vue juridique le mec c'est pareil quoi, c'est la même chose, c'est qu'il est considéré comme un pédo, hein. Ah ouais, puis en détournement de mineur, elle amène pas la majorité sexuelle, tu sais, c'est Ah oui, il a fait la totale. Ah bah ouais, s'il l'a amené chez lui, le mec, ouais, c'est. Mais c'est qui ce type? Enfin, je sais pas son nom, hein, mais il fait quoi dans la vie? Mais c'est quoi, ouais, c'est le mec qui traqué. Oui, il y a quand même 2-3. Ah Nina. Nina. Allô, oui, c'est qui le gars là alors? Ben, c'est un ami de la famille, mais après, moi, je le connais pas plus que ça, parce que ce mec, je peux pas le blairer. Ouais, ouais. Il a toujours fait des histoires, des choses comme ça. Mais après, voilà, il a pas de travail, il a rien, enfin. Oui, enfin bon, il y a des gens qui ont pas de travail, qui se tapent pas des oui. meufs. Oui, non, mais ça veut rien dire. C'est que... Ouais, non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils cherchent toujours, des choses pour être avec des personnes qui peuvent, on va dire, entretenir. Non, mais attends, Il me demandait des sous, des choses comme ça, enfin. Oui, mais bon, moi, j'ai un ami qui demande des sous régulièrement, c'est pas pour autant qu'il est pédophile, hein. Non, mais toi, t'as 21 ans, il est très, par contre, merci. Il est très, je vais quand même le préciser, il est très radin. Ah, très. Ouais. Toi, t'as 21 ans, lui, 23, pourquoi tu vas pas le voir? Moi, j'irai direct le voir, hein, le mec. Non, moi je crois que j'irai voir les keufs, moi, si ça, enfin, je vous le dis, c'est haut. Oh, ah ouais, je pense que j'ai une réaction violente au début, moi. Non, faut pas avoir de réaction violente, faut rester calme, zen comme moi. T'imagines, t'arrives là? Zen comme moi. Oui, un gros zen. Merci Romano. Ouais, pète de zen. Non, mais moi je serais comme D-Fool, parce que là c'est plus genre ouais, elle a 15, 16 ans, le mec a 23 ans. Là c'est que elle a 13 ans, tu vois, elle est enceinte par un mec qui a 23 piges, le mec c'est pas trop d'où il vient. Bon, c'est un ami de la famille. Écoute, a priori peut-être, oui. Mauvaise relation. Mais elle est dans quel état ta sœur Nina, parce que franchement on s'occupait d'elle là. Pour elle, elle est contente, elle arrive pas à comprendre que c'est pas normal. Et le mec, elle t'a dit ce que le mec, lui, il en pensait ? Qu'il voulait à tout prix qu'elle garde. Ah ouais. Mais pourquoi ouais. Mais, ouais, mais le mec, elle, enfin, chelou, quoi. Elle est contente, on va dire, mais je lui ai parlé toute la journée. Bon, à la fin de la journée, elle a compris que c'était pas réellement normal et du coup, elle veut pas le garder. Sauf que le mec la force un petit peu à la garder. Non mais bon, il faut bon. Non mais déjà parle lui au mec, déjà première chose, t'en parles aux parents et puis oui, les flics, pourquoi pas ? Ouais, parce que après, c'est quand même Zarbi, hein. Sur les âges qu'on nous a laissés, je regardais les messages qui défilent depuis tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de 13 ans pour devenir maman, hein. Ouais, ça, Tu vois, tu posais la question à quel âge il faut être papa ou maman, 29 ans pour un homme. Non, mais surtout, l'histoire, elle est glauque. C'est que, Amit, elle aurait fait ça avec un mec, De 14 ans, voilà. Ça peut arriver à un accident. Là, le truc glauque, c'est que le mec, il a 23 piges. Non, mais le truc glauque, c'est que tu dis qu'il sortait déjà avec elle quand elle en avait 10. C'est qu'il a, vraiment. Mais il n'y a jamais personne qui était au courant qu'ils sortaient ensemble. Parce que, j'imagine, ils se voient par moment, comment ça se passe. Parce que, lui a 23 ans, j'imagine que le samedi soir il a envie de sortir, ta sœur a 13 ans. Oui, elle sort. J'imagine pas, que tes parents lui disent pas ouais, demain matin on va en boîte. Ça se passe comment leur relation, ils se voient quand Après ils se voient pendant les mercredis après-midi où elle a pas cours. Après ils se voient pas plus que ça. Enfin, moi je suis pas au courant de plus de choses, parce que du coup je l'ai bien engueulée, elle peut pas me dire plus de choses. Bah après, vois aussi avec ta sœur si cette histoire est vraie, parce que quand même 3 ans de relation. Sans que personne se rende compte de rien. Ouais. Lui, il vient voir une meuf, mais qui a 10 ans, tous les mercredis après-midi, et puis personne se rend compte. Non, mais peut-être vois, que, donc, vérifie quand même l'histoire, j'en sais rien, tu vois, je sais pas ce qu'elle veut te faire passer comme message, ta sœur. Et si elle a vécu ça, c'est terrible, faut l'aider. Et si elle a pas vécu ça, c'est qu'elle va pas bien, c'est de raconter un truc comme ça, Faut que tu lui dises, dis-moi la vérité, je suis ta sœur, je suis avec toi, je vais t'aider, mais je veux la vérité. Et quoi. Comme nous dit Cédric Caca, le mec, il est malade, il faudrait qu'il se fasse soigner, Lui aussi, Le mec, il a des soucis. Bah oui. Ah, si c'est ça, oui. Non, mais surtout, à 10 ans, cet alcool, il est pas fini, quoi. Ça fait, t'es un enfant, à 10 ans. Ouais, t'es un enfant, à 10 ans. Ouais, à 10 ans, elle a vraiment un corps d'enfant, quoi. Je sais pas, elle fait plus vieille que son âge. Bah, on va dire 16 ans, mais pas plus. Hein. Oui. Oui, aujourd'hui. Ouais, mais bon. Il y a 3 ans, elle faisait 13 ans. Mais après, à 13 ans, tu peux être formé, mais 10 ans. 10 ans, t'es un enfant, Ouais. Bon, en tout cas, si. Je sais pas si vous avez d'autres conseils à donner, parce que là, on t'a donné les conseils qu'on pensait les plus. Judicieux. Je sais pas si on a oublié des trucs, vous nous laissez vos messages, dénoncez aux flics pour Yann. C'est dégueulasse ce qu'il a fait, le gars. Il a 20 ans, c'est pas un gamin. Il doit se rendre compte qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Bah oui, si, logiquement. Il faudrait rappeler Mélie. Mélie, elle a 24 ans. C'est arrivé à ma sœur. On a appris que c'était un taré. Les flics sont intervenus. 2 semaines après, il sortait avec une fille de 12 ans. Ah oui, donc. Arrêter. Hein, d'ailleurs. Ouais, mais on sait pas. Hein. Peut-être que le mec, si l'histoire est vraie, on sait pas ce que le mec fait à côté. Tiens, je suis enceinte de 3 mois. C'est mon premier enfant. T'as quel âge? 23 ans, là. Non, oui, donc 13 ans, on est d'accord. C'est tôt pour un enfant. C'est clair. Ah ouais. Il y a un téléphone, là. Oui, le téléphone sonne. C'est peut-être un appel pour moi pour le clash, non? Non, c'est fini, Romain. On appelle retardataire. Non, c'est fini. Donc, Nina, prends bien soin de ta sœur, en tout cas. Je sais pas ce qu'on peut te dire d'autre. Reste à l'écoute, on aura peut-être d'autres conseils d'ici minuit. On essaye d'appeler Mélie, là. Parce que Mélie, Avec elle en ligne, Rosa. Bon, Mélie, elle va nous raconter. C'est exactement la même histoire. Bon, bah écoute, tu restes là. Vérifie quand même que ta sœur, elle mitonne pas. C'est le message de Thomas, là, sur SMS. Et même, je vous disais, si elle mitonne, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Ouais, c'est clair. Alors, pour aller sortir des mythos comme ça. Pour mitonner un truc comme ça. Après, t'es vraiment sûr qu'elle est enceinte? Moi, on a montré le test de grossesse, il y a le bonhomme qui sourit. Après, à qui il est exactement. Ah ouais, c'est vrai que j'allais dire, bah, si elle t'a monté le test de grossesse, mais elle aurait pu prendre le test de grossesse de quelqu'un d'autre. Bon, enfin bon, on va y revenir. Tu restes avec nous, bouge pas. Et ouais, parce que bon, après, faut pas traîner non plus. Hein, si elle veut pas le garder, l'avortement, c'est pas jusqu'à 9 mois. Hein. Tiens, on a Mélie qui est au téléphone avec nous. Tiens. On la prend tout de suite, Nina, comme ça on s'occupe de toi jusqu'au bout. Là. T'es là, Mélie? Oui, je suis là. Amélie. Ah, mais non, c'est Mélie. T'es là, Mélie. Donc toi, t'as 21 ans et t'es à Nîmes et tu réagissais par rapport à ce que nous disait Nina. 24. 24 ans, pardon. Oui, parce que ma sœur, c'est arrivé à ma sœur quand elle avait 12 ans. On a appris qu'elle sortait avec un gars qui avait 22 ans. Mais elle était amoureuse de ce gars, elle? Bah, elle, oui. Elle disait que oui. Oui, oui. Non, mais sans doute, elle devait avoir des sentiments pour lui aussi. Elle était amoureuse, comment? Ou elle avait l'impression d'eux, ouais. Oui, voilà, elle avait plutôt l'impression d'eux. Et moi, c'était un gars qui était plus âgé que moi à cette époque-là. J'étais au collège avec lui. Je savais que très bien qu'il n'était pas spécialement normal. Ah ouais, donc c'était connu qu'il aimait les filles jeunes? Non, moi, je ne connaissais pas ça de lui, mais je savais qu'il n'était pas... Oui, enfin bon, c'était un mec un petit peu bizarre au bahut, ça, oui. Oui, il avait un petit pète au casque. Voilà. Donc on l'a chopé avec des amis à moi, on a discuté et tout ça. Donc, quand on a vu qu'on pouvait rien faire entendre ni à l'un ni à l'autre, on a prévenu ma mère. Mais sauf que après, c'est parti loin parce que ma sœur a pris peur en disant qu'on allait prévenir les flics et tout ça. Ma sœur a pris peur, elle l'a largué. Donc elle voulait protéger le gars en fait. Voilà, et sauf que lui, il est venu la chercher en disant qu'il avait une autorisation de ma mère et tout le tralala au collège. Et heureusement, le collège a bien réagi en appelant la gendarmerie. Ah oui, bah tu m'étonnes. Mais sinon, il voulait faire quoi? Il voulait l'enlever Ben, il a dit qu'il voulait pas lui faire de mal, qu'il voulait juste lui parler parce qu'il supportait pas la séparation. Mais enfin, il avait 22 ans. En fait, le mec se rendait pas compte qu'en ayant 22 ans et sortant avec elle qui en avait 12, il lui faisait déjà du mal, quoi. Ouais, mais lui, a priori, c'était un mec un peu un ouf. Il était pas bien, oui. Ouais. Oui, parce que juste avant, il sortait avec une copine de ma sœur qui avait certainement le même âge que ma sœur. Oh. Ouais, donc oui, il avait des problèmes, oui. Voilà, bon, après, la gendarmerie a tassé la chose, mais juste après, il sortait avec une autre gamine de 13 ans, donc... Donc lui, il était vraiment malade. Soigné, quoi. Et il a été arrêté Non. Il n'a pas été arrêté? Pourquoi? Non. Aucune idée. Mais vous avez porté plainte ou pas? Je crois pas que ma mère a voulu tasser l'histoire, faire comprendre à ma sœur que c'était... Voilà. Ouais, elle a peut-être pas fait. Pas l'embêter. Ouais, elle voulait pas encore la confronter à la justice, parce que là, il aurait fallu qu'elle témoigne et tout. C'était compliqué. Ça peut se comprendre. C'était après. Plus pour lui faire comprendre que c'était pas normal et qu'il fallait arrêter. Après, c'est vrai que bon. Pour les autres, c'est vont passer derrière. C'est vrai qu'en plus, a priori, le mec continue. Donc, Mais elle a fini par comprendre, ta sœur, que c'était pas bon pour elle et tout ça, avec le temps. Oui, oui. Oui. Après, elle a fini par. Ça a été un bon coup de pied au cul. Elle a quel âge, ta sœur? Maintenant, elle en a 20. D'accord. Ah oui. Et ça lui a laissé entre guillemets des séquelles par rapport au mec, par rapport à sa vie sentimentale, ou ça l'a traumatisé, ou comment elle a réagi? Elle a appris à faire attention et elle a appris à faire la différence entre le bien et le mal entre guillemets. Ouais, se méfie un peu. Donc aujourd'hui ça va. Non, bah ça peut laisser aujourd'hui, des séquelles, genre de truc. Ah bah ça peut être traumatisant. Bien sûr. Et encore heureusement, le bahut, ils ont eu le bon réflexe, tu vois, d'appeler direct les keufs, parce que ça aurait, on sait pas comment ça aurait pu se terminer. Oui, parce quoi. Qu'ils ont appelé la gendarmerie et ma mère tout de suite dans la foulée. C'est le genre de truc qui se termine par une alerte enlèvement, ce genre de choses. Ah bah ouais, non mais c'est clair. C'est le début d'une histoire où on entend une alerte enlèvement enfin partout. Hein. Ouais, ils ont vraiment bien fait le boulot au bahut. Et tu conseilles parce que ma sœur l'aurait suivi. Hein. Ah ouais, parce qu'elle était vraiment amoureuse. Bah elle avait peur, elle voulait pas que ma mère le sache, et puis du coup elle aurait suivi pour essayer de discuter avec lui, parce qu'elle disait il voulait juste parler. Ouais, d'accord. Elle était un peu sous l'emprise de ce mec, au final. Mais ils ont jamais fait l'amour, ils ont jamais fait l'amour. Ben, si. Si, en plus. Ça, par contre, ma mère ne sait pas. D'accord. Ouais. Et si elle avait su, tu penses qu'elle aurait porté plainte? Je pense que ça aurait pu, oui, je pense quand même. Son bébé de 12 ans, ouais. Et tu conseillerais quoi, toi, Nina, à qui il arrive à peu près la même chose, quoi? Bah de mettre les pieds dans le plat tout de suite, soit prévenir les parents, si ça suffit pas, d'appeler la gendarmerie, au moins. Non, mais je pense qu'il faut prévenir. Vraiment, Nina, ta sœur, elle te fait confiance, elle t'a parlé à toi, t'es majeure, donc essaye de gérer l'histoire, mais je pense qu'aussi, il faut prévenir les parents. Non, mais tu le dis à ta sœur. Non, mais là, c'est trop grave. Et puis la gendarmerie. Tu lui expliques que le mec, tu sais pas, pour un peu, c'est un vrai ouf, tu vois. Non, mais tu dis à ta sœur avant, tu dis voilà, je t'aime, je veux te protéger, tu vas peut-être me détester, mais. Mais on va en parler à papa. Voilà. C'est ce que, comme dit la Marie, c'est ce que j'ai fait avec ma sœur. Je dis, toi, peut-être que tu aimes cet homme-là, mais c'est pas normal à 22 ans d'aimer une enfant de 12 ans. Ah oui, ça, c'est pas normal, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Donc, oui. Bah écoute, merci du conseil. Voilà, Nina. Donc, donne-nous des nouvelles, vraiment. Rappelle-nous, ou on te rappelle. Nous, on a ton numéro, on te passe un coup de fil. Mais oui. gère-le rapidement, là. Il habite loin de chez toi, ce gars? Bah, il habite, comment ça s'appelle? Non, mais je veux pas la ville. Loin. Non. Ah, il est pas loin. Non, mais bon, raison de plus, mais voilà. T'as les conseils de Milly qui a vécu la même chose. À la limite, on peut vous mettre en contact toutes les deux, les filles, si t'as envie d'être un petit peu aidé et pas être tout seul. Et puis merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Vous dites tous la même chose. Parlez aux parents, envoyez-le en prison. Enfin, c'est pas à nous d'envoyer aux prisons, c'est les juges après qui s'en occupent. Mais voilà, tous les messages que vous laissez depuis tout à l'heure, prévenir les parents. Ouais, enfin, prendre le truc en main. Prendre le truc en main, s'occuper de ta sœur. Ça fait flipper quand même. Ben, merci en tout cas, Mélie, du coup de fil. Mais de rien. C'est cool d'avoir appelé. Merci, salut tout le monde, Anime. Oui. Je regardais, vous avez de la chance à Nîmes, il faisait encore quoi, 32 degrés aujourd'hui? Oh, putain. Oui. Ça y est, soleil, c'est ouais, pas j'ai vu. C'est ça. Bon, très bien. Bah, profite bien, on t'embrasse. Nina, on te reprend. Nina, raccroche pas, on te reprend tout de suite, on va te reprendre en ligne là tout de suite. T'as plein de messages de soutien. Et merci pour vos messages. Quitte pas, Nina. Oui. Et bon courage à toi et puis à ta petite sœur aussi. Ouais. Bon, dans un instant, on va retrouver Antoine. Je vous parle d'Antoine depuis tout à l'heure. Il a des passions, Antoine. Il va nous en parler dans un instant. Je vous donne les résultats du clash de la drague. Ah. Alors, tu me disais que tu avais quand même des doutes sur les. Non, mais j'avais pas de doutes. Non, mais tu avais des doutes sur les compétences de. Viens voir Romain, il sort. Il est reparti. Romain des réseaux sociaux. Parce que Romain des réseaux sociaux va nous donner une petite feuille. Alors, clash de la drague. Non, mais attends, il va falloir à un moment donné arrêter écrit, le cinéma. Juste écrit, c'est juste en dessous, c'est écrit ancien score, c'est-à-dire le score de lundi. Ancien score. Romano, 55%. Cédric, 55%. Mais c'est impossible. Mais t'es con. Eh, toi, tu sais pas compter. Non, attends, j'ai fait des copier-coller, en fait, je me suis trompé. Ouais, ça fait 110. Déjà, voilà. Déjà, ça tient la route. Copier-coller pour faire les comptes. Et t'as vu, il a eu peur de tes bras musclés, il a reculé quand t'as essayé de la battre. Une patate. Bon, les résultats du clash, résultats officiels, ça arrive dans un instant, préparez-vous. Antoine avec nous, ils sont deux. Qu'est-ce que je vous avais promis? Major Lazer, ah oui, le nouveau, il s'appelle Boom. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Trois semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les quatre stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. Rihanna, l'anti-world tour, avec Big Sean en première partie, c'est 400 places. Rihanna, 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Exclusive. Et Rihanna, c'est parti, merci. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Et c'est reparti sur Skyrock. Attention, le voici, le voilà. Vous l'attendez, le nouveau Major Lazer. Mais oui, Marie. La bouche pleine, quoi. Et bon appétit, vous. Non, je vous parlais hier du double fiche, j'adore. Ah, c'est bon. 21h, minuit. Radio libre sur Skyrock. Ouais, je suis en train de tester le double fiche chez McDonald's, alors. Et en plus, c'est pas de la pub, ils ont pas payé, hein, pour rentrer dans l'émission. Hein. Vraiment par plaisir. Hein. Allez, nouveau Major Lazer, j'adore aussi. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at the playoffs. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons will be up there, need a problem. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckers dead. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash it. We'll compose and pass it. party rider. Break a cup, she a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take a roadside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club, me introduce them to each other. Other, other, man a girl is, I'm in stanza forever. Sur Skyrock. Mais oui, j'ai les résultats du clash de la drague à vous donner. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Hein, ah ouais, ça fait plaisir. Je vais faire un petit big up à Simon là qui nous a envoyé un message. Big up, Simon, bon courage à toi. Et puis bah merci à Liverpool FC, tous les messages que vous nous avez laissés pour la petite sœur de Nina là. Et donc on vous tiendra au courant. En tout cas, si si Nina a envie, si sa petite sœur a envie. On vous tiendra au courant de la suite des de la suite de Il y a même eu un gendarme qui disait de porter plainte. Oui oui, bah, ce que vous disiez en gros, c'est porter plainte. C'est pour la petite sœur de Nina qui a 12 ans et 13 ans. 13 ans. Qui sort avec un mec de 23 et qui apparemment est enceinte. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup, hein. Et il paraît que ça dure depuis 3 ans en plus, cette histoire. Donc on, c'est glauque un peu. On vous tiendra au courant. En tout cas, vous pouvez nous appeler pour tout, hein, si on peut vous filer des conseils. On espère qu'ils sont bons, en tout cas. Et puis on remercie Mélie qui nous a conseillé. Donc je le disais, vous tous pour tous les messages. GG le Nantais, il y a Ben aussi, Ferrari du, la Ferrari du garage aussi qui nous disait. Salut la Ferrari du garage. Et tout, tous les autres et toutes les autres. Bon, j'ai le résultat de notre clash et puis on a Antoine qui est en direct avec nous. Là, Antoine. Ouais, je suis là. Merci d'avoir attendu, Antoine. Ouais. Eh oui, t'attends depuis un petit moment. On a voulu prendre Nina là, juste avant toi là. Donc t'as 18 ans et t'es dans le 51, toi. C'est ça. Très bien. Tu veux nous parler de tes passions parce que tout à l'heure, on a eu avec nous Henri qui a un problème qui était bègue, enfin qui est bègue, et qui se disait je suis bègue parce que je suis enfermé sur moi-même à cause des jeux vidéo, je suis addict. Ouais, ouais, vous voyez personne. Ouais. Donc on a parlé des passions rapidement. Cédric nous a parlé de sa passion pour les pots d'échappement. Je ne sais pas pourquoi. Pour les voitures. On l'impôt de les mettre dans le huc. Ah, d'accord. Ah, tu vois, les belles voitures. Romano, tu nous as parlé un petit peu rapidement, hein, comme ça, de ta passion de l'argent. Ah ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Il bouffe. Des frites. Des frites, bonnes frites. Que je suis en train de tailler des frites, que vous en voulez d'autres? Non, allez madame, merci. Bon appétit. Non, on a fait un petit tour au McDo, on avait faim là, donc on fait un peu comme vous, on vit hein, le soir. On écoute et l'émission, on fait l'émission et on vit. J'ai jamais vu un mec qui bouffait un burger. Toi, dis full, mais tu bouffes en deux fois quoi. Bah, on a trois minutes de son. Non, mais c'est que je le mange en trois minutes. Bon, d'abord, c'était pas un burger, c'était un double fish que j'adore, c'est super exact. Ça. Vraiment, au McDo, vous avez fait un truc super, le double fish. Faut pas l'arrêter, hein, parce que parfois, parfois ils font des trucs bons et ils l'arrêtent après. T'as goûté Romano le double fish? Ouais, bien. Ah, il est dedans, ouais. Bon appétit. Alors, merci bien. De rien. On a été où? Ouais, Antoine, tu vas nous parler de ta passion, mais avant, je donne les résultats du clash. Je remercie d'ailleurs Callaghan et Bruno qui sont venus soutenir Callaghan Romano et Bruno Cédric. Merci à tous les deux. Ouais. Vous voulez les résultats? Merci, les gars. Bah, allez, pas. Mais je vais vous les donner, ça va être comme ça, les gars. Je vous donne les résultats du clash de la drague. Eh bien, ce soir, un clash serré, vous vous y attendez. 54 pour le gagnant. Ah. 46 pour le perdant, donc pas d'égalité comme lundi. Après l'égalité de lundi, voici les résultats. Alors. Oh là là. Cédric fait 54% des voix. Putain, j'aimerais bien. 46% des voix. Ça dépend. Ah. Alors vas-y. Tout dépend si tu gagnes ou si tu perds. Romano, t'aimerais faire combien? Pourquoi t'as envie de vomir? C'est le stress. Parce qu'il a trop de pression. Non, parce que j'ai mangé trop vite en fait. Et d'ailleurs, je pense à tous ceux qui attendent des résultats de leurs examens. Ils doivent être dans le même état que Romano. Ouais, quand les résultats arrivent, ça fait comme ça. T'aimerais faire combien, Cédric? Ah, bah moi, 54. Et Romano? Bah, moi aussi. Eh bien, il y en a un des deux qui, je vous l'annonce, va être heureux de faire 54% des voix. Le gagnant du clash est... Alors Romano. Allez. Ou Cédric. Oh, je vais vomir. Ah, je vais faire durer un peu. Cédric, peut-être avec 54%. Allez, vas-y, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Faut que j'arrête de boire. Les résultats donnent la victoire à Cédric ou Romano. Ah, putain, allez, vas-y. Bon, ouais, je vais vous faire chier. Les résultats, les voici. Cédric. Ouais. Tu 46. Fais 50. Putain. 4 ou 46? Ah putain, vas-y, à quoi? Allez, 46 pour Romano ou pour Cédric. Putain. Ouais, je vais vraiment dire. Comment ça m'énerve? Je suis assez casse-couille, là, ça va. Je vais me dégueuler dessus. Ah, j'ai vu. Les résultats, les voici. Romano, 54%. Cédric, 46% ou... Bon, Romano, 54%. Ah, c'est victoire de Romano ce soir. C'est même pas mérité. Ah, vous avez fait un serrage tous les deux. À la limite, il a galéré, c'est clair. Ah, mais putain, il y a eu un serrage tous les deux. Non, mais en plus, je suis bien content de t'avoir baisé parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est enculé. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi tu parles mal? C'est que il y a eu des snaps de fait. D'ailleurs, je il est beau sur le snap. Je comprends que t'es perdu d'ailleurs. C'est trois boutons. C'est quoi les snaps? Non, mais c'est votez pas pour le chauve, votez Cédric. Sur le snap de Skyrock, bien sûr. Bah attends, sur le snap de Skyrock, bien sûr, sur snap de Skyrock. Votez tous Cédric au clash de la drague. Après, il y a une espèce de pancarte qui vient de je sais pas d'où, qui est moche comme la bête d'ailleurs. Tu n'as vraiment aucun goût, mon pauvre. Non, mais c'est pas une pancarte, imbécile, c'est quand t'écris sur Snap. En tout cas, moi j'aurais préféré que Cédric gagne, je vous le dis, en tant qu'arbitre objectif moi aussi, ce soir. Bah, pourquoi? Parce que j'ai vu une photo de vautour avec mon nez à côté, ça m'a énervé. On m'a appris que c'est toi qui l'avais posté, Romano. Ouais, ouais, c'est moi qui l'ai posté. Ouais. Et il y a des réactions là-dessus ou pas? Regarde, j'imagine. Il y en a plein, sur Insta. Je crois que c'est la photo de la soirée. Vas-y, montre-moi, difool.skyrock.com, on m'a dit. Ah ouais, attends. Superbe. Elle y est sur l'Insta aussi. Elle y est sur default.skyrock.com. T'aimes bien voir. Non mais tu vois par exemple moi j'ai sur l'Instagram, sur le mien d'Instagram. Ouais. Putain, Miss Margot, putain la ressemblance. Lucas 53, c'est pas faux. Bah tu sais Princess, que sur la MDR, les FDP. Il y a zéro like pour ton truc, Romano. Yanis Manus Sosie. Bah moi je m'en fous sur Romano de Skyrock, c'est mon Instagram, bah il y a plein de réactions. T'es mal le mec qui fait 10 mètres. Qui c'est qui envoie ça, t'es mal le mec qui fait 10 mètres? Kamouaï du 78. Mort de rire, mort de rire le même nez, nous dit Lise. Et mort de rire, c'est le même, nous dit l'aigle noir 36. L'aigle noir. Ouais, même les animaux. Même les animaux nous écoutent. Donc ouais Cédric, écoute, je te souhaite bonne chance pour vendredi. Une bille. Merci monsieur l'arbitre. Flagrante. Non, mais pourquoi moi j'ai pas le droit de faire des snaps de propagande? Bah, t'as qu'à en faire. Bah, t'as qu'à le faire, imbécile. J'ai pas les accès, moi. Et quand c'est toi qui fais de la propagande sur le. Sur le. Comment ça s'appelle ce truc? Voilà, très bien. Allez, on va passer à la suite de l'émission. Bravo, Cédric. C'est un truc qui s'appelle Periscope ou Facebook Live. Facebook Live ou Periscope quand tu fais de la propagande. Non, alors là, tiens, alors je te fais fermer ta gueule, tu ne veux pas te faire filmer. Bah, à chaque fois, tu me filmes là pour rien. Bah si, c'est pour faire de la propagande pour toi. Bah non, mais il me filme quand j'ai des stars, des trucs, des machins. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous les votes que vous avez laissés. En tout cas, merci à toute la team Romano, on l'a bien baisé et c'est bien mérité. Merci à vous tous et à vous toutes aussi, les filles, les gars. Et vendredi, prochain clash de la drague, un match nul lundi. Une victoire pour Romano aujourd'hui, que va-t-il se passer vendredi? Ah ben une victoire pour moi vendredi, ça serait logique. Bah bravo, t'es content Bruno? C'est la logique. Bruno? Bruno, oui. Bruno, il est content. Ça pique un peu, non, mais, la nuit, tombé. Non, mais, ça bon, pique Romano, un peu le fion. Romano, il y a Jules du 02 qui me fait chier en SMS. Il fait bon là, vas-y, Romano et Calagan, c'est les meilleurs. Il arrête pas de vous quitter la bite depuis tout à l'heure. Jules est content, ça fait plaisir. Suceur, bon, Calagan, t'es content aussi. Merci de ta méthode, Calagan. Ouais, je suis pas surpris. Ouais. Romano est le meilleur comme tous les soirs. Ça va la branlette. Moi, Calagan, t'as vu ce qu'on on l'a bien baisé. L'autre, il croyait trop, l'autre en plus. Et la team est modeste. Méritez mieux. Bon, bah, vous revenez quand vous voulez. Tu nous as fait mal à la tête, gros, à pleurer tout le temps. Bisous, les deux. Salut, Calagan. Salut, Bruno. Ciao, les gars. Ciao. Allez, vos passions. C'est quoi ta passion, Calagan, toi? Le foot, la bite. Le sport, la musique, le cinéma. La bière. Enculé Cédric au clash. Voilà. Et toi, Bruno, c'est quoi ta passion? C'est pas tous les jours, en ça, fait, mon pote. Hein. J'en ai plusieurs des passions, en fait. C'est quoi ta passion, toi? En fait, moi, c'est l'argent, les jeux vidéo, la Marie et Cédric. Oh, mais quelle belle brochette. Ah, putain, la tristesse de ta vie, quoi. À part l'argent, Romano, il comprend pas. C'est cool, Bruno. Ouais. Bah, merci à toi. Raccroche pas, Bruno. Merci, ciao. Ciao, mon Bruno. Ciao. Bon, Antoine. Alors, la passion d'Antoine. Deux passions un peu originales. Oui. Alors, il y en a une qui a un rapport avec Romano, on peut le dire. C'est ça. Alors, pourquoi c'est quoi la coiffure? La coiffure, bien sûr. Non. Le gel. Le gel aussi. Non. Le bricolage. Non plus. Un truc plus ancré en toi, plus ancien, tu vois. Ouais, plus ancien. La masturbation. Ça, c'est bien ancré en lui, non? Tu aimes pas comme passion de te masturber, Antoine? Si, j'aime bien, mais Ça fait du bien aux zizi. Ah, hein. Tu kiffes te mettre des doigts dans le cul. J'adore. Non. J'adore. Alors, moi, j'aime bien, moi. C'est une passion pour toi? Oui, c'est une passion. Non, les doigts dans le cul, c'est pas une passion, c'est plus un kiff, quoi. Te juter dessus. Oh, Marie. Bah, je sais pas, il adore ça. C'est vrai, t'adores ça. Ouais? Ouais, j'aime bien. Bah, ouais, quand je me branle, je me jute sur le ventre, ouais. Si tu remplis un curriculum vitae, un jour, tu le mettras en passion. Bah, évidemment, ouais. Loisir. Se jute sur le ventre. L'éjaculation sur mon ventre. Oh, les canapés. Ah, ouais, les canapés. Non. Merde, c'est pas ça. Alors, une passion. Tiens, vous pouvez jouer avec nous si vous trouvez la passion de Romano. Je vous offre un cadeau. Allez. On a dit gommer les murs. C'est d'Antoine, hein, c'est pas la mienne. Oui, et de passion de ex. Mais c'est une passion. Ah, c'est une ex-passion. Oui, non. Oui, c'est une ex-passion de toi. La branlette. Non, il se branle toujours. Les pornos. T'en regardes de temps à autre. Il gomme les murs. Non, ça je le fais toujours. Ça fait toujours. Aujourd'hui, j'ai lavé les mes cimetières quand tu sortais avec la gothique, nous dit Morgane. T'as lavé quoi aujourd'hui? J'ai lavé mes interrupteurs. C'est bien ça. Ah, c'est bien, c'est ça l'interrupteur. Une fois par semaine, je le fais, moi. Ouais, moi aussi. Tu laves les poignées de porte aussi? Ouais, moi aussi. Une fois par semaine. Ah, parce que j'ai les mains dégueulasses. Ouais. Non, mais c'est les gens qui ont les mains dégueulasses. Donc quand ils viennent chez moi. Et tu fais avec des lingettes? Ah, bah, ça avec des lingettes, j'ai fait. Ouais, moi aussi, comme ça, c'est plus pratique, t'as pas à laver et tout derrière. Ouais, c'est sympa, bien. Votre vie. Bah, écoute, ouais, l'hygiène, c'est un peu loin de toi, Cédric, c'est vrai. Mais tu ferais bien de le faire. Pas toutes les semaines, Vous savez ce qui revient le plus depuis tout à l'heure? La gothique. Djouba, les gothiques. Ah, okay. Vincent de Saint-Malo, passion gothique. Jérém du 69, passion gothique. Si Antoine, c'est ça, on n'aura pas le temps de te prendre ce soir, là. Est-ce que tu es passionné par les gothiques? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, un autre truc qui revient beaucoup aussi. Simon, 19 ans, il nous dit ça. Valou aussi, 22 ans, elle nous fait le bruit d'aspirateur. L'aspirateur pour Simon. Le bruit de l'aspirateur pour Guigui. Les aspirateurs pour le représentant du Bled, 16 ans. Kiffe, hein. Une expression, te brosser les cheveux. Ah, t'es vraiment une grosse pute, Marie. Eh, super, Marie. Permets-moi, t'as un peu de vulgarité, mais t'es vraiment une grosse pute. Ouais, bon, non, mais les filles qui ont la peau qui pue. Comme passion. Ah. C'est vrai que t'as eu ça aussi. Non. Le camping. Le camping. Non plus. Non. Un indice. Vas-y. Romano en a fait à l'école militaire. Des scrims. Tu vas trouver. Ah, de la musique. Ah, la fanfare, de la trompette. Ouais. Voilà, et trompette. Ah ouais. Bonne réponse de Romano, aidé par Cédric le Belge. Oui. Quelle belle entente après un clash, ça me fait plaisir. Ah ouais. Bravo, bravo. En effet, tu es passionné par la trompette. Ouais. Voilà. Et pareil, c'est balèze à faire ça en plus. Ouais, pareil, ouais. Est-ce que c'est balèze? Un peu, ouais, mais une fois que tu connais, que t'as appris. Non, mais les c'est bases, comme tout, ouais, quand t'as les bases, après, c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Tu joues dans une fanfare? Exact, oui. Ah, oui, bah, oui. Arrête comme Romano. Non, mais moi j'ai arrêté, moi. Oui, je sais, mais à l'époque. Ça me dérangerait pas de jouer dans une fanfare. Pourquoi t'as arrêté? Bah, parce qu'en fait, moi c'était la fanfare, vu que c'était un truc militaire, tu sais, il y avait une fanfare dans le bahut, quoi. Ouais. Bah, pourquoi t'y es pas resté après? Bah non, mais quand tu te barrais du bahut, tu te barrais de la fanfare. Mais il y a bien un chef à la fanfare. Pourquoi t'es pas devenu chef de la fanfare, chef des fanfares? Bah j'aurais été chef de la fanfare, j'aurais pas été là du coup parce que j'aurais été payé là-bas. Mais moins bien qu'ici, donc je suis venu ici. Ah, Skyrock, évidemment. Si vous voulez faire fortune, venez bosser à Skyrock. Je me souviens du CD où t'es. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc la trompette, mais t'es passionné depuis quel âge? C'est bien d'être passionné par la musique, Antoine. Ça fait 12 ans que je fais de la trompette. Non, mais genre dans ta fanfare, vous jouez des trucs modernes ou c'est que des trucs à l'ancienne? C'est maintenant, il y a des ouais, parce que maintenant, ils jouent des trucs modernes, hein. Il y a des trucs. Genre, il y avait des vidéos sur le net, c'est les fanfares américaines, genre elles font LMFAO, tu sais, elles font tout, genre les titres de rap, ils les font à la trompette, mais c'est vachement bien fait, hein. Moi, je trouve que c'est un peu claqué, la trompette, non? Bah, dans plein. Non, c'est bien. Dans plein de morceaux de rap. Ouais, dis pas ça, Antoine. Tu sais, dans plein de morceaux de rap, il y a de la trompette, hein. Non, mais tu connais un trompettiste? Hein? Tu connais un mec qui fait de la. Romano de Bourgogne. Le prince du hip-hop est trompettiste. Non mais il y a pas, je sais pas, si il doit y avoir, c'est dans les jazzman et tout, il doit y avoir des mecs connus que nous on connaît pas, mais. Ouais. Balèze la trompette, ça te fait. Ah ouais, ça te fait travailler les joues. Après t'as les joues musclées, nous dit Kim sur SMS. Ah putain, une bonne inspiration. Ah si, il y avait Louis Armstrong. Oui. Il joue de la trompette. C'est celui qui est monté sur la lune, ça. Ouais. Non, c'est pas celui. C'est lui qui a gagné le Tour de France. Voilà, c'est lui. Ouais. Le mec en fait, il gagne sur la lune. Ouais, il a fait. C'est un trompettiste, cycliste. Après il est monté sur la lune et après il s'est dit tiens, je vais faire un peu le Tour de France en me dopant. Donc, passion trompette. Et tu as une deuxième passion dans la vie? Oui, une deuxième passion. Alors, deuxième passion de la vie, il y a un auditeur qui était venu nous voir. Ah, la magie. Non. et qui avait cette passion-là. Mais l'auditeur était lillois. Toi, tu dis 51. Ah, tu collectionnes les autographes. Bonne réponse, Romano. Belle mémoire. Bravo, bravo. Ouais, c'était bravo. David qu'on avait eu. Ouais. Lui, non, lui, il collectionnait les selfies aussi. Ouais, il en avait plein. Hein. Et donc, tu collectionnes les autographes. Il a fait des nouveaux, là. Il a fait Niska et tout. Toi, t'as pas, ouais, il a fait Niska et tout. Et toi, t'as doué pas les photos, pas les selfies, juste les autographes? Non, j'ai pas l'occasion d'en rencontrer. Et t'as, c'est quoi les plus beaux autographes que t'es? Qu'est-ce que tu préfères? Une fois, je vous ai appelé pour avoir aussi vos autographes, mais pour l'instant, c'est vous. Les meilleurs. Ah, oh, c'est gentil. C'est gentil. Les meilleurs autographes. C'est gentil. Antoine, t'es prêt à avoir l'autographe de qui? De Nekfeu. Bah, la prochaine fois qu'il était, hein, c'est con parce qu'il était là, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a deux semaines, ouais. Ouais, la semaine dernière, c'était Jules. Là, il sort dans un film, là, son premier film. Ouais, il est en train de tourner un film. Ouais, avec Catherine Deneuve, d'ailleurs. Exactement, il tourne. Non, mais écoute, la prochaine fois, on lui demandera. Profites-en. Ah ouais, ça serait cool. Si on peut te rajouter un autographe de Nekfeu, si c'est celui que tu veux le plus. Et là, tu peux pas faire de la trompette? T'as une trompette? Non, là, je l'ai pas sur moi. Dommage. Ah bah tu vois, t'es pas un vrai trompettiste, man. Pourquoi? Parce qu'un vrai trompettiste se balade en permanence avec sa trompette. Il a une trompette dans sa poche, ouais. Ouais, bah, y a qui? C'est dans Big Flo et Oli, il joue de la trompette. Oui. Ouais. C'est vrai, putain. Alors moi, si vous voulez, je vous joue un petit morceau de trompette. Trompette de stade. Voilà, moi je peux vous en c'est faire un aussi. Voilà. Ah, ça, c'est un autre truc, ça. Voilà. Trompette foirée. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Jolie la trompette. Pas mal. Pas mal. Ah, c'est très joli, ouais. Ah, j'ai la fanfare qui fait l'MFAO. Vas-y. Attends, tiens, écoute, on va te faire plaisir, on va te mettre la fanfare à l'MFAO. T'es prêt? Get up, get down, put your hands up to the sound of LMFAO, the party rock anthem. J'adorais ce morceau, là. C'est une fanfare. Ouais, grave. Ah, c'est une fanfare, ouais. Une fanfare, tu connais quand même, ouais. Ouais. C'est pas mal, je trouve. Ouais, ça passe quand même. Bon. Non, mais tu reconnais. Tu reconnais, oui. Ouais. Après. Plein de morceaux connus à la fanfare, je suis sûr. Hein? Il doit en avoir plein de morceaux connus. Non, mais ça, c'est une fanfare américaine, tu sais. Moi, j'ai vu plein de fois dans des zappings. C'est dangereux, là. Tu sais, la fanfare, les mecs, ils dansent et tout. À l'original, Romano, juste pour le plaisir. Ouais. T'attends. Tu l'as fait, ça, Antoine, le LMFAO? Non, pas celui-là. Non, c'est cheerleader de Omi. Ah, oui, c'est dommage, je n'ai pas de trompette. Ah ouais, c'est cheerleader de Omi. Attends, j'ai une pub, là, c'est sur YouTube, maintenant, t'as des pubs. Ah, ça casse les couilles, ça, ouais. Ah, et puis maintenant, tu peux plus les appeler. Avant, tu pouvais à bout de 4 secondes. Ouais, pas tout. Ouais, maintenant, il y en a, ouais, mais c'est plus en plus souvent. Tu sais, où c'est des entières. YouTube, si tu nous écoutes, enlève la pub. Ouais, mais je crois qu'ils sont morts, ils veulent faire de l'oseille. Ah ouais, si tu veux. Il y a un chanteur que j'adore qui s'appelle Raoul Midon. Je sais pas si on dit Midon. Non, mais tu sais, qui fait en fait de la trompette avec sa bouche. Je sais pas, et attends, le mec, attendez, c'est hallucinant, le mec fait de la trompette avec sa bouche. Avec sa bouche. Non, mais sans trompette. Non, mais c'est un mec qui est aveugle, c'est un vieux. Sans trompette. Un vieux chanteur. Ouais, ouais, mais sans trompette, c'est hallucinant, quoi. Non, c'est son nom. Non, je t'assure. C'est Parlette, c'est Yolande de la Bouille. Alors, quand on connaît pas, on ferme sa bouche. Non, mais. Raoul Maiden, tu l'as? Raoul Maiden, hein. Non, c'est Raoul. Ah, c'est le clip. Oh là. Ah ouais, c'est le clip. Ouais, c'est le clip, ouais. C'est vrai que ça change de la fanfare, hein. Ouais, mais on reconnaît. Non, mais bon, je sais pas faire, donc je vais pas critiquer les fanfaristes. Ouais, donc, tu étais fanfariste. Ouais, c'est ça. Chapeau, man. Let's go. Tonight. Allez Cédric, danse. Ta ta la ta ta. Allez Cédric. Cédric a perdu son clash, hein. Ah, c'est pas grave, ça. Allez le Belge. Wouh. Ça a été lourd, ce titre. Wouh. Et attention, Cédric va danser pour nous ce soir. Antoine, La prochaine fois que tu nous appelles, tu nous fais partir rock and theme à la radio. Voilà, la prochaine fois que j'ai ma trompette, je vous appelle. Tu nous ramènes la trompette ou fais cheerleader aussi. Eh, mais il n'y a pas moyen. Ah. Attends, pardon. Oui. Il n'y aurait pas moyen. Bon, peut-être pas avant les vacances, mais sinon à la rentrée, j'imagine, tu as des répètes avec ta fanfare. Un soir, tu nous appelles pendant que tu es en répète. Oui, c'est bon. On écoute la fanfare. Ouais, pas de soucis. Et tu nous prépares un jeu, faut découvrir les morceaux que vous jouez. Et on prendra des auditeurs, on fera gagner les cadeaux. Là, pas de soucis, ouais, d'accord. Est-ce que, mais là, t'as encore des répètes ou c'est du fini coup, là pour l'été là Non, pour l'instant c'est fini. Bah vas-y, on garde contact à la rentrée, tu nous fais un blind test fanfare. Ouais, ouais, pas de soucis, ouais. Tonight. Good times. Good times. Okay, on compte sur toi, Antoine. Hein. La démo avec LMFAO. Et aussi notre petit blind test que tu as proposé, Romano, très bonne idée. Le blind test fanfare. Oui. Ça, c'est une bonne idée, ça. Vive les trompettes. Vive la fanfare. Vive la fanfare. Et mais c'est cool. Genre, tu nous attends, as... Attends. Every day I'm shuffling. Oui, tu voulais dire, Antoine La prochaine fois qu'il y aura des rappeurs qui viendront à Sky, ce sera possible de leur demander si... possible de leur demander avoir un autographe. Alors le problème c'est juste faut qu'on y pense parce que alors, moi je sais que j'en reçois plein de mails tous les jours en disant ouais tu peux pas avoir un autographe ou alors qu'on annonce que quelqu'un a mis Mais Antoine t'es passé à l'antenne on dirait on rend service tout ça donc je nomme Cédric, responsable. Non, mais faut que quelqu'un lui le fasse quand même. Ouais, mais si j'oublie après ça va tomber dessus. Ouais, ça serait cool. Non, mais on va te le faire, Antoine. Faut le faire. Voilà, donc je nomme Cédric, responsable. Vous êtes d'accord bien sûr. Pour le nommer président des autographes. C'est ça, chef, Cédric. Ouais, bien sûr. Non, mais si j'oublie, là, faut que tout le monde s'en souvienne. Ça. On était un mot dans le studio. Ouais, on va mettre un gros mot dans le studio. Bon, Antoine, on te souhaite une bonne nuit. Merci pour tes passions, la trompette et les autographes. Et pour les autographes, ne quitte pas, on te reprend pour prendre les coordonnées, tout ça. Tu bouges pas. Pas de soucis. Salut, Antoine. Salut, l'équipe. Ciao. Il y a le top bug, il y a le journal des Bleus là qui arrive dans un instant. J'ai la photo de Tanguy. Vous savez, Tanguy qui s'est fait la boule à Z parce qu'il a été loupé par la coiffeuse. On va te dire, Tanguy, dans un instant, ce qu'on pense de toi. Attention. Bon, t'es prêt, Tanguy? Tanguy. Moi, je vais mettre I'm sexy à un 8. Et on critiquait YouTube parce qu'il y a des pubs. Et vous avez raison, on nous a dit vous aussi vous avez des pubs. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, bah oui. Ah, ça, c'est une pub là, ça, c'est la pub, là. Les pubs Vevo là. Vevo. Bon, Tanguy, en direct avec nous avec la photo de Tanguy. Allez, on va le retrouver tout de suite. Tanguy, alors. Non, bah écoute, on va faire un état de loin, ça a l'air pas mal. Bah, je pensais que ça presserait pire que ça, ouais. En fait, la boule à Z, ça lui va pas mal. You sexy, know it. Comme toi, Diffoul. I'm sexy and you know it. Ah, le suceur. Je t'ai la dédicace, Diffoul. Merci, Romano. Ah, ouais, suceur. Je dédicace à ta victoire. T'as un truc à lui gratter. Non, j'ai envie de lui faire plaisir. Ah, une petite gâterie gratte. Nature, ouais, quoi. J'aime bien. Hein, sois pas jaloux. Non, moi, ça va. Vous voulez les dernières nouvelles des Bleus? Oui, il faut qu'on fasse notre journée des Bleus. En plus, tu vois, Rugly, you know it. Ah, ok. C'est on en parlait avec Samy tout à l'heure. Le journal des Bleus, on a dit on va le faire plus tôt aujourd'hui. Boum. Ouais. You are Sherman, you know it. À 3h54. Tanguy, t'es de retour? Ouais. Le verdict sur ta nouvelle tête dans un instant. On demande à Cédric, c'est une grosse bitch. On demande à Cédric, à la Marie, à tout le monde. Tu bouges pas, Tanguy, et vous inscrivez pour la roulette. Rihanna a gagné. Allez, c'est maintenant. Rihanna, vous gagnez les concerts Skyrock et ça, faut pas les louper. Les concerts dans les stades de l'Euro. Exactement. Just get ready for work, work. Vous voulez aller voir Rihanna? Eh bien, vite, vos inscriptions sur le 41759 sur l'appli Skyrock. Vous laissez vite vos numéros. On en tire un ou une au sort et on fait tourner la roulette et vous irez voir Rihanna à Nice avec Skyrock. À l'Alliance Riviera à Lyon. À l'OL. Parc OL. Parc OL, oui. Parc OL. Au Stade de France et puis au Stade Pierre-Mauroy, au Grand Stade de Lille. Rihanna en concert. C'est parti, vous faites tourner. On avait promis Jul avec Emotion. Eh bien, il est là, l'ami Jul. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du Morning de Diffoul sur Skyrock. Alors, Sharon de Perpignan, 20 ans, chirurgie esthétique, y a quelqu'un à refaire dans ton entourage ou pas? Ouais, ma mère. D'accord. Best. The Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Diffoul, tous les matins de 6h à 9h. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36 92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. 21h minuit sur Skyrock. C'est Tchou sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Tchou sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne. Est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les raisonne. Pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là? Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Partir seul, se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, j'suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est faite. On écoutait Émotion, un extrait de son dernier album Émotion. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Ouais, et puis n'oubliez pas la vidéo de Jul, c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu. Jul et nous qui faisons des cascades. C'est sur lodifool.skyrock.com. Ah, on est parti en Y en I. Et c'est ça. Et sur tous les réseaux sociaux. On a été courageux ce jour-là. Même failli partir par terme. Alors, j'ai la photo de Tanguy. Tanguy, on t'a pas oublié. Hein. Tout à l'heure, tu nous as appelé. Tanguy, ouais, le coiffeur. Parce que le coiffeur, il t'a foiré. C'est une coiffeuse ou un coiffeur qui t'a foiré? Une coiffeuse. Une coiffeuse. Elle t'a foiré, elle t'avait fait un trou alors que tu voulais être un peu long au-dessus et un peu court sur les côtés. L'autre, elle t'a fait un trou au-dessus, donc forcément, c'est loupé. Hein. Je pense que t'y retourneras plus. Hein. Ouais, en plus, ça se ah, bah ouais, c'est forcé. Elle était pas concentrée sur la coupe, elle parlait aux collègues et tout. Ah ouais, donc elle avait très envie de bosser, donc ouais. Elle t'a foiré. Ouais, non, il t'a foiré ton coiffeur déjà. Non, mais moi, qu'est-ce que tu me foires Je sais pas, il peut couper trop court sur les côtés. Non, mais moi je demande très court. Quoi. Regarde là, rarement. Le crâne de. J'ai ta photo, je la montre à l'équipe. Je montre juste ton crâne. Le crâne de Tanguy en ah ouais, elle t'a fait quand même une coupe militaire, mais. Non, c'est lui qui s'est fini après. Comme c'était loupé, toi tu t'es rasé la tête. Rasé. Mais tu pouvais pas faire un peu plus long? Celui-là, t'as quand même fait extrêmement court. Tu t'es planté, quoi. Je mange juste, juste le crâne. Non, mais la prochaine étape, là, c'est à blanc. Mais ouais, là, t'es. Il n'y avait pas moyen de faire un peu moins court dans, au niveau du sabot sur la tondeuse. Ah ouais, c'est hyper court. En fait, je pensais que c'était 3 mm. Non, c'est moi. C'est moi. C'était beaucoup moins. Là, c'est moi, oui, c'est confirmé. Hein. Alors, attention, ouais. Marie, je montre les yeux. Les sourcils, peut-être t'as les mêmes sourcils que Romano. Tu peux pas passer à sa bite direct. J'ai pas la photo de sa bite. Envoie la photo de la bite. Tout à l'heure, et je vais que tes sourcils. Putain. Alors, je montre les yeux de Tanguy. Ah, Marie. Ouais. Putain, t'as un gros nez après, non? Tu vois ça? Un beau nez, il est beau ton nez, Tanguy. Bon, je montre la tête de Tanguy. Alors, je vais commencer, je terminerai par la Marie. Je commence par un homme de goût. Karim. Allez, au revoir. Allez, on s'attendra à tout. Beau gosse, man. Non, mais comment tu trouves? T'as des gros sourcils, man. Ouais, putain, c'est j'allais tout te le dire. Mais non, sinon, beau gosse. Samy, comment tu trouves? Tu vois? Non, ça va, t'as une bonne tête. Cédric. Ouais, ça va, elle a une bonne tête. Ouais, ça va, les sourcils sont un peu quoi. Bah écoute, moi j'aimerais bien, toi moi ils vont repousser quoi. Bah, franchement, moi t'as des cheveux. C'est une histoire de temps, mais d'ici deux mois t'auras tes. Mais même pas quand il fait chaud, ça pousse encore plus vite. Et le verdict final, la Marie. Baise-moi. Ouais, bah, ouais, non, ça va être avec saute-moi, une tête. Tanguy. Tu me fais penser à un pote à nous. Non, tu me fais penser à Yovan de la Sécu, moi. Non. Si, les sourcils avec le crâne rasé. Non, il était beaucoup plus beau que Yovan de la Sécu. Ah, Yovan, non, Yovan, il est vraiment monstrueux, ce gars. Mais il est sympa, mais il est moche. Alors, s'il nous écoute en bas, on le salue. Salut à toi, Yovan. Par contre, tu fais plus vieux. Tu as 20 ans, tu fais plus vieux, je trouve. Ouais, ça te vieillit un peu. Ouais, la barbe et tout. Ouais, non, mais ça va. Tu fais genre 28, tu vois. Non, les filles, si vous êtes du côté du 95, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. On vous met en compte. Je sais pas si t'as peut-être une meuf déjà, non? T'as des bonnes narines? Non, j'en ai pas. J'en cherche une. Bon, bah alors, les filles, n'hésitez pas. Tanguy, bonne tête, hein, Tanguy. Ouais, ça va, t'es une bonne tronche, ouais. Non, mais et ça a poussé hyper vite. Amy, on te connaissait pas avant, donc on n'a pas la tête que t'avais avant. Mais là, tu vois, on te rend compte pour la première fois. On se dit pas, par exemple, t'es chauve. Ouais, voilà. D'accord. Non, ça va. D'accord. Ouais. Ça le rassure. On est tous d'accord? Ah oui, ça va aller, t'inquiète. Oui. Et je donne la photo à la Marie qui pensera à toi très fort cette nuit. Ouais, je ne te dis pas sûr. Ce qu'elle fera. J'aurai les doigts collants à la vie. Je vais la coucher avec mon mec, il va être content. Il pensera à toi, Marie. Hein? Elle te regarde, mais grave. Attends, t'es en train de faire craquer la Marie. Ah, t'as des poils sous le. Non, elle veut la photo de ta bite, je crois. T'as des poils sous la pomme d'Adam, là. Ah, t'as regardé les poils? Bah ouais, je les vois, moi. Et alors? Moi aussi, j'ai des poils. Moi, pas trop, moi. Non, pas en dessous. Là, ici, là. Bah oui, mais en dessous. Toi, bon. Juste en dessous. Elle va te raser, mais à part ça, tout va bien. Donc, en fait, tu t'es rasé la tête, la Marie va te raser, tout le reste, on n'a plus un poil du part. Ouais, en fait, j'ai les poils plus longs que sur mon corps que sur ma tête. Oui, fait. C'est vrai. Ouais. Romano aussi. Oui. Très poilu, mais bon. Mais t'aimerais bien avoir les poils de ta bite sur le crâne, là où il n'y a pas de cheveux. Non, c'est pas bon. C'est très tout frisé bizarre, quoi. Ouais mais ce serait peut-être un style. Non, mais peut-être, ouais. T'aurais un truc posé, là. Ouais, comme ça, ouais. Tout fait de poils, ouais. Oh là, Romano, tu veux pas que je te lèche le crâne non, avec ça ta touffette? Il y a déjà mon chien qui le fait. Ah, ça va aller. Bon, Tanguy, merci à toi. Donc, rassuré, Tanguy, t'inquiète. Merci. Il y a des filles qui nous laissent des messages, c'est dingue, ça. Ah ouais. Eh bien écoute, on va les prendre des filles. Si vous voulez rentrer en contact avec Tanguy, pas de problème, il a 20 ans, 95. Voilà. Je lance l'appel, Tanguy, t'as pas appelé pour rien. Salut. D'accord. Tanguy. Ciao. Merci. Bisous. Allez, salut. On fait le journal des Bleus de l'Euro 2016. C'est parti. Oui, ouais. Le journal de l'Euro, ben on y va. Oui. Eh ben oui. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Wouh. Wouh. Samy Skyrock. Eh oui, votre journal des Bleus. Que s'est-il passé dans la journée des Bleus aujourd'hui? Et puis dans la journée des autres équipes, que s'est-il passé à l'Euro? Demain, retour des matchs demain soir dans l'émission, à pas louper. Déjà, je viens de voir juste un truc, c'est que vendredi, les Belges, ils jouent à Villeneuve-d'Ascq. Et Villeneuve-d'Ascq, le stade est à 12 km de la frontière belge. Ah ouais, juste à côté. Ouais. On attend 100 000 Belges quand même. Hein. Ah ouais. Donc, ils vont pas pouvoir rentrer, c'est plus grand que le stade. Bah non, c'est clair, ouais, mais ils vont venir même sans ticket, ils vont essayer de trouver des tickets de vente, c'est pour le match dans des pubs autour du stade. Si vous avez des tickets pour Lille, je pense que vous allez pouvoir carotter des Belges dans deux jours. Et faire des sous là. Mais t'imagines, c'est à 12 km de chez eux. Bah oui, que c'est juste pas loin. C'est à côté, ouais. Ouais, c'est ouf. D'ailleurs, quand vous voyez les Lillois, saloperie, bonjour. Bonjour. Bon, sinon les Bleus aujourd'hui entraînement, donc c'était en public, il y avait plein de monde, tout ça. Oui, j'ai vu. Patrice Evra, donc il a pas de chance en fait, il courait, il s'est cogné dans Moussa Sissoko, il est tombé par terre. Quand il est tombé par terre, il y a un autre joueur qui courait qui lui a marché, écrasé la main avec des crampons. Pas de chance. Donc voilà. Donc... Ça c'est le genre de truc qui pourrait m'arriver avec la chance que j'ai. Ouais, c'est galère man un peu. Donc en fait, il a eu un gros bandage de la glace massin, il avait la main bien en sang. Hein. Mais bon, ça, vu que c'est la main, ça l'empêchera pas de jouer dimanche, mais le mec était bien dans la merde. Ah quel con, hein, je lui ai dit de pas se servir de ses mains. Ouais, du coup, il a arrêté l'entraînement avant les autres. Ah bah du coup, on lui a coupé. Je l'ai mis dans la glacière. Et oui, j'ai assis Giroud sur la glacière. Il change de pour conserver la main. Tu as raison, Didier. Très bien de conserver la main. Ah, et c'est vrai que tu as raison. C'est du football, pas du handball. Faut pas mettre la main. Et oui. Aujourd'hui, c'est mis en évidence à l'entraînement Anthony Martial. Donc il travaillait les centres en fait, tous les joueurs, tous les bleus devant les cages, machin, tout ça. D'un coup, il y a eu un centre pour Anthony Martial. Le mec a claqué un ciseau retourné. On va vous mettre la vidéo sur les réseaux sociaux. T'es le coiffeur de Tanguy? Non, pas du tout. Un ciseau, Marie, c'est un retourné acrobatique. Tu vois, c'est un tir en faisant un supérieur arrière, quoi. Et le mec nous a mis. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais, le mec a déjà mis. Ça va, Martial, au lieu de le faire à l'entraînement, fais-le pendant le match. Bah, le problème, c'est qu'il joue jamais, en fait. C'est ça, ma blague. On l'a pas beaucoup vu, Martial. Pas du tout. Fais les bons gestes à l'entraînement, tu joueras pas. Donc, c'est un peu con, oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont travaillé aujourd'hui, les Bleus, à l'entraînement? Ils ont travaillé les centres face à une équipe, en fait, si tu veux, face à une équipe regroupée. Parce que l'Islande, en fait, c'est une équipe qui va jouer sa vie dimanche. Ouais, donc ils vont jouer archi la défense. Genre, les mecs, ils vont rester derrière. Défense contre attaque. Ouais. Exactement. Donc, les Bleus, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont entraînés aujourd'hui, justement, à jouer face à une équipe comme ça regroupée. Donc, en gros, c'est des centres pour la tête de Giroud, comme Giroud, il est grand. tu vois, c'est du travail sur les côtés pour essayer d'étirer la défense pour pouvoir rentrer avec Griezmann au milieu. Et attaquer. Ouais, voilà. Tu vois, et c'est ça, Marie. C'est la tactique de l'attaque. L'attaque. Et c'est vrai que tu nous as déjà parlé de ça. En gros, le match de dimanche, il va ressembler à un match de handball. Tu sais, le handball, quand les mecs sont tous dans leur camp et ça tourne, le ballon, il tourne. Oui, alors je leur ai dit, pas les mains, les gars. Oui. Ils sont encore marqués à la fin. Et Martial a déjà été titulaire, Sami Smith, ce qui me semblait. Ouais, ouais, mais je veux dire, il a pas beaucoup joué par rapport aux autres. Non, il a pas vu beaucoup. Tu vois, à chaque fois dans la rotation, c'est Gignac qui rentre, alors que Martial, dans les matchs amicaux, il rentrait, mais là, il ne fait plus rentrer. Et il y a Daniel Riolo qui nous a laissé pas mal de messages depuis tout à l'heure, que je salue, qui nous fait d'ailleurs bonne fête, Martial. C'est la Saint-Martial jeudi. Ah bah, bonne fête. Magnifique. Et je crois que c'était l'anniversaire de Zidane aujourd'hui aussi. Eh bien, non, on l'a fait la semaine dernière. Non, c'était la semaine dernière. Dans le morning. C'était. Autant pour moi alors. Oui. Moi-même, c'était. C'est il y a 15 jours peut-être, oui. Ouais, ouais, c'était déjà un petit moment. Parce que j'ai vu un tweet de Benzema en fait qui disait bon anniversaire. Ah bah, il s'est trompé. Il lui redit bon anniversaire. Karim, tu t'es trompé. Et vous avez vu d'ailleurs le tweet de Benzema aujourd'hui? Oui, alors attention. En fait, il s'est posé en photo avec deux mecs, deux blancs becs, tu te demandes qui c'est. En fait, c'est ses avocats, tu vois, qui le défendent pour l'affaire contre Valbuena. Ouais. Et donc lui dit, il pose punchline. Avec deux grands défenseurs. Baba. Pas mal, Karim, tu es Karim Benzema, tu as accepté au Karim, ah, je l'accepte. Le nôtre. C'était le 23 juin, Zidane. Karim Comedy Club. Ah ouais, donc c'est et ça. Et il a eu 44 piges. Jeudi dernier. Mais pourquoi il était avec des avocats, Benzema? Pour son affaire avec Valbuena. Ouais, il avait rendez-vous avec eux en fait. Ah, encore? Ouais. Putain, il a repris l'entraînement aujourd'hui, Benzema. Et sinon, aujourd'hui, les Bleus, ils ont pissé. Eh ben, une bonne nouvelle. Ils ont une prise de sang. Moi, je suis allé chier. En fait, il y a l'UFA qui a débarqué. Il y a l'UFA qui a débarqué à Clairefontaine aujourd'hui pour faire un contrôle antidopage de surprise, comme ça arrive de temps en temps, tu vois. Donc, en fait, ils sont allés sur le terrain, ils ont choisi 4 bleus au hasard. C'était Coman, Evra, Matuidi, Sissoko. Ils les ont amenés tout de suite à l'écart. Et les mecs, ils ont attendu qu'ils pissent, ils ont fait pisser, ils ont fait une prise de sang. C'est qui les joueurs? Coman, Evra, Matuidi, Sissoko. Ils ont pris 4 noms. Et ce qui est drôle, c'est de regarder. Et pour les 4, c'était négatif. Tu sais, Cédric, quand tu fais tes infos foot, mais il fait tout sauf t'écouter. Ah, c'est clair. Alors, dans le studio, ça t'intéresse pas? Limite, il se torche. Ah non. Dis-moi un des trucs qu'on a dit. Un truc qu'on a dit, bah t'as parlé de la photo là de Benzema. Bien, voilà, t'as retenu un truc. Un truc sur les Bleus. T'as parlé de Martial, t'as dit que là il allait être titulaire. Non, c'était... pas du tout. Qu'il était bien entraîné, qu'il avait fait un 6 ans. Ouais, mais bah, il va rentrer titulaire. Mais Cédric, la prochaine. Il a joué que pour les matchs amicaux, il faut que t'as corrigé, t'as dit non, il a déjà été titulaire. Le prochain match, Benzema, tu penses qu'il jouera? Ouais, bien sûr que oui, ouais, c'est ça, avec ses avocats, tiens, il va les jouer. Voilà, avec les matchs des Bleus, ça sera à la frontière de la Belgique, ses donc ils attendent 100 000 Belges. Et on nous dit, c'est l'anniversaire de Fabien Barthez. Ah non, mais j'ai écouté. Bon anniversaire, Barthez. Tu t'es trompé. C'est hier, Barthez, je crois. C'est Thibaut Manon qui dit ça. Ouais. Tu t'es trompé sur l'anniversaire de Zizou aussi. Ouais, enfin, trompé, je reprenais un tweet de Benzema. Ah, mais il a le droit de lui sauter son anniversaire plusieurs fois. Exactement, c'est gentil. Oui, fais ce qu'il veut. Bon, et prochain journal de l'Euro, demain soir et demain, donc on suit. Portugal-Pologne. C'est ça, ouais, Portugal-Pologne, 21h à Marseille. Amis portugais, tiens, on va lancer un appel. Vous êtes supporter de la Pologne, du Portugal. Amis portugais, amis polonais, vous nous laissez vos numéros et demain on suivra le match avec vous. 41759 skyrock.fm. Et Benzema, le truc là, je suis sur son Instagram. Ouais. Sur la photo là, il a dit. Ouais, je suis au max. Avec derrière, tu sais, la balance de la justice. Ah ouais. Très bien. Bah, ouais, il prend ça à la rigolade. Et là, oui. Il y a ses avocats, il y en a un qui est connu là, tu sais, celui qui a la barbe. Dupond-Moretti, là, Dupond-Moretti, ouais. Très bien. Ouais, c'est des bons défenseurs, on espère pour lui en tout cas. Bon, ah bah, allez. Surtout, je pense qu'ils vont lui prendre un paquet de pognon. On fait la roulette. Ah bah oui. Vous êtes prêts pour la roulette? Allez. Ouais. C'est qui pour la roulette? C'est qui est Camille? Camille va faire tourner avec nous c'est la Camille. Roulette. C'est pas. Hey, Romano, on a oublié tes bugs. Ah bah demain soir. Bon, si tu veux. Allez, demain soir, le classement officiel du Top Bug. Soyez là dès 21h demain soir pour le classement officiel du Top Bug. Désolé, oui, c'est vrai, on a oublié les bugs. Camille, 400 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Il y a peut-être 2 places pour toi, Camille, en direct d'Amiens. Salut, Camille. Oui, salut tout le monde. Salut à toi. Salut. Bienvenue sur Sky. Alors, Camille, t'as 24 ans, t'es prête à faire tourner? Ah oui, bien sûr, je t'annonce que Rihanna t'attend dans la roulette. Ah, parfait. Vas-y. Ah, j'ai des supporters de la Pologne qui arrivent. Bien, les supporters du Portugal aussi. Merci Dani, merci Didier Schneck. Ah, vive le Portugal. Et Didier Schneck, merci Diffoul Lebeau, très bon pseudo Diffoul. Ah, vive le Portugal. Supporters de la Pologne, merci pour vos numéros. Vas-y, pour le stop quand tu veux, Camille. D'accord. Ah, et le feuilleton de Romano, on a oublié aussi. Ah ouais. Eh ouais. Camille, tu viens de gagner tes 2 places pour Rihanna Lille. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Eh ben, c'est pour toi, on t'envoie ça très très vite. À Amiens, on te fait gros bisous, Camille.